c'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. La virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout de la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour les DevOps. Alors aujourd'hui, petit aparté inhabituel avant le début du podcast... Juste pour vous dire que celui-ci, comme vous l'avez sans doute vu, est assez long, plus de 3 heures. Mais il est aussi extrêmement dense et riche en informations, donc n'hésitez pas à l'écouter, sans doute en plusieurs fois, revenez dessus. Mais je suis sûr que vous apprendrez quelque chose, ou au moins ça vous donnera plus d'informations sur ce que les gens peuvent penser, aussi bien des conteneurs que de Kubernetes d'ailleurs, et même globalement de l'état de la tech à l'heure actuelle en France et dans la Silicon Valley. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à commenter et également à venir participer. Soyez le prochain interlocuteur, que ce soit de manière ponctuelle ou régulière. Je suis sûr que vous avez des choses à dire sur le DevOps, une opinion différente ou pas d'ailleurs de la nôtre. Donc n'hésitez pas, venez nous voir et sur ce, je vous laisse avec le podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le 14e numéro de DevOps. Alors, on est super en retard, ça fait presque un an qu'on n'avait pas fait de numéro, donc désolé à tous. J'ai même reçu plein de messages pour nous demander un nouveau numéro. Nous voilà. Et donc, si jamais vous aussi, vous avez envie de venir parler d'un sujet autour du DevOps ou même d'ailleurs autour de Kubernetes dans le podcast Dans ton cube, n'hésitez pas à venir, c'est vraiment ce qu'on recherche, des gens autres que nous pour parler. Voilà. On n'a pas envie de faire un entre-soi, donc c'est vraiment l'intérêt de venir et de proposer des sujets ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on sera début du mois de février au FOSDEM. Donc, s'il y a des gens qui sont au FOSDEM, n'hésitez pas à venir nous voir. On pourrait même faire un épisode spécial à ce moment-là. Il y a du temps au FOSDEM. Donc, n'hésitez pas à nous pinguer. On pourra s'organiser un petit moment là-dessus. Et voilà pour les news. Et on commence donc cet épisode sur... Alors, épisode à troll sur Kubernetes, révolution ou buzz marketing. Et autour de la table, nous sommes quatre. Je vais laisser chacun se présenter en commençant par le nouveau Quentin, la première personne, la seule personne qui n'est jamais venue avant dans un DevOps. Je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Quentin Adam. J'ai le fameux pseudo imprononçable sur Twitter, WAXZCE, qui pour les spécialistes en fait est un pattern quand t'es sur un clavier AZERTY et que tu te faisais bien chier quand j'étais ado. Et en fait, je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud, qui fait un outil d'automatisation forte des infrastructures de façon à libérer du temps pour les ops, permettre aux devs d'aller plus vite et renforcer l'infrastructure. Super. Les deux anciens, Barthélémy Vesmont, un vieux de la vieille du DevOps. Récemment, j'ai rejoint une nouvelle petite startup qui s'appelle Storelift et qui propose des magasins autonomes, tout simplement. Avant, tu étais chez Criteo. Avant, j'étais chez Criteo, pour rappel. Donc, un peu de Kubernetes et beaucoup de débrouillardise. Et Jérôme Delahaye, je suis chez BNP Paribas et on s'occupe de toute la partie Cube et IKS maintenant. Super. Et donc moi, Guillaume Létron, et je suis toujours indépendant, je fais toujours du Kubernetes, etc. Ça fait la transition et c'est pour ça qu'on est là. Pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Alors, il fait suite à un tweet que j'ai envoyé la semaine dernière, d'ailleurs une série de tweets sur Kubernetes, en disant bien que, de mon opinion, que Kubernetes était donc maintenant assez vieux, puisqu'il a même 5 ans et demi, que c'était plus un sujet hype, et que globalement, maintenant, en 2020, c'était pour moi un non-sujet que Kubernetes. Et donc, s'en est suivi un long thread extrêmement touffu et poilu pour le coup, puisque en fait, des arguments, des échanges d'idées plus ou moins bien faites, on va dire, ont été échangés. Et ça me permet d'ailleurs de rappeler une règle qu'on a ici, je pense, assez implicite, qui est En fait, je pense aucun d'entre nous troll, en fait. C'est-à-dire qu'on a des avis différents. Mais ce que j'aimerais ici, et je pense que c'est le cas de Quentin et c'est le cas d'entre tous, c'est tout ce qu'on dit, on le pense. On le dit pas pour faire enrager les gens en face. On a le droit de pas être d'accord, mais on le fait pas pour enrager les autres. C'est juste, on n'est pas d'accord. Et c'est très bien. Et ça doit pas nous empêcher, justement, de faire une table ronde comme ça, d'aller prendre un verre, d'aller manger ensemble. Et c'est quelque chose, on a le droit de pas être d'accord. Et pourtant, de pouvoir discuter. C'est quelque chose d'important là-dedans. Et justement cette divergence là en fait suite à toutes ces opinions suite à toutes ces discussions on est arrivé en fait à un point notamment avec Quentin où on arrivait sur des divergences profondes en fait sur des divergences où on a vu que là à ce point là on n'était pas d'accord et je pense que au lieu de moi parler et de dire ce que c'était, je vais laisser peut-être Quentin expliquer lui la vision qu'il avait de la suite des événements de manière très succincte, si jamais tu devais toi résumer, parce que moi j'ai résumé de mon côté, mais j'aimerais bien avoir un autre. Et nous on compte les points, c'est ça? Non mais là pendant une minute ou deux, hein, juste après on va revenir dans le sujet plus du débat qu'on pourrait avoir, et même techniquement, parce que je sais qu'on m'a aussi demandé d'être un peu plus technique. Je pense que c'est un sujet qui est éminemment technique, en fait. Je pense que la divergence, elle est assez simple. Pour moi, une infrastructure, aujourd'hui, elle doit s'autogérer. C'est-à-dire que tu as des humains, donc les humains sont des gens magnifiques, mais profondément imparfaits. Et aujourd'hui, ce qu'on demande à une infrastructure, c'est de délivrer 100%. Ce qui veut dire que s'il y a des humains sur la prod, ça peut pas marcher. C'est statistiquement impossible que ça se passe bien. Donc il faut supprimer les humains de la prod. Pour supprimer les humains de la prod, il y a plein de solutions. Mais la meilleure des solutions, c'est probablement un usage massif et statistique. C'est-à-dire qu'il faut faire un cœur qui soit basé sur soit de la récurrence, soit de l'apprentissage statistique, ce qu'on appelle aujourd'hui du machine learning ou de l'intelligence artificielle. Je sais qu'on s'est fait chambrer parce que notre nouvelle baseline chez Clever, c'est AI Powered DevOps. Mais c'est littéralement ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire que nous, on a foutu un cœur statistique qui réagit à des règles statistiques préétablies de par un apprentissage pour faire fonctionner la prod. Et c'est littéralement ce qu'on fait. Et je pense que pour obtenir une infrastructure qui fonctionne bien et qui fonctionne de façon autonome, qui libère les gens à la fois des conflits internes des boîtes, parce que je pense que le conflit entre le fameux ce qu'on appelle dev et ops n'a pas été solve quand on a dit DevOps, ça a été réglé dans certaines boîtes où ils ont fait le truc qui permet à DevOps de fonctionner, c'est-à-dire fusionner les budgets et les équipes, mais tant qu'il y aura deux équipes séparées, ça marche pas, et alors il y a un autre truc qui s'est produit dans certaines boîtes, c'est-à-dire qu'au début t'avais deux équipes et là maintenant il y en a une troisième qui s'appelle DevOps, qui est censée faire le lien, qui a son propre budget, ses propres insights, sa propre façon de bouger, ça ne marche pas du tout, hein. C'est toujours pas la bonne stratégie. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut fusionner les équipes. Et donc moi je pense que pour aller vers ça, il y a eu des choix technologiques de prix il y a quelques années qui sont à mon avis des échecs, qui ont déjà été des échecs dans l'histoire informatique et qui, à mon avis, sont des dead ends et qu'on est en train de payer les pots cassés de ça et qu'on va encore les payer pendant quelques années avant d'avoir la paix là-dessus. Voilà. Alors, c'est bien parce que tu arrives justement dans notre premier point et qui est donc la suite de notre discussion qui était justement ce dead end technologique. Tu as employé le terme là-dedans. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est justement, donc, est-ce qu'il y a un sens à l'innovation. Et je vais donner mon avis là-dedans, justement, qui rejoint le tien, c'est que je ne pense pas, enfin, qui, justement, est en contradiction, je ne pense pas qu'il y a des dead ends technologiques. Je pense qu'en fait, toutes les technologies apprennent les unes des autres. Ces technologies-là, d'ailleurs, s'entrecroisent, et en fait, il y a une dépendance au chemin qu'on a emprunté, c'est-à-dire que les technologies de demain ne seront qu'en fait découlent des technologies qu'on fait maintenant. Et en fait, il n'y aura personne qui devra faire marche arrière. En fait, c'est le dead end, donc l'impasse dans laquelle on sent rien, dans laquelle on va, voudrait dire qu'une fois qu'on est au bout, il faut mettre la marche arrière pour revenir. Et les gens qui sont restés hors de l'impasse ont gagné. En fait, ça veut dire ça technologiquement. En fait, c'est dans l'évolution, c'est une réalité. Alors, là où je te rejoins, la technologie va toujours en avant. C'est le fameux retour accéléré du progrès, Rutherford, il a passé pour Google, whatever, qui t'explique que toute technologie apporte à la suivante et fait que la progression technologique humaine est une courbe exponentielle. Néanmoins, quand tu dis chaque technologie apprend de ses prédécesseurs, c'est parfaitement vrai. Et notamment, ça apprend des erreurs. C'est-à-dire que la dépendance au chemin, elle existe, mais pour autant, elle n'est pas valide. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose dont tu dois en permanence hériter. l'évolution, par exemple, dite des espèces de Darwin, est buissonnante, et donc t'as des buissons, et des fois, bah, ça finit par un dédame. Justifié ou non? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on parle d'évolution buissonnante, tu as des évolutions qui meurent pour de mauvaises raisons. Dans le cas d'évolution des espèces, les 3-4 individus qui avaient une mutation, pour des raisons complètement exogènes, n'ont pas été capables de se reproduire. Mais donc elle était mauvaise? Non, pour des raisons exogènes, je te dis. Mmh. Imagine, t'as 3 individus qui développent une capacité incroyable à vivre 150 000 ans. Au même moment, ils passent sur une route, c'est la même famille, ils passent sur une route sous un éboulier de rocher, ils sont tous tués en même temps, parce que, par contre, autant ils ont une longévité extraordinaire, par contre, personne ne résiste au rocher. À ce moment-là, pour des raisons exogènes à leur capacité de mutation, ils sont morts pour de mauvaises raisons. Ok, donc en gros, c'est que ce gène-là ne s'est pas transmis. Voilà. Et n'a pas réussi à profondément polliniser, j'ai encore utilisé ce terme-là, polliniser toute la population. Et c'est pour ça qu'en fait, l'évolution des espèces est buissonnante. Mmh. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Encore une fois, tu peux très bien avoir une espèce avancée qui meurt pour de mauvaises raisons. Ok, alors pour revenir dans un contexte technologique, là dans notre cas, si jamais on le prend dans le cas de Kubernetes par exemple... Prenons-le sur des cas technologiques plus anciens. Plus anciens. Si on veut parler de l'évolution de la technologie, prenons le Zeppelin. L'arrêt, si tu veux, des dirigeables est clairement lié à un contexte d'évolution qui a été un problème. Ou prenons quelque chose de bien plus trivial. T'es en Europe, pour se torcher le cul, on utilise toujours du PQ. Alors qu'on sait tous que ça étale la merde et que ça ne supprime pas les choses. Ok, c'est très bien. Alors là, pour mettre dans le contexte, je vois la référence. C'est donc une vidéo de Dirty Biology qu'il faut voir là-dessus. Mais justement. Mais c'est une excellente dépendance, voilà. Si tu veux. C'est une très bonne chose. Voyez la vidéo sur le PQ et pourquoi on utilise du PQ alors que ça sert à... Enfin, il y a mieux. Il y a mieux. Il y a les fameuses toilettes japonaises avec des douchettes. Et il y a pire. Faut être très clair sur le fait qu'il y a pire. Mais toujours est-il que l'évolution, elle est jamais linéaire. Et je ne connais aucun système qui a une évolution linéaire. Parce que, tout système d'évolution, génère une certaine entropie. Et en fait, tu fais juste un pari statistique que les meilleurs vont gagner. Mais c'est un pari statistique. C'est pas une certitude statistique, c'est un pari statistique. Et c'est pour ça que c'est buissonnant. Donc on peut pas définir que chaque invention est nécessairement meilleure que la précédente. Par contre, on peut apprendre de ses erreurs. Alors, là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'en fait, je vais peut-être repréciser ma notion donc de sens. Et c'est là où on est d'ailleurs d'accord. C'est que statistiquement, dans la moyenne, à la fin, on arrive vers un meilleur. En fait, en gros, les évolutions tendent vers un meilleur. Et je pense que là-dessus, et c'est même d'ailleurs le principe de l'évolution des espèces, même si... C'est la notion de bruissonnant que tu dis, un peu moi ce que je disais, le maelstrom en fait, cette espèce de choses avec plein de choses qui arrivent dans un tout. Dans le contexte des technologies, en fait, je ne pense pas que... En fait, tu as pris par exemple l'exemple de ces 3 personnes qui sont écrasées. La question est de se dire, s'il y a 10 000 personnes qui ont ce gène-là, donc ça veut dire quelque chose où un événement critique précis ne peut pas les supprimer. Est-ce que ces 10 000 personnes-là sont quand même dans quelque chose dans un dead end, en fait? Est-ce que d'un seul coup, les 10 000 vont... Donc, regarde l'histoire du Blu-ray et du HD-DVD. Bah là, pour le coup, on était dans un très petit nombre. Personne n'avait d'HD-DVD. En fait, le HD-DVD est mort avant même d'être utilisé. Oui, mais il était technologiquement supérieur. L'histoire de Betamax et VHS, c'est la même. C'est pour t'expliquer qu'en fait, si tu veux... Ils étaient beaucoup plus chers. En fait, technologiquement, c'est-à-dire que oui, pour un technicien, ça veut dire en termes de qualité vidéo, le Betamax était bien meilleur, mais le fait que le VHS était 3 fois moins cher... C'est pas lié en fait à la qualité d'une technologie. Alors, exactement. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que... Sinon, on ne serait pas tous tapés Windows pendant des années et Internet Explorer 6, tu vois. Alors voilà, c'est super bien, c'est qu'en fait, justement, là, c'est l'évaluation des technologies dans lesquelles on arrive. C'est que l'évaluation d'une technologie, est-ce qu'elle se fait juste par la qualité intrinsèque de sa technique, de sa qualité du code, de sa, je sais pas, on pourrait voir plein d'évaluations là-dedans, ou est-ce qu'elle est plus globale que ça? Et typiquement, le VHS est quelque chose qui marche parce que elle est moins chère à produire. Et c'est une qualité d'une technologie qui a besoin d'être dans tous les foyers. C'est-à-dire que si jamais le lecteur VHS était 5 fois plus cher, et ben en fait, il se serait jamais diffusé, même si la qualité de la vidéo était meilleure. Oui, mais peut-être qu'en en produisant un plus grand nombre, on aurait fait baisser le coût. En fait, si tu veux, c'est toujours le problème quand on essaye de faire rentrer des arguments sociaux dans un choix technologique. Un choix technologique qui doit être rationnel. En tant qu'ingénieur, à un moment, on se pose des questions, et puis après, on peut faire un arbitrage financier. Si tu veux, il y a des technologies qui sont des sales idées qui reviennent de façon très régulière. Si la marche du monde est faite autour du pétrole aujourd'hui, c'est pour de bonnes raisons techniques et de très mauvaises raisons commerciales. Parce que c'est tellement plus simple aujourd'hui. Mais on a tous conscience aujourd'hui que c'est une mauvaise idée. Pour autant, on peut pas résoudre notre dépendance au pétrole en 3 jours. Bah en fait, on n'y serait même pas. Enfin, moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'on n'y serait même pas là sans pétrole pour le coup. C'est le pétrole est la base de toute notre civilisation actuelle. Et c'est pour ça qu'on a une dépendance dessus. C'est que justement, on a une dépendance. C'est-à-dire que cette technologie-là, on a amené plein d'autres, le plastique. Juste le plastique. Enfin, c'est. Ouais, je parle de brûler des hydrocarbures. Le plastique, pour moi, c'est vraiment un autre histoire. Mais brûler des hydrocarbures est très pratique. Mais du coup, ça nous a entraîné dans quelque chose où on sait tous aujourd'hui qu'il faut qu'on trouve une autre solution pour faire rouler des voitures. Enfin, c'est pas que rouler les voitures, hein, c'est annexe les voitures, c'est le pétrole, c'est le transport, c'est le transport, et le transport, c'est la mondialisation. C'est là le gros problème. En fait, en gros, enfin, c'est un autre débat, c'est une question de ressources aussi. Hein, c'est, non, mais c'est avec un super excavateur. C'est il y a plus de pétrole, il y a plus de transport, il y a plus de mondialisation, on est dans la merde. Bah, le monde actuel, en fait, c'est basé dessus. Donc en fait, c'est ça toute la complexité qu'il y a derrière. D'ailleurs, que tu dis, c'est que si jamais on se base sur des technologies, en fait, le monde avance dans une certaine direction. On s'est basé sur tes technologies et c'est très dur de faire ce retour en arrière, justement. Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on a fait des choix technologiques graves dans notre. Et alors voilà, justement. Quels sont-ils? On va retomber sur nos pieds parce que là, on parle de belles choses. Quels sont ces choix graves que tu technologiquement que tu regrettes ou que tu que tu ne supportes pas, enfin quelque chose qui te. C'est un avis a priori là qui, qu'on va donner. Comme ça, on pourra donner ton avis et on va essayer de rebondir là-dessus. Je pense que depuis les années 70, à peu près tous les 10 ans, il y a quelqu'un qui débarque avec une idée qui est de dire, et si on prenait tous les process des gens, qu'on les exécutait alors qu'ils se connaissent pas les uns à côté des autres sur le même OS. Et cette idée-là, qui déclenche plein de problèmes dont on pourra discuter et on pourra se demander si on peut les résoudre, depuis les années 70, régulièrement meurt, parce que c'est un concept technologique de mauvais aloi, et on en a vécu sa dernière occurrence, avec l'apparition de Docker et l'apparition de Docker lead directement à Kubernetes. Alors, je rebondis sur je prends l'autre côté du miroir qui est si on le met pas sur le même OS, enfin, dans les années 70 et jusqu'à dans les années 90, c'était on le met sur des machines différentes, voire on avait peut-être la technologie du mainframe qui était un peu dans le même. On avait la technologie du mainframe. Mais on, gros, on a une ségrégation par le hardware et qui ne pouvait exister que par le hardware. Et cette ségrégation-là, à mesure de la montée en force, en puissance du hardware, n'était plus valide parce qu'on n'allait pas ségréguer par le hardware quand ton hardware il avait 5 GHz et 128 Go de RAM. C'était pas possible. Donc soit on faisait des micro-machines qui faisaient 5 cm², soit on ségréguait de manière autre, enfin on isolait de manière autrement. En 2003, tu n'avais pas 128 Go de RAM, et c'est l'apparition des VT instructions poussées par Intel dans le CPU qui te font une ségrégation hardware, tout ce que tu avais demandé. Alors, justement, c'est assez marrant, c'est que on s'est posé la question tout à l'heure là-dessus. On connaît des entreprises qui détestent les instructions VT et la virtualisation. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont dans la même posture. C'est-à-dire qu'elles disent non, nous, on interdit la virtualisation, mais complètement. C'est un dogme absolu pour plein de raisons qui peuvent avancer. Typiquement, la pseudo-latence rajoutée par ces choses-là. Alors, tu vas m'expliquer d'où vient la latence de la VT. Je sens que ça va être très intéressant. Alors, détrompe-toi. Je me suis battu dans cette entreprise-là. Dont tu viens de boire l'eau. Dont tu viens de boire l'eau à l'heure actuelle. Regardez le live. C'est un dogme absolu dans cette entreprise qui fait qu'on a déjà installé des HA proxy monocœur sur des 24 cœurs, 128 Go de RAM. Je suis pas là pour écouter les dogmes imbéciles de d'autres. Voilà. Mais justement. Moi, si tu veux, la virtualisation a été critiquée à une époque en disant elle rajoute de la latence. Fine. Où est-ce qu'elle rajoute de la latence? Ah mais c'est non, sur les IO, sur les IO. Voilà, les IO network, les IO. D'accord. Disques. Donc, on rajoute de l'IO, de la dépendance sur les IO. Pourquoi est-ce que ça rajoute de la dépendance sur les IO? Ah mais moi je pense que ça en rajoute même pas parce si jamais on fait la para. Non, mais posons une vraie question. Pourquoi est-ce que des choses comme VirtualBox ou les premiers VMware ajoute de la dépendance de temps sur les IO et le network. Parce que c'était un hyperviseur pour tout le monde qui passait et qui reprenait tous les IO, qui les centralisait. Et il rajoutait une abstraction surtout. Hein. C'est pas un problème d'abstraction. L'abstraction n'a jamais posé de problème. Le CPU a toujours géré très très bien la séparation des OS qui se connaissent pas. La racine, si vous voulez sauver votre vie dans le CPU pour ça, c'est ce qu'on appelle les VM exit. La VM exit, donc vous voyez les niveaux de sécurité dans un CPU, c'est le moment où globalement tu sors de ton enclave sécurisée. Quand on dit tu sors de ton enclave sécurisée, c'est pas un problème, c'est le moment où tu dois parler au CPU pour avoir la main sur autre chose. Sauf que c'est très bien de pouvoir booter un OS dans le CPU peinard et de pas avoir d'overhead ou minimal. D'abord parce que je sais pas comment ça se passe dans vos infras, mais moi, le CPU, il est rarement bound. On est tous bound par les IO et rarement par le CPU. J'ai pas dit que ça arrivait jamais. J'ai dit que c'était beaucoup moins souvent, surtout dans des infras web où fondamentalement, on a des bases de données qui lisent sur des disques durs et qui répondent de l'HTTP sur le réseau. Enfin, fondamentalement... J'ai eu des CPU bound, hein, les trucs à base de... C'est rare. Cassandra aussi, Elasticsearch, ils consomment du CPU. Alors, regarde pourquoi ils consomment du CPU. Oui. En général, c'est lié à des problèmes d'IO. Ça peut arriver. Des fois, t'as du calcul à faire dans la vie. Mais en général, tes problèmes de perf dans la vie, c'est des IO. Ce qui a rajouté des problèmes de lenteur, c'est que pour être capable de faire de la virtualisation, autant le CPU gérait la virtualisation, autant le reste du hardware, non. C'est-à-dire que ton network gérait pas la virtualisation. C'est pour ça qu'Intel, au début, avait imaginé que tu mettes un CPU, 30 cartes réseau dans ta babasse et rouler jeunesse. Tes disques durs ne gèrent pas la virtualisation. Ton écran gère pas la virtualisation, personne d'autre ne gère la virtualisation. Ce qui fait qu'on a créé ce qu'on appelle des couches d'émulation, où on faisait croire qu'il y avait du matos, et au début, on faisait même croire qu'il y avait du matos réel, donc des Broadcom notamment, je sais pas si vous vous souvenez, de la grande époque où on configurait les Nvidia pour que ça émule un chipset Broadcom, et là évidemment, oui, tu émules de l'électronique qui n'existe pas, c'est lent sa race. Sauf qu'entre-temps, on a introduit des drivers qui permettent d'utiliser des instructions supplémentaires, des VT instructions, qui te permettent d'avoir une communication directe entre l'host et la virtualisation. Maintenant, juste, je voudrais qu'on soit très clair sur cette histoire virtualisation contre container à cet endroit-là. Tous les benchmarks que j'ai vus à la grande époque de l'apparition des containers, vous savez, les machines virtuelles light, sont des benchmarks qui ont été faits en mode host. C'est-à-dire, sans aucune sécurité des IO. Alors évidemment, t'es rapide. Sauf qu'aujourd'hui, si jamais tu fais un test de ta sécurité des IO dans un mode où t'es tout le monde dans le même OS, et on parlera des autres problèmes de tout le monde dans le même OS, t'es obligé de le faire user land side. Donc, avec une lenteur de check délirante, et en plus, là, absolument pas soluble dans le hardware. Donc, si tu as la dépendance à l'IO, oui. Ah, si tu la supprimes et que tu dis, bah, en fait, fuck la sécu, oui, effectivement, je te confirme, t'as plus de dépendance de problème d'IO. Mais si tu la réinstalles, bah, t'es bien baisé dessus, quand même. Donc là, si on résume, tu penses vraiment, et c'est d'ailleurs un argument qui se tient, hein, c'est-à-dire, dépendre de la sécurité du kernel, de plein de fonctionnalités du kernel pour segmenter les usages, c'est quelque chose. Alors là, je viens juste de te dire que c'est un problème de sécu, de perf. Que ton problème de perf était là. On va parler ensuite des problèmes d'isolation de sécurité. Mais c'est en fait elles sont liées en fait. C'est ce partage même du conteneur. Ouais. Parce que pourrais très bien avoir des conteneurs qui n'ont pas ce problème-là potentiellement. Mais le fait même qu'elles partagent un socle de base, enfin sinon c'est pas un conteneur. Si jamais elles partagent pas ce socle commun, cet OS en commun, c'est plus du conteneur. Donc là, si jamais je viens dedans, c'est donc ce grief-là. Et personnellement, je l'entends. Très bien, voire même plus que ça, je pense qu'en fait, tout le monde est d'accord avec toi. Pour une raison, c'est que par exemple, tous les cloud providers, il y en a quasiment aucun, on va dire aucun, qui propose du vrai conteneur as a service. C'est-à-dire qu'en fait, elle te donne une VM, c'est la tienne, c'est pas celle d'à côté. Cette VM est isolée via les instructions. C'est ce que font les autres plateformes as a service. Dans tout le marché des plateformes as a service, je suis le seul qui fait que de la virtu. Dans tout le marché. Ouais, mais en fait, tous les autres le font. En fait, si jamais demain même j'installe un Kubernetes sur GCP, en fait, on me donne des VM. Des VM que j'espère être isolées via des instructions processeurs. Ouais. Donc en fait, personne à l'heure actuelle me donne accès à un Kubernetes partagé. Alors, c'est un problème de dogme de sécurité. Parce que du coup, on n'a pas parlé des vrais problèmes de sécu que ça engendre, mais admettons, partons sur cette histoire d'isolation. Je pense qu'on va dans la sécurité alors que... Au final, je voudrais juste qu'on parle de cohabitation ou de partage de ressources. Parce qu'au final, aujourd'hui, je suis développeur. Les problématiques de sécurité, déjà que les problématiques d'ops en général, elles sont assez éloignées, même si c'est pas volontaire, les problématiques de sécurité sont encore plus éloignées. Je parle de, pas de... Dans la pratique, c'est comme ça. Moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce que ça m'apporte de faire du multiprocess versus de la virtualisation versus du conteneur versus de la virtualisation et du conteneur. Enfin, aujourd'hui, ça a une valeur. Tu disais tout à l'heure, l'idée, c'est que les développeurs aillent vite. Et je pense que la conteneurisation et la VMisation ont, en plus d'amener des problématiques de sécurité, amener des problématiques d'instruction VT, etc., d'isolation, elles ont amené énormément de flexibilité pour ces développeurs-là. Et je pense que c'est là la force de ces choses-là. Et OK, il faut parler des sécurités dans le cadre de plateformes as a service, mais quand on est dans une entreprise, qu'on a ses serveurs, qu'on n'est pas hébergé sur un cloud, je suis désolé, mais quelle est la différence entre faire du multiprocess et faire du conteneur ou faire de la virtualisation? Et aujourd'hui, moi, c'est beaucoup plus compliqué de faire de faire de la virtualisation versus faire... C'est pour moi, c'est en termes de complexité, c'est number one. En termes de complexité 2, c'est de faire du conteneur, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être trendy, mais aujourd'hui, en deux clics, on y arrive. Et le plus simple, c'est quand même de faire du multiprocess et d'y aller comme un dégueulasse sur son serveur qu'on a installé à la main. Voilà, pour moi, la valeur ajoutée, elle est là. Et les problématiques de plateforme, de ops, qui parle à des ops, c'est pas un détail, mais c'est pas ça qui fait driver la technologie. Je suis d'accord avec toi, c'est pas un détail, mais c'est pour ça qu'il faut parler de sécu. Pourquoi il faut parler de sécu? On peut parler de plein de choses sur la mutualisation des ressources, mais parlons-en de façon simple. Tu lances plein de process, t'as un RIAC dans un coin, et t'as ton serveur PHP-FPM. Ton RIAC prend plein d'écritures, il va exploser son nombre de U limites. Ton serveur PHP-FPM sera plus capable de répondre une fois de temps en temps à des requêtes parce qu'il a pété le nombre de U-limit. Le grand classique. Parce que ça, c'est une limite qui ne devrait pas être partagée entre ces deux applications-là. Elle ne devrait même pas savoir qu'elles existent l'une l'autre. Prenons un autre problème. Mais... De ressources partagées. Oui, non, mais on illustre, c'est très bien. Tu as une application qui fait du chiffrement. Beaucoup. Bah, en fait, elle va t'épuiser la seed d'entropie de ta machine. Et comme la seed d'entropie, elle est partagée avec tout le monde, ça veut dire que toute l'entropie de tous les autres trucs qui va être utilisé en chiffrement sur la totalité de la machine est épuisée, et donc, t'as plus de sécu. Cela dit, à l'époque, il y a longtemps, parce que il y a longtemps, on n'avait pas les capacités CPU d'aujourd'hui, on avait des circuits hardware dédiés à la génération d'entropie. Ça existe encore. Oui, mais il faut le configurer. Ça existe encore. Je suis désolé, et on devrait être capable, même dans le cadre de VM et même dans le cadre de conteneurs, de pouvoir configurer des machines spécifiquement dédiées à la génération d'entropie. L'entropie dans les VM, c'est un énorme sujet. Par exemple, c'est un sujet beaucoup moins lourd que dans le même OS. Alors, pour le coup, je me souviens plus à quel moment, mais il y avait des VM pendant un temps qui n'étaient incapables de booter parce que juste elles attendaient le SSH de lancement et elles avaient aucune entropie. On parle d'une faille Debian. On peut faire notre vie entière à parler d'une faille Debian. Moi, je parle plus d'une faille Debian parce qu'on me dit que je tire sur une ambulance. Non, c'était pas la faille Debian. Je vois très bien le truc où en fait les nombres étaient même pas aléatoires, alors même avec sur entropie. L'exemple que tu me donnes n'est pas lié à des gens qui faisaient des choses bien. Il se trouve que Debian a manipulé l'entropie plein de fois et ça a donné plein de trucs chelous parce que pendant longtemps ils ont cru qu'il fallait augmenter la rapidité de génération d'entropie. Et donc effectivement il y a eu des problèmes sur du SSH. Néanmoins, là c'était pas un problème de VM, c'était un problème de driver. En fait, si tu veux, le problème, c'est que les gens confondent les problèmes de VM, donc du VM exec dans le CPU, avec les problèmes de driver de l'encapsulateur de la machine. Le VMM, ce qu'on appelle le VMM. C'est un problème fondamental que vous devez décorréler. Est-ce qu'il peut y avoir un problème dans vos drivers? Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut compiler vous-même les hyperviseurs de façon à réduire vos surfaces d'exposition? Oui, aussi. C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui font n'importe quoi qu'une technologie est mauvaise. Sinon, enfin, le web entier serait pourri, on faisait tous du front page à l'époque, tu vois. C'est un problème, si tu veux, à un moment, faut regarder les choses de façon rationnelle. Quand je te dis qu'il y a un problème avec les containers, je te dis pas qu'il y a un problème dans l'absolu. Il y a des cas d'usage où c'est très cool les containers. Toute ma CI tourne sur containers. Le premier cloud public ever à avoir proposé du Docker, c'est Clever Cloud. On est une des seules boîtes dans le monde à packager Docker. Il y a nous, Red Hat et Docker. Donc c'est pas compliqué, on passe notre temps à faire ça. On s'est engueulé un nombre de fois incroyable avec les lead mainteneurs parce qu'on sentait bien qu'on était dans les rares à compiler le bordel hormis eux. La liste des options du kernel qu'il faut pour compiler, pour faire fonctionner Docker sur un truc, ça sort de chez nous. Donc on connaît particulièrement bien ce bordel. On te dit, il y a plusieurs problèmes, il y a un problème d'entropie. On peut parler de tous les autres problèmes d'entropie qui ont été liés. Il y a un truc qui est sûr, c'est que si tu fais du conteneur, t'auras des problèmes d'entropie. T'as un problème de ressources limitées, non mutualisables, qui se retrouvent mutualisées. Donc là, je te citais les U-limit, mais en vrai, il y en a plein d'autres des ressources limitées, non mutualisables, que tu peux avoir, parce que c'est un autre problème. Après, t'as un problème d'isolation. Ton problème d'isolation, il est statistique. Il y a 430 failles du kernel annuellement. Il y en a à peu près 30 annuelles qui sont des évaluations de privilèges. C'est-à-dire que t'étais pas route, tu deviens route. Ce qui veut dire que ta coque conteneur est PC. Bon, il y a 52 semaines dans l'année. Il y en a 30 pendant lesquelles t'es condamné. Fais ton choix. KVM, deux failles en 10 ans. Il y a une des deux failles. Parce que la première, j'étais même pas concerné tellement c'est vieux. La première, dont je me souviens, c'est une faille dans le driver d'émulation de disquette 3 pouces et demi. Alors je sais que le web entier s'est enflammé parce que tout le monde utilise des distribs dans lesquels tout est compilé, mais enfin, moi ça m'a pas touché, hein. C'était pas compilé le driver d'émulation de disquette 3 pouces et demi, parce que ça n'a rien à foutre en prod chez moi. Donc si tu veux, d'un pur point de vue statistique, t'admettras qu'il y a un problème d'isolation. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Et mieux que ça encore, c'est que j'adore la virtualisation. Enfin, pour avoir été chez CloudWatt et avoir fait de l'OpenStack sur du KVM, etc., et même avant, avoir des infras très très lourdes sur du KVM, le QEMU, le libvirt, le machin, etc., j'en ai bouffé et j'adore ça. C'est peut-être un truc que les gens crachent beaucoup sur OpenStack même. Il a énormément de problèmes, mais il a répondu à énormément de soucis. Et je pense même maintenant, peut-être parce qu'on va revenir là-dedans, c'est bien que t'aies parlé de conteneurs, mais c'est que moi, par exemple, je pense que donc la dépendance au chemin dont on parlait, c'est que je ne vois pas Kubernetes sans la virtualisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et ça va être la définition que je vais dire, c'est que Kubernetes n'est pas un CAS, ce n'est pas un conteneur as a service. Il a même une notion de conteneur, à mon sens, que très lointaine. C'est avant tout un manager d'infrastructure. Il doit se reposer sur des ressources. D'ailleurs, il gère des ressources. Même aujourd'hui, pas. Il lance des conteneurs. Alors, même il pas. Il utilise les conteneurs, je vais dire, pour son exécution. Alors depuis... C'est un outil... Même pas depuis hier, j'ai vu qu'il y avait un kubelet codé en Rust qui fait du... Ouais, c'est un toy project d'un mec. Voilà, en vrai, il y a d'autres trucs. T'as Microsoft qui a pondu le virtual kubelet qui te permet de prendre l'API de kubelet et de lancer plein d'autres trucs. Voilà. C'est comme tout, à chaque fois que... Virtual kubelet, il se branche à des CAS, pour beaucoup des pures CAS. Non, je pensais même par exemple à Kata Container. Kata Container, pour le coup, qui utilise des instructions VT, en fait, il lance des micro-VM basés sur le projet Clear Linux, et à l'intérieur de ce micro-kernel, donc, qui pour le coup, là, est émulé avec, enfin, et utilise des instructions VT via KVM, à l'intérieur de ce micro-kernel Linux, il va spawner un conteneur. Donc, en fait, on a toujours la primitive de conteneur, mais isolée hardwarement, pour le coup, si jamais ce mot existe, matériellement est peut-être meilleur d'ailleurs. En effet. Matériellement, par les instructions VT. Et c'est très bien que t'en parles parce que ça va me permettre de parler des autres problèmes avec les conteneurs. Parce qu'à chaque fois, on parle de l'isolation. Moi, je pense que c'est une connerie de faire de l'isolation. Juste un point sur l'isolation et sur le fait que t'es dans la même boîte, du coup, on se fait confiance. Mm-hmm. Ça, c'est un truc simple. On a écrit un article il y a très longtemps chez Clever Cloud qui s'appelle Mettre fin à la métaphore de la forteresse. Si tu considères que faire de la sécu, c'est que si on est tous copains, alors on se connaît et on peut se toucher les couilles, c'est ton problème, tu vois. Moi, je touche pas les couilles de mes collègues de travail, c'est la même chose dans tout le coin. En fait, à un moment donné, la sécurité, ça se fait en profondeur. Si t'as quelqu'un t'as un logiciel, au hasard, t'es dans une grosse boîte, il y a un progiciel moisi dans un coin qui se fait attaquer, démonter, et pris en attaque. À partir du moment où il est corrompu, s'il est sur la même bécane que les autres, il tue les autres. Il est corrompable. Ça, pour moi, c'est un drame. Donc, en défense en profondeur, l'argument du « oui, mais on est entre nous et pas entre tierces », dès que le « nous » commence à être plus de 4, il y a un vrai problème de sécu et il y a un problème d'exigence vis-à-vis de la sécurité. Je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est d'ailleurs un combat que j'ai eu dans beaucoup de missions que j'ai, c'est que moi, par exemple, je déteste avoir un Kubernetes partagé, même entre des équipes. Un Kubernetes... Une équipe. On viendra ensuite à Kubernetes. Mais si ça te va, on peut parler d'un autre problème des conteneurs, qui est un problème fondamental. Aujourd'hui, un conteneur Linux, c'est quoi? C'est un gros paquet de binaires. c'est un zip, hein. Mm-hmm. Ok, en layer, mais c'est un zip. Que tu partages. Dans lequel il y a tout ton OS, sauf toute une le kernel. Ok. Fine. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi on m'explique que c'est plus safe d'avoir des versions de Spring Boot, par exemple. Donc Spring Boot, je rappelle, le framework qui a été testé sur toutes les versions de Java, dans un sens, dans un autre, en, la JVM de chez Oracle, pas la JVM de chez Oracle, Grail, la totale. Et d'avoir des dépendances non testées, de la glibc et du kernel, ensemble. Ou pire, une dépendance jamais testée, des combinaisons non testées, où c'est même plus la glibc, c'est des mecs qui ont remplacé la glibc par Muzzle en se disant « ça va être cool », et qui ensuite me disent « c'est plus fiable ». Parce que vous croyez quoi? Que les développeurs de la JVM, ils font leur test avec Muzzle ou avec la glibc? Alors, encore une fois, j'invoque le miroir magique qui dit « je prends le revers du miroir ». Et le revers du miroir, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que tu prends tous les problèmes et que tu les analyses avec le spectre, avec ton analyseur sécurité. Moi, je prends l'analyseur développement, je prends l'analyseur feature, et je suis désolé, mais justement, gérer les dépendances en local, c'était une hérésie. Ça a été pendant 20 ans une hérésie, pendant 40 ans une hérésie. Je t'ai jamais dit gérer qu'il fallait gérer les dépendances en local. Attends, il y a une différence entre... si on prend tous les binaires, qu'on en fait un gros nœud autour, et qu'on les wrappe sur le serveur et qu'on dit bisous parce que... Gérer les différentes versions de libc, les différentes versions de Python, les différentes versions de tout ce que tu veux, ça... Tout le monde te dit que c'était une catastrophe. Une horreur. Ça s'appelle Debian. Ça s'appelle, voilà, ça s'appelle tout ce que tu veux, mais c'est t'avais une horreur. Mais personne t'a dit le contraire. Aujourd'hui, nous, on n'a pas ce souci-là chez nous. On met à jour des milliers de machines sans que personne s'en rende compte. C'était une réponse, et je pense que c'était une bonne réponse, que ce soit la virtualisation ou la containerisation. Ça dépend. En fait, tu mets en place des versions non testées de trucs qui sont beaucoup plus majeurs. Donc la glibc, tout le monde voit à quoi ça sert la glibc ou pas? Vas-y, explique, parce qu'on a des gens qui... Donc la glibc, ce qu'on appelle la librairie standard C, c'est le truc qui, globalement, va plus ou moins, quel que soit le langage dans lequel vous allez parler, sauf Go. ça dépend ce que tu compiles en Go. En fonction de comment tu le compiles. Voilà. On rappelle, c'est genre, vous avez une dépendance à la glibc très souvent, et tous ceux qui ont fait un from scratch avec un binaire Go le savent, s'ils n'ont pas bien compilé. C'était l'évocation du fait que Go claim ne pas en avoir. On pourra avoir plein de discussions sur Go après. Mais... si vous voulez, la dépendance à la glibc. Donc la glibc, cette librairie standard, c'est celle dont vous allez vous servir pour faire essentiellement ce qu'on appelle les appels système. Donc les appels système, c'est je voudrais écrire sur un fichier. En fait, quand vous écrivez sur un fichier, ça n'est pas votre programme qui sait comment écrire sur un fichier. Hein, vous ne savez pas comment c'est fait. Vous êtes peut-être sur Windows, peut-être sous Linux. Donc voilà, si vous êtes sur un Linux, vous êtes peut-être sur du BetterFS, peut-être sur de l'XT4, peut-être sur de l'OverlayFS, enfin... je vous laisse aller constater la quantité de FS disponible dans Linux, vous ne savez pas écrire sur le fichier. Donc votre programme ne sait pas. En général, il wrappe quelque part dans les profondeurs de ses dépendances, il wrappe la glibc, et la glibc elle-même ne sait pas, en fait, écrire sur le disque dur. Ce que sait faire la glibc, c'est un appel système qui, lui, va écrire sur le disque dur, parce que le kernel, lui, sait comment il a été configuré et comment il fonctionne. La glibc, elle va gérer vos dépendances au réseau, elle va gérer vos dépendances à tout le hardware, elle va gérer vos dépendances au temps. Bref, tous les petits sujets en informatique tels que écrire de la donnée, parler sur le réseau, savoir quelle heure il est, les trucs pas importants de l'informatique. Ce qui veut dire... Très simple. Toujours très simple. Depuis le début, on sait faire. Et on rappellera que, pour l'anecdote, la première version de Linux qui est sortie, la plus grosse partie du code, c'était juste afficher la date, je crois. Juste... voilà, ou la même date, la calculer, c'est chiant, c'est le truc le plus infâme du monde. Et imaginez quand on ira sur Mars. Et du coup, si vous voulez, le boulot de la glibc dans l'opération, c'est de faire ces appels-là. Ce qui veut dire qu'en fait, votre glibc et votre kernel, ils sont excessivement proches. Évidemment, la glibc est codée avec un nombre de garde-fous incroyable pour essayer de ne pas se panner dans le kernel. Et le kernel a lui-même des garde-fous. Par contre, ces garde-fous, en fait, ils vous font perdre du temps. Ils vous font perdre énormément de temps. Donc, ne pas les employer est bien. Et par ailleurs, il y a des bugs dans la glibc. Il y a eu des soucis. Alors, il y a une grande spécialité de Debian qui est de rester 6 versions en retard de la glibc en se disant que celle-là était bien battle-tested. Comme ça, il y a des erreurs qui avaient 4 ans, qui ont été corrigées il y a 4 ans, qui sont découvertes à un moment en soulevant un galet en disant « Mais pourquoi vous n'avez pas mis à jour ?» Non, parce que nous, on aime bien les vieilles versions bien stables. Donc voilà. Et par ailleurs... il y a des gens qui ont décidé que la glibc était mal écrite et qui l'ont intégralement réécrit ça s'appelle Muzzle. Enfin, il y a plusieurs, parce que il y a Micros Ellipsée, qui a été plutôt pensé pour de l'embarquer. Donc, l'idée était de dire, on fait une toute petite ellipsée pour des cas d'usage spécifiques. T'as Muzzle, qui est même pas binairement compatible, mais il faut de toute façon tout recompiler, qui n'est pas du tout foutu pareil, et surtout qui est codé par deux mecs. Qu'on soit très clair sur la situation. La ellipsée, c'est un code patrimonial de l'informatique mondiale qui date des années 70, avec des tests, des gens qui ont bossé dessus. Muzzle, c'est une blague. D'accord? D'un point de vue gestion de projet. T'as deux gus dans un garage qui codent ce truc. Et donc, on te dit, on va tous utiliser Alpine Linux. Alpine Linux, sa racine, c'est quoi? Muzzle. Donc, on va se retrouver avec un truc où on dit, on va lancer MySQL. MySQL, il fait quoi? Il parle sur le réseau, il parle au disque dur, il passe son temps à faire des appels à la GIPC, qui elle-même fait des appels sur le kernel. Et donc, on va utiliser quoi? Ben, un truc avec lequel les gens qui font MySQL n'ont jamais rien testé. Et on va te prétendre que c'est beaucoup plus safe parce que tu comprends, du MacBook Pro du développeur à la prod, c'est le même binaire. Et maintenant, posons-nous la question, est-ce une bonne idée? J'ai jamais vu qu'on prônait que c'était safe. On disait que c'était pas unsafe, ce qui est différent de dire c'est safe, mais surtout les avantages, c'est comme n'importe quel choix. Il y a un coût, je sais plus comment on appelle ça, bénéfice-risque. Aujourd'hui, on prend sa voiture, on a décidé de manière sociale que prendre sa voiture, bah, c'était bien. Pourquoi? Parce que le bénéfice de prendre la voiture était largement supérieur au risque de se planter en bagnole. Et que rouler à 130, c'était à peu près bien, alors qu'on sait tous que tout le monde va mourir à 130. Si jamais il y a un accident, tout le monde va mourir à 130. C'est pas grave, mais c'est tout. C'est un médicament, c'est un bénéfice-risque. Mais c'est bien, par contre, que tu rappelles... un bénéfice-risque sociologique. Fine. Moi, je vous parle de comparer des technologies. Quand on compare des technologies, on doit voir leur capacité au-delà de ça. Je te dis, ça, c'est un major flow. Le deuxième major flow du truc, il est simple. Ça veut dire que tous les binaires que tu compiles, comme tu n'as aucune idée de comment ils vont être exploités, bah en fait, tu compiles les binaires les plus open possible. C'est-à-dire que ça doit marcher d'une GameCube à l'émulation un peu cradingue que tu as sur Mac. Je te suis pas trop, mais... Mais non. Non, mais c'est un peu la... C'est un vrai souci. Tout ce que tu compiles, c'est toutes les options on, puisque tu ne sais pas ce que tu pourrais avoir besoin d'avoir accès. D'accord. Donc du coup, tu compiles le fameux driver du disquette 3 pouces et demi, tu vois. Alors que fondamentalement, aujourd'hui, en prod sur un cloud, ça ne devrait pas être là. Tu compiles sans utiliser aucune spécification de ton processeur. La plupart des images Docker, aujourd'hui, je les fais tourner sans aucune discussion sur le Athlon XP moisi que j'avais quand j'étais au lycée. Ouais, ouais. Et ça veut dire que bah, je me dis que tous les mecs d'Intel qui bossent en R&D, ils ont rien branlé ces 15 dernières années. Il n'y a jamais eu de nouvelles instructions, il n'y a jamais eu rien. Je paye mes processeurs 1 600 $ pièce pour le plaisir de me servir de trucs qui, en fait... pourrait être fait il y a 15 ans. Parce que je ne lis pas les changelog Intel, je ne lis pas les changelog du kernel, je ne lis pas tous ces trucs-là. Donc si tu veux, j'ai un peu une bonne idée là-dessus. Effectivement, tu dis, il y a un bénéfice-risque. Moi, ce que je te dis, dans un monde où on parle d'écologie, moi, je te parle de 30-35% de perf à gagner juste en changeant ton fichier de point configuration. Et là, je t'ai pas parlé des problèmes sécuritaires. Parce que un kernel banané Ubuntu full ouvert, ça fait 360 mégas. Avec l'activation en plus des modules. Qui est à peu près 50% des failles de sécurité graves du kernel si on en suit l'accidentologie de ces 10 dernières années. Un kernel chez CleverCloud, ça fait 1,2 méga. Donc ça veut dire qu'il y a du code qui n'est pas là, ça veut dire qu'on a nettoyé les choses, ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi. Donc si tu veux, il y a un moment, quand tu me parles de bénéfice-risque, je te dis, mais il n'y a pas de problème. Parlons des bénéfices cachés. C'est pas parce qu'on a mis l'accent unique sur certains points en marketing qu'on peut pas parler des autres. Alors, t'es d'accord avec moi que tu pourrais très bien, même chez CleverCloud, et peut-être d'ailleurs vous le faites, hein, et ce serait tant mieux, parce que c'est en fait le sujet dont tu viens de parler, de cette optimisation des processeurs, enfin pour être un gros lecteur de Foronix, on va essayer de le prononcer comme ça, j'ai jamais su la prononciation, c'est un sujet que j'ai beaucoup, et c'est d'ailleurs mon plus grand grief envers Debian, Ubuntu et tous ces paquets-là, où en fait tout est compilé complètement avec des options arriérées, comme tu le disais. Arriérées dans le sens, elles sont pas merdiques, hein, c'est juste, elles sont très vieilles, avec des options une volonté d'universaliser. C'est voilà. Vous pouvez reprendre votre PC de 98 et installer Ubuntu, ça marchera. Voilà, donc en gros, en fait, le truc, c'est que les conteneurs n'ont ni changé, en fait, n'ont pas changé l'ordre établi. C'est-à-dire que les gens qui sont passés avant d'une distribution, d'un PC, une babasse installée avec une Debian, et je te mets un jar dans les dents et ça doit marcher, ils sont passés à du conteneur. En fait, ça n'a rien changé pour eux. Ce que ça a changé, par contre, pour eux, c'est le format de déploiement de l'artefact. Par contre, là où oui, je suis d'accord mais avec... Mais par contre, du coup, ça n'a rien changé. En fait, si tu veux, à un moment, quand tu regardes une technologie, il faut regarder ce qu'elle apporte et ce qu'elle aurait pu apporter. Le format de packaging applicatif, le fait de dire on va faire ça, parce que du coup, on fait un format binaire. Donc, si tu veux, format binaire, enfin, c'est quand même pas à vous que je vais apprendre que de faire des formats binaires, c'est une sale idée. Enfin, on a toute l'expérience de Microsoft Word, de BMP, enfin, ça fait un moment qu'on est sur les formats binaires et le fait que, bon, pour finir, c'est quand même pas si pratique que ça. Et ben là, c'est la même. Et je suis désolé, je reçois des calls pendant le live, c'est très, très... Les gens ne regardent pas, ou alors ils ont voulu te dire que tu parlais très bien. Donc, en fait, le format binaire, ici, il pose un problème. Il pose plusieurs problèmes, en fait. Ton premier problème, c'est effectivement la non-optimisation des binaires, et du coup, ça l'aggrave dans le marbre. Le second problème, ça pose un problème de portabilité maximale, c'est-à-dire qu'on dit, à partir de maintenant, toutes les applications ne fonctionneront que sur du i386-ish, peut-être 86-64, sous Linux. Mais on n'a pas réglé le problème de portabilité. Aujourd'hui, nous, on a réglé notre problème de portabilité avec un format sémantique. Qu'en plus, on planque aux gens en l'auto-afférent parce qu'on sait que les gens veulent pas écouter notre format. Redéfinis portabilité parce que... C'est-à-dire que tu prends ton application et tu peux la faire tourner sur autre chose. Ok, sur un Raspberry, sur un PC, sur un Raspberry, un sur un autre OS, sur une autre architecture logicielle. En quoi c'est un objectif? Enfin, moi, c'est pas mon objectif. Bah, quand on me dit on va vous fournir un truc qui package définitivement les applications parce que ce sera portable, hein, ça fait partie de la page d'accueil, voilà. L'argumentaire Docker, mec. Alors, justement, c'est... Et lui, il l'a dit, par ailleurs. Pour prendre ton exemple des Raspberry Pi, eh ben, moi, je suis désolé, mais les conteneurs, c'est génial, parce que justement, ça m'a permis d'avoir plein de logiciels compilés en ARM 64. Alors, ok, il y a eu le problème des ARM HV, est-ce que j'ai des instructions... ARM HF, ARM 64, etc. Oui, voilà. Et ça, c'est un problème de ces connards de chez ARM qui savent pas faire plutôt les constructeurs de processeurs qui font de la merde avec, est-ce que j'étais les instructions néon ou pas, etc. Bref, connards de chez Nvidia qui ont fait ça, bref. Et en gros, le truc, c'est que quand même, le format Docker a pu populariser des architectures type ARM 64, et je suis sûr d'ailleurs que RISC-V pourra aussi devenir populaire parce que justement, on a ce format-là. Je pense qu'il faut, encore une fois, il faut regarder ce que ça a apporté. Je termine. Ton conteneur, il n'est pas portable. S'il vous plaît. Alors. Non, l'avantage, c'est que justement, par cette multiplication, cette facilitation d'utilisation de plateformes un petit peu orthodoxes, enfin, pas orthodoxes justement, le tooling a pu évoluer et fournir typiquement des Docker multiplateformes, enfin des images multiplateformes, etc. Il n'est pas multiplateforme. Alors voilà, c'est ça. L'image, tu peux pousser un truc qui a le même nom et qui dit que tu fais du multiplateforme. Tu peux avoir un manifeste avec plusieurs images qui sont multiplateformes, mais qui n'ont aucun lien entre elles. Exactement, mais c'est pas grave. Mais ça veut dire que le packaging que tu fournis, c'est pas grave. Ça veut dire que le format que tu fournis, le tooling, n'est pas capable de le gérer intrinsèquement. Mais en quoi bien c'est sûr. Mal bah, on en cherche quoi pas c'est une mal. Universalité, enfin l'universalité absolue. Non, mais c'est dans le discours qui était dit au début. Mais en fait, en gros, c'est. Non, mais après, tu peux me dire, ok, c'est pas grave. C'est une feature. Bon, il y en a qui l'ont vendu, moi pas. Mais du coup, on s'en bat les steaks. Très bien. Mais du coup, c'est pas portable. On est d'accord que c'est pas portable. Le Hello World Python, il va tourner partout pareil. Bah, le Hello World. C'est qu'il y a aussi des conteneurs. Essayez de faire un conteneur qui tourne sous Windows et vous verrez un peu la galère que c'est. Enfin, c'est pas un objectif en soi, je veux dire. C'est peut-être un objectif. C'est peut-être pas un objectif pour toi dans le monde. Non, c'est pas un objectif de 3 pecno. Je vais te dire qui ça intéresse. La portabilité des formats applicatifs. La portabilité des formats applicatifs, ça intéresse tous les éditeurs. Aujourd'hui, tu t'appelles, Elasticsearch, un format compatible avec tout, ça t'intéresserait. Aujourd'hui, tu te retrouves à faire X conteneurs. Alors, quand tu as des moyens, why not? Mais en fait, ça n'a pas réglé ce problème-là. C'est tout. En fait, tu me demandes, c'est quoi que tu reproches à cette techno? J'ai l'impression que tu reproches beaucoup de choses qui sont que tu dis, ils disent ça, ils veulent faire ça, mais ils le font pas. En fait, ça pose un problème. Tu veux me dire, moi l'intérêt que je vois au conteneur beaucoup, et qui en fait en lien peut-être, ça pourrait ressembler à la portabilité, mais en fait ça l'est pas pour moi. Moi c'est la reproductibilité. L'immutabilité. En quoi c'est reproductible? Et ben en fait, et via l'immutabilité justement, c'est de me en dire. En quoi c'est immutable? Ben en fait, le fait que toutes mes dépendances à un moment donné soient contenues dans un package. Quelle que soit la façon dont je l'ai fait, d'ailleurs, je suis pas très fan du Dockerfile, etc. Je parle vraiment d'un concept très vaste. On parlera du layer après, qui pose un autre problème. Mais c'est pas reproductible puisque tu exécutes un script. Le script, il va chercher des trucs qui sont posés sur les repos. et t'as aucune putain d'idée de ce que tu télécharges. Moi je parle vraiment du format d'image. Moi je parle vraiment du format d'image OCF. Oui, normalement c'est ça. Je dis voilà, je te donne, j'ai fait il y a 10 ans un format d'image. Normalement, et alors c'est vrai que par contre tu poses le problème de la lipc avec le kernel, et c'est un vrai problème, mais qui arrive très peu souvent. J'ai plus de problèmes la plupart du temps entre mon paquet Python et le Python que j'ai maintenant avec un autre paquet, etc. En termes de statistiques, pour le coup, ça m'arrive plus souvent un problème avec Python qu'avec la lipc. En termes de statistiques, on a besoin de grands nombres, et du coup, ton expérience personnelle n'est pas une stat. Et c'est pour ça que j'ai dit moi, et je dis... Alors bien sûr, quand on parle, et on est tous d'accord avec soi, on est ultra biaisé, pas parce qu'on se connaît que nous, enfin, et les gens qui nous entourent, et les gens qui nous entourent nous ressemblent trop. C'est clairement un problème. Mais en gros, moi, ce que je vois à l'heure actuelle dans ce format-là, ce format a plein de problèmes, mais il en a beaucoup moins que les autres. C'est pas un format, c'est un script. Ah non, du coup. Non, mais attends, la différence entre un Dockerfile et un chef, c'est que avant chaque commande, t'as mis run en majuscule. Ah mais. Mais fondamentalement, c'est un putain de bash script. On est entièrement d'accord. J'ai plein c'est de. C'est pas un format du coup. Non, mais moi je parle pas du Dockerfile. Je parle du format de sortie, c'est-à-dire ce truc que tu pourrais faire avec Builda. Le binaire. Que tu pourrais faire avec Kenya. Donc, cet artefact qui est la représentation de ton application. C'est pas une représentation, c'est un binaire. Mais non, parce qu'en fait, il a besoin du kernel, donc en fait, en gros, on a juste descendu avant, je te donnais juste un binaire et après c'est à toi de faire tout. Après, je t'ai donné un paquet. Non, mais d'accord, sauf que si tu veux aujourd'hui ta reprotectabilité ou tout ce que tu veux d'autre, si aujourd'hui je te supprime le Dockerfile qui, en le lisant, alors en plus, comme aujourd'hui le format a été pensé de telle façon qu'on est obligé de mettre du double hand un peu partout et c'est un peu pénible, mais en le lisant, t'es capable de comprendre globalement ce que le mec essaye de faire. Si aujourd'hui tu prends juste le truc et que tu te dis, ça fait quoi cette appli? Ta seule solution, c'est de monter le file system et de l'introspecter. C'est-à-dire que t'es dans un binaire, tu n'as aucune idée, et ce n'est pas un format sémantique. La différence entre le sémantique et le binaire en informatique est très simple. Tu peux descendre du binaire quand tu viens du sémantique, et par contre, quand t'es dans le binaire, t'es bloqué, et ta seule solution, c'est de passer du machine learning dessus pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je sais, c'est la seule chose à laquelle j'en suis réduit aujourd'hui pour essayer de gérer ce problème-là. À l'époque où Docker est apparu, il y avait des réflexions pour créer des formats sémantiques. Et en fait, si tu veux, l'apparition de ces choses-là a tué toutes ces réflexions-là à cause de l'overall marketing. Alors après, tu peux me dire, c'est pas grave. Je te dis, c'est un problème. Ils voulaient le régler, ils l'ont pas réglé. Tu peux me dire, on s'en fout. Très bien, on s'en fout. C'est un problème. Le deuxième problème, c'est le format de layer, qui sur le coup paraissait très malin. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu prends les 100 images les plus downloadées du Docker Hub, et Sneak te dit, il y a au moins 30 failles dedans, puis pas des petites, genre Ghost, Poodle, enfin des trucs genre toutes tes datas à poil sur Internet, quoi. Vraiment un truc violent. Mmh. Et ça, à mettre à jour, c'est hyper pénible, parce que le système de cascading n'a jamais été pensé pour penser à des mises à jour qui soient faites par des ops. Pourquoi? Parce que Docker n'a pas fonctionné parce qu'il permettait de faire mieux la prod. Docker a fonctionné parce que ce qu'il promettait aux devs, c'est d'aller faire chier les ops. Tu veux pas me mettre à jour mes technos? Eh ben très bien, je vais te donner un run et tu vas l'exécuter. Et c'était le cas. Et comme moi j'en ai rien à foutre, eh ben moi je sais pas faire de la mise à jour, on s'en tape. Et donc on aura des binaires pas à jour, pas compilés pour, tagada, toin, toin. Bah, si tu veux, de l'autre côté, je gère une infra aujourd'hui où on a que des binaires à jour, que des binaires optimisés pour chaque profil d'architecture qu'on fait, et à ma connaissance, on est dans les rares à faire ça. Alors après, je te confirme, on fait une distrib source-based, on est dans notre coin, et comme d'hab, on est dans notre coin, et tout le monde nous regarde avec des grands yeux quand on dit qu'on fait une distrib source-based. Mais justement, tu l'as dit toi-même, vous êtes les seuls. Et en fait, à l'heure actuelle, oui, cette technologie de conteneur, elle a plein de problèmes, et je pense qu'on était dans les tout débuts de Docker, et oui, à chaque fois, on se regardait en disant, mais pourquoi? Mais en fait, en vrai, elle a quand même répondu à des problèmes. Elle y a peut-être mal répondu, ou elle aurait pu faire mieux, comme tu l'as dit. Elle a répondu à une question managériale, qui était une question de mal management des équipes, qui permettait à une équipe qui est aujourd'hui à la main, parce que c'est très simple, les boîtes, elles ont besoin d'évoluer très vite leur soft. C'est pour ça que... Mais moi la Frozen CentOS, je me la suis tapée dans plein de boîtes, et je me la tape encore dans plein de boîtes. Et donc... Oui, mais c'est ça un problème. C'est un problème de management, c'est pas un problème technique. Mais ça, on est entièrement d'accord. Et en fait, en gros, je pense que... En fait, ce que t'es en train de dire, et ce que je pense en plus concrètement, c'est que vous êtes sans doute... Demain, il va y avoir un merge, et c'est là la notion de, je pense, de linéarité dans ce qu'on voit. C'est qu'à l'heure actuelle, on a pu avoir une espèce de patch... qui nous a permis là de tenir 10 ans de plus, et que demain, en effet, basé sur ces technologies-là, on a perdu des années à faire des technologies qui du coup posent des soucis. Ça a réglé des problèmes, mais ça en générant plein d'autres. Et moi, c'est, si tu veux, ce qui m'énerve dans cette situation-là, c'est que tous les problèmes que ça génère, au moment où c'est apparu, les ingénieurs systèmes ont tous dit se pose un souci là quand même. Oui, mais et ça personne les a écoutés. Oui, mais ça en a résolu beaucoup plus. Nous, on était dans ce cadre-là à ce moment-là. Ça n'a pas résolu beaucoup chef, plus. Et chef, etc. Alors, chef, on était vraiment là-dedans. Il faut vraiment se remettre dans le contexte. Ça répond à un vrai besoin. Et en plus, cette technologie n'est pas orthogonale. C'est vrai qu'elle a permis de ne pas se poser certaines questions, comme tu le dis, mais elle n'est pas orthogonale. C'est-à-dire que même maintenant, avec des conteneurs, on peut faire des conteneurs sécurisés. C'est possible. C'est peut-être plus compliqué, mais c'est possible. Mais c'est même pas plus compliqué qu'avant. En recompilant soi-même, par exemple, ces conteneurs. Ou en n'utilisant pas Dockerfile. En supprimant le système de layer. En supprimant. Mais moi, je déteste. Moi, je suis plutôt ce que tu es en train de me dire. On est capable de générer des binaires, de les mettre dans un zip et de se les envoyer. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais si, la seule chose qu'il faut reconnaître des conteneurs, c'est on peut faire ça, ça me va. Moi, il y a un deuxième problème qui me pose souci dans l'histoire, c'est que, si tu veux, je sais pas comment vous ça se passe, mais nous, on gère des décès. Et faire un système de distribution basé sur un point de centralisation, alors que quand tu perds un décès entier, il faut tout repoper en un coup, ou donc t'as besoin de peer-to-peer, littéralement, parce que sinon, ton bottleneck, c'est la carte réseau de la babasse qui se distribue en HTTP. J'avoue que là, encore une fois, j'étais mind blown. Alors là, pour le coup, il y a des Chinois, ils ont répondu au problème. Attends. Alors là, on arrive dans un point très important de l'écosystème Kubernetes. Vous avez mis en prod le bordel des Chinois? Lequel? Celui, parce que là, pour le coup, parce qu'il y en a plusieurs. Moi, j'ai mis en prod le bordel. Etcd, par exemple, ils l'ont. Moi, je te parle. Tu parles du multi-peer. Ouais, parce que moi, j'ai mis en prod tous ces machins-là. Tous. Alors, mais c'est respect. Oui. Il y en a pas un qui marche. Oui, non, mais je suis d'accord. D'accord. Donc moi, je veux bien, si tu veux, à chaque fois que je dis dans la SNCF, ça c'est un truc qui est pas réglé. On me dit si ça marche, tu l'as mis en prod. Non. Alors moi, j'ai mis en prod. Qu'on soit clair, ces machins ne marchent pas. Moi, ça fait 10 ans que je fais du peer-to-peer sur mes infras et ça ne marche pas avec ces systèmes-là pour de bonnes raisons. Parce que leur système, il est fait encore une fois de façon à penser une forteresse. C'est-à-dire que la totalité de ces systèmes-là sont pensés. T'es dans mon réseau, donc t'es un copain. Et donc, la faille de sécu, elle est, mais... Non, mais je suis à 100% d'accord avec toi, et c'est même quelque chose qui est longtemps. Et justement, je pense... Alors, voilà mon avis là-dessus, ultra personnel. C'est que je pense que votre expérience chez Clever Cloud que vous avez, elle est extrêmement bonne. Et justement, il y aurait tout intérêt à ce que cette expérience-là, elle puisse profiter en fait au reste de l'écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, moi, depuis le début, je me. Mais on donne des talks en permanence en expliquant aux gens comment ça marche. Hein. Oui, mais en fait, pas comment ça marche, comment ils font mal, mais comment en fait, avec ce qu'ils ont, ils vont mieux faire. Ah non. Attends, il y a un truc qui est important. Quand tu as une baraque qui a été construite sur de la boue sans fondation, si tu mets un immeuble haussmannien dessus, ça ne marche pas. Il y a un moment. C'est chiant parce que tu utilises à peu près les mêmes références que moi et c'est. L'immeuble haussmannien. Non, mais de la base. C'est un problème. Alors, si tu veux, oui, on donne des talks et on donne pas du tout des talks de défense. Hein. Encore une fois, on a été les premiers à accepter cette techno en disant il y a toutes les technos qu'on supporte en propre sur Clever et il y a tout le reste que vous pourrez faire en Docker et il y en aura probablement que vous n'arriverez pas à rentrer dans du Docker et c'est vrai et on finira certainement un jour par faire du VPS. Pour les gens qui ont absolument besoin d'aller faire du SSH et des choses dessus. Par contre, la question, elle est, quand tu regardes un format, est-ce qu'il a répondu au problème? Donc, on vient de dire qu'il y avait un problème d'isolation et de sécurité. On vient de dire qu'il y avait un problème de mise à jour. Mais qui était répondu par la virtualisation avant. Donc, en fait, en gros, on peut se reposer sur la virtualisation pour la sécurité et la contextualisation pour le. C'est ce qu'on fait chez nous. Quand tu lances du Docker, on te la lance dans une machine virtuelle. C'est ce que fait GKE, c'est à peu près tout le monde. Hein. Il y a personne qui. Nous, on te lance chaque container dans sa virtu. On fait un peu du kata, si tu préfères. Mais à notre source, on finira probablement par rejoindre le projet kata. On bosse déjà beaucoup avec Intel sur des sujets. Mais ce qu'on veut expliquer par là, c'est, si tu veux, quand tu me dis ça a résolu des problèmes, ça n'a pas résolu les problèmes d'isolation, ça en a créé, ça n'a pas résolu les problèmes de portabilité, puisque, à mon sens, ça en a plus créé qu'autre chose, ça n'a vraiment pas résolu les problèmes de faire des binaires trop compilés largement, alors qu'on avait tout pour les résoudre ce problème-là. Je rappelle, on a l'open source a triomphé. On a quand même un marché dans lequel aujourd'hui, la plupart des softs, c'est normal d'en donner des sources. Ça va même jusqu'à Elasticsearch qui libère les sources des parties payantes en disant si t'as un truc à corriger ou si tu veux faire ta propre compile, fais-le. Tu vois. Donc, l'open source a triomphé et du coup, on fait quoi? On se distribue des binaires dont on regarde pas le contenu. Et ça, c'est un autre problème avec le système de packaging. Je te signale qu'aujourd'hui, le lien entre ce qui a été compilé et le binaire que tu télécharges n'est pas fait. T'as aucune putain d'idée de ce qu'il y a. Ce qui veut dire que quelqu'un qui décide de pousser sur le Docker Hub des portes dérobées, il peut le faire. Il y a rien dans le format, dans la conception qui permet de faire. À ce moment-là, quand je télécharge la lib, une lib dans Debian et une lib-dev dans Debian, j'ai pas la garantie que la lib a bien été buildée avec la lib-dev. J'ai dit qu'on ne tirait pas sur Debian, c'est tirer sur une ambulance. Non mais alors, encore une fois, en plus, c'est même pas vrai. C'est si on le sait que c'est. Si on le sait. Ok. Alors le mais... Debian est complètement merdique en Perl, mais au moins. Si je télécharge depuis un miroir, je suis pas sûr que le miroir il est pas. Je suis d'accord avec ça. Il y a du checksum. Après, moi encore une fois, je fais pas de Debian pour de bonnes raisons. Chez Clever, il y a une règle, elle est simple. Tout le code de l'OS chez nous, il a été mis chez nous. C'est-à-dire qu'il existe chez nous et ensuite il est compilé sur ces X profils binaires et distribué dans nos repos mais internes. Ce que je veux dire, reprocher la portabilité et dire c'est pas portable, enfin un conteneur est pas portable, mais rien n'est portable. Non, en fait, les repos sont pas portables. Je suis pas d'accord avec toi, tout est portable. Si tu pars du code, tu peux quasiment toujours aller vers quelque chose. Alors justement, parce que le code, c'est quoi? Reposons la question technique. Qu'est-ce que le code d'un point de vue technique? Si on se base sur cette histoire de binaire et de sémantique. Si tu pars à la base, le code, c'est les instructions processeur. Non. Les instructions processeur, c'est le binaire. Le code, c'est la sémantique de description de ton logiciel. Non, parce que tu codes en assembleur. Enfin, tu vois, le code assembleur, c'est. Mais le code assembleur, c'est pas un code de haut niveau, on veut dire. Non, mais le code assembleur, c'est pas du code. C'est juste une représentation humaine, mais c'est juste une représentation. C'est littéralement. Et d'ailleurs, ton assembleur, pour peu que tu aies un assembly qui parle de l'autre côté, ça marche aussi. Tu peux recompiler ton assembleur pour qu'il parle en ARM sous prétexte que tu aurais les mêmes instructions. C'est-à-dire que si deux processeurs ont les mêmes instructions mais des différences logicielles, eh ben tu pourras générer deux binaires avec ton assembleur. Mais le code, c'est une instruction sémantique de fonctionnement de ton programme. Alors après, il y a des sémantiques plus ou moins bien construites, donc t'as du code très lisible et t'as du code beaucoup moins lisible. Et ça, on va pas lancer un débat sur quel type de développement il faut utiliser aujourd'hui. T'as des gens qui vont te parler de C, t'as des gens qui vont parler de Go, t'as des gens qui vont parler de Rust, t'as des gens qui vont parler de Scala, t'as des gens qui vont parler d'Idris. Tu peux aller sur une sémantique hyper vaste. La question, elle est pas là, c'est que le code, il est sémantique. Et de la sémantique, tu peux aller vers différents binaires. De des binaires, t'iras vers rien. Et ça, c'est très simple à checker. Tu prends un désassembleur, tu regardes le code généré, je te laisse pleurer. Donc, si tu veux, encore une fois, on n'a pas résolu les problèmes de portabilité, on n'a pas résolu les problèmes d'isolation, on n'a pas résolu les problèmes de distribution parce qu'on est basé sur de l'HTTP, on a généré une foultitude de nouveautés de problèmes de sécurité qui posent un problème, et donc là, donc clairement, pour l'instant, on n'est pas sur une amélioration. Après, il se trouve qu'il y a eu un marketing démentiel et que ça a résolu un problème managérial. Il y a une charge énorme, j'ai l'impression que tu ne veux pas voir les avantages que ça a pu apporter. Mais c'est quoi les avantages? Les avantages, c'est la facilité, c'est l'APIification. Parle pas de concept. Parle-moi d'avantages concrets. En quoi ça a été facile? Quelle est la facilité? Alors, moi, première chose, ça a été le contact entre dev et ops, et alors sans doute des mauvais ops. Et en fait, en gros... peut-être avec des mauvais devs. C'est avec des mauvais devs sans doute, mais en fait, en gros, moi, ce que je vois là... C'est sans doute de concept. Moi, je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, le script bash, il était que au rôle de l'ops. Aujourd'hui, le script bash, il est tellement con et débile et certes mal foutu et il amène plein de problématiques, que ce soit les layers, les double end et compagnie. Mais mon dev, il comprend, il est capable de faire un Docker. Ok, alors qu'à l'époque, mon script à la con qui faisait 400 lignes ou mon makefile débile qui était imbitable. C'est que même la personne qui gère la prod, elle est même pas obligée de comprendre ce qu'il y a dans le binaire qu'il fait. Alors, ça peut être un problème. Moi, je trouve que c'est très bien. Ça a créé un. Avant, il y avait des tensions, mais vraiment, en plus, pour l'avoir vu et vécu, pour le coup, la tension dev-ops, entre les devs et les ops, elle était mais palpable, mais c'était vraiment un truc mais genre à se tirer dessus. Et dans des boîtes que j'ai vues qui recompilaient elles-mêmes. Je vois bien que c'est pas un problème technique. Mais je suis entièrement d'accord. C'est un problème de management. Donc en fait, on a masqué un problème de management avec cette techno. Je suis entièrement d'accord. Si tu veux mon humble avis, la racine de cette techno là, elle est même pas là. Pour moi, c'est une techno qui est apparue dans la vallée pour une raison simple. C'est que dans la vallée, t'avais que des boîtes qui utilisaient du Amazon Web Service. Amazon Web Service, pendant très longtemps, ça a été des branquignoles en virtualisation au dernier degré parce qu'ils utilisaient du Xen et du Xen pas à jour. Ils ont changé ça. Maintenant, ils ont une équipe sur la virtu délirante chez Amazon. Donc, ils ont gagné le pari de, avec beaucoup d'argent, un jour, on aura la meilleure équipe sur le sujet. On peut noter notamment le projet Firecracker, si jamais vous avez envie de regarder. Notamment le projet Firecracker, qui fait partie des expressions du truc, mais pas seulement. Non, pas seulement, mais c'est... Mais ça, c'est ce qu'ils mettent dehors. Enfin, c'est assez compliqué, mais bref. Mais Amazon, à l'époque, était incapable de faire de la nested virtualisation, alors que c'était simple. Et le problème que Docker a résolu pour ces gens dans la vallée était simple. Tous ces gens avaient des crédits gratuits pour créer leur boîte, parce qu'Amazon assassinait le monde de crédits gratuits. Avec l'argent de Wall Street, on pourra discuter très longuement du modèle de faire des boîtes qui gagnent pas d'argent et qui vendent à perte, et de la volonté de construire un monopole et ensuite d'en abuser, mais ça c'est un autre dossier. Tout le monde avait du coup des crédits Amazon et devait les utiliser. Sauf qu'en fait, Amazon, c'est très cher si tu fais des petites machines à la volée. Ce qui était la thèse des gens d'Amazon. Thèse technique avec laquelle j'étais parfaitement d'accord. C'était la même thèse que j'avais. Du coup, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils prenaient des larges instances réservées à l'année. Donc, au lieu d'avoir du bare métal, ils avaient de la virtu avec les mêmes contraintes que le bare métal. Et du coup, ils avaient besoin de les subdiviser. Et quand Docker est arrivé, ils n'ont pas réglé un problème technique. Ils ont réglé un problème comptable du modèle de pricing d'Amazon. Donc, ils ont répondu quand même à un problème. Ils ont... Oui, mais si tu veux, c'est un problème qui n'aurait pas dû être résolu de cette façon-là. Créer un problème comptable qui fait qu'on le résout, ça s'appelle la folie. Et j'ai fait un talk qui s'intitule « Comment les comptables ont fucked up mon IT ?» qui t'explique comment la gestion comptable des projets IT peut l'idée à des projets catastrophiques. C'est pas quelqu'un de la BNP que je vais expliquer ça. Où t'as des gens qui sont en désespérance et t'as un turnover qui fait que les gens démissionnent tous les 9 mois. Donc, si tu veux, c'est un problème plus large à l'industrie qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui prennent des décisions dans notre industrie sont pas des techs, mais sont des comptables. Clairement, aujourd'hui, Docker existe. On va pas s'en débarrasser, le truc est là. Donc, on essaye de faire avec. Par contre, faut pas se masquer l'esprit sur les problèmes qu'il génère. Et les problèmes qu'il génère sont des problèmes profonds. Ça veut dire qu'il faut repartir vers un format sémantique et régénérer les Docker depuis lui. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait. On est parti sur Cube. C'est très bien que tu en arrives là. En fait, moi, ce que je vois, c'est une frustration du fait qu'on aurait pu mieux faire et on l'a pas fait. Et je suis en plus à 100% d'accord avec toi. Non, on aurait pu mieux faire et on l'a pas fait. On a fait couler toutes les boîtes qui auraient pu être intéressantes dans le domaine. Parce que, qu'on soit clair, les boîtes du plateforme as a service, il y en avait une vingtaine quand nous on a commencé. Aujourd'hui, il y en a plus. Oui, mais alors. Il y a nous. Alors pour le coup, je te promets que les plateformes as a service ont aussi leurs problèmes. Parce que la plupart des plateformes as a service ont été codées avec le cul, encore une fois. Non, mais c'est pas être désagréable. C'est pas que ça, en fait. On va revenir, donc c'est assez bien, comme ça, on va pouvoir revenir sur Kubernetes maintenant. Là, moi, ce que je vois, c'est que la critique, elle est, que tu as, en tout cas, pour le moment, en fait, elle est sur Docker et sur le format de conteneur qu'on s'est à peu près tous formalisé ensemble. Et qui est considéré comme mauvais, à ton sens, là-dessus. Donc, pour l'instant, la critique, elle est sur le format de conteneur. Et, en tout cas, à titre personnel, je la partage. C'est-à-dire que, oui, on aurait pu mieux faire. Oui, il y a eu plein d'initiatives. Oui, Docker ont été des énormes connards avec une tonne d'autres boîtes, même dans le monde des conteneurs. On reprend juste l'exemple de Rocket, par exemple. Où genre, Les mecs de Rocket n'ont pas été cool avec Docker. Oui, bah... Genre, faut compter les fights. Après, les mecs de Docker ont probablement été pénibles. Et je pense que l'histoire de Docker, elle est pliée aujourd'hui. Enfin, il n'y a qu'à regarder les événements récents financiers de cette boîte. C'est triste. Mais ils ont été butés par Cube. C'est vraiment Google qui les a attaqués. Voilà. J'ai pas envie de parler de la partie business de Docker où, selon moi, il y a en plus des trucs où ils auraient pu faire de l'argent et ils l'ont pas fait, et c'est triste, mais c'est pas le point. Et en plus, j'aurais préféré qu'ils fassent des sous. Je pense qu'ils ont fait du mal à l'IT, clairement. Je pense que c'est un problème. Je pense que ils auraient pu faire des choses intéressantes et que malheureusement, ils les ont pas fait. Et c'est con parce que dans les équipes, il y a des trucs incroyables. Il y avait les équipes de Mirage qui avaient été rachetées. Il y avait des choses incroyables dans Mirage OS. Donc, encore une fois, quand je dis c'est un problème, c'est un problème conceptuel. Ça veut pas dire que ça a pas pu vous régler vos problèmes. Si tu veux, à un moment donné, quand tu bouffes que du McDo toute la journée, la fois où tu vas chez Burger King, c'est une révélation. Enfin bon, ça reste de la bouffe de merde. Et je pense que le problème, il est simple, c'est que les gens étaient pas prêts pour des pas plus espacés. Pour X raisons, et essentiellement des raisons managériales. Alors. Mais je pense que on aurait pu faire mieux à ce moment-là et qu'on peut faire mieux. Après, on peut parler longuement de comment on va gérer du cube, mais la première passe était de dire cette racine-là, c'est une racine qui arrive avec un legacy, et donc faut pas non plus oublier qu'aujourd'hui Cube, il gère des conteneurs. Et certes, il y a des volontés de gérer d'autres trucs avec Cube, mais pour l'instant, le machin gère des conteneurs, point barre. Alors, donc là, moi, si je résume ce que tu as dit, c'est que avec les conteneurs, on peut faire n'importe quoi, donc c'est n'importe quoi. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que quelqu'un qui gérerait son infra et ferait des choses propres, c'est-à-dire rebuilderait potentiellement des conteneurs, okay. Des choses qui comme ça. Qui connaît un mec, un seul mec, enfin quand je dis mec, c'est gender neutral, hein. Donc qui connaît une seule personne qui a une infra, je veux dire, autre que le mini-cube sur sa machine, qui a une infra et qui fait tous les conteneurs Docker qui sont en prod chez lui, from scratch. Eh ben non, comme beaucoup de monde utilise les paquets qui viennent d'Ubuntu ou Debian. Donc, exactement de la même façon. Ouais. Enfin, on ça est n'a d'accord rien changé. Que ça n'existe pas. On reproche des choses au conteneur qui étaient déjà le cas avant, sauf chez certaines personnes comme Laoutet, des gens qui font bien. Et je suis entièrement d'accord. Mais en fait, le conteneur n'a rien changé. En fait, il a rien. Il aurait pu fixer et il l'a pas fait. C'est ça. Il aurait pu. Et c'est donc une frustration. Il a introduit un certain nombre de problèmes. Mais en au fait, passage. Il les a pas introduits. Ils étaient déjà là. Non, il y avait pas de problème à l'époque de discussion entre la glibc ou quoi qui la remplace, et le kernel. Donc ça introduit ça. Il n'y a pas eu de problème d'isolation supérieur de portabilité. On avait des patchs Debian qui faisaient des patchs pour pouvoir justement supporter leur vieille GNU/Linux. On arrête de discuter de Debian. Moi, je veux bien qu'on tire sur l'ambulance. Moi, des problèmes avec Debian, j'en ai 10 000. Alors, Rachel, on n'est pas mieux avec un kernel 3.10. Encore une fois, je n'utilise pas ces choses. Et bien, justement, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu as entièrement raison que dans ton contexte, mais ça devrait être le contexte de beaucoup plus de gens de tout recompiler. Ça devrait. Mais il y en a qui ont essayé, enfin, qui ont fait des choix technologiques. Mais Nix devrait être partout si jamais on va dans des choses comme ça. Mais Nix n'est pas une distribution source-based. Faire du Python, faire du. Elle n'est pas source-based. Mais justement, Nix devrait, être source-based. Mais revenez tous sur Exerbo, c'est une distribution cool. On est source-based, on est immutable, on a tout. On n'a pas de doc. J'ai pas l'impression que cette vision de la technologie soit celle qui soit portée aujourd'hui par les industriels, par tout le monde, mis à part vous. Donc c'est peut-être un souci, tu vois. Ouais, non, mais je... Après, il faut regarder les KPI à la fin, si tu veux. Encore une fois, tu regardes les KPI, c'est-à-dire combien de milliers d'applications t'as en prod, de combien de milliers de gens différents, de combien de milliers de serveurs et de combien de personnes tu réveilles la nuit. Tous les combien de temps ton téléphone d'astreinte sonne. Enfin, tu vois, c'est à un moment les stats elles parlent d'elles-mêmes. Nous, si tu veux, on a des KPI pour nous qui sont les nôtres. Après qu'on me dise il y a des gens qui font n'importe quoi et qui ont trop d'argent, moi ça me va. Je suis pas là-dessus. Tu me demandes ce que je pense des conteneurs, je te dis ce que je repense aux conteneurs techniquement. Après, d'un point de vue strictement ce que ça peut apporter au monde, j'en vends. Je rappelle, j'en vends. Donc ça me va très bien. Faites du conteneur, ça me va. Et on va lancer un produit de Kubernetes as a service chez Clever, et là, je vous dirais, mais faites du Kubernetes si ça vous fait plaisir. Tu crois quoi? Que je n'attends de mes clients que qu'ils fassent les technos que j'ai validés? Ah, mais tu sais, il y a des WordPress 4.6 qui tournent encore chez Clever Cloud, hein, tu sais. Mmh. On a un support natif The WebSphere, le bordel d'IBM. Tu te souviens, WebSphere, machin, tout ça? Genre, nous aussi, on supporte ce genre de choses. La question, elle est, combien de temps ça te prend de supporter ce genre de choses? Est-ce que tu le fais dans un contexte positif, tu vois? Enfin, encore une fois, mais dans ton contexte, les gens ont des problèmes, tu vois. Non, mais dans ton contexte, moi, ce que je vois, et c'est un peu ça ce que tu disais, c'est que vous avez un management où les managers comprennent ce qu'ils font, et donc on fait des choix à un moment donné qui étaient bons et qui se révèlent maintenant payants, comme AMD, il y a 4 ans, a fait une nouvelle architecture et maintenant seulement en récolte les fruits, etc. La question est, est-ce que maintenant, si AMD devait refaire un processeur, est-ce qu'il le referait de la même façon? Si maintenant, il devait refaire un choix. La question est, maintenant, si jamais... Oui, maintenant... Tout le monde est parti chez Intel. Ouais, tout le monde est parti chez Apple. La question est donc de se poser maintenant, c'est si jamais je te donnais une boîte from scratch, vraiment avec rien, ou je te donnais un budget quand même important, etc., est-ce que tu pourrais pas te dire, je pars sur des conteneurs, mais par contre, je refais tout moi-même, c'est-à-dire qu'en fait, je me fais une distribution de conteneurs, mais avec mes conteneurs à moi, sans doute sans utiliser le Dockerfile, parce que on est des gens propres, quoi, on va utiliser des choses qui build, notamment qui build sans être root-based, donc un builder, vrai builder, quoi. Et est-ce que tu pourrais pas faire des conteneurs, mais propres, et en utilisant du Kata-container, parce qu'on est des gens qui sont raisonnables, mais du coup, etc. Le système m'apporte quoi? Un système de distribution de binaires en HTTP? Non, mais si jamais tu recommençais... Fine. Bah, en fait, elle va te proposer ça, elle va te proposer des rollbacks plus faciles aussi. Ça va être ça. En fait, l'intérêt des conteneurs, c'est de se dire... C'est quoi le problème du rollback? Bah, le rollback, c'est que si jamais j'emporte avec moi toutes les dépendances d'un seul coup... Si ton système de paquet... je veux dire, t'as l'aperçu de ton système de paquet à un instant T avec la totalité des sous-versions. Tu demandes à ton système de paquet de redownloader les mêmes... Et qu'en plus, le bordel est fait en peer-to-peer. Franchement, t'es nickel. Enfin, alors, les rollbacks... Alors, personnellement, je connais beaucoup plus, ça devrait être des PKG dans la version Ubuntu, etc. Voilà. Mais en tout cas, la gestion des sources et la gestion, enfin, l'arbre de dépendance pour revenir en arrière sur des choses comme ça, il est infâme. C'est genre, savoir quoi faire pour revenir en arrière, c'est quelque chose de très compliqué. Moi, je préfère. Rejoins-nous sous Exerbo. On a un truc qui s'appelle Paludis. Non, mais j'irai pas dans le truc. Et en plus, c'est ouf. Ça fait de la parallélisation. C'est capable de gérer du compilé, du pas compilé. Il y a un système d'overlay. Tu peux même gérer tes petits patchs à toi, au-dessus de tes sources. Tu gères tout upstream. Enfin, franchement, c'est très propre. Et bonus, ça a été écrit de façon extrêmement monolithique, ce qui fait que quand t'as tout pété dans ton système pour des raisons XY, genre t'as pile Python par exemple, le machin continue à marcher et donc tu peux remettre ton Python en place. Donc rejoins-nous, c'est juste que t'as fait des choix terribles de distribution jusque-là dans ta vie. Alors moi personnellement, mais je n'y peux rien. C'est pas des choix que j'ai fait. Moi je suis un fan de CoreOS hein, et des choses comme ça. Hein. C'est des distributions immutables et l'OS à l'heure actuelle que je suis en train de regarder, c'est Talos OS que je trouve absolument génial. Vous savez que maintenant vous vous appelez Fedora CoreOS les gars. Non mais ça par contre j'ai regardé en plus. Ouais, c'est bien que j'ai regardé aujourd'hui. C'est plus CoreOS. C'est Fedora CoreOS. Fedora CoreOS. C'est Fedora CoreOS. Ils sont passés sur le système de build RPM avec de l'OS 3 et c'est un. Et là 1.0 vient de. Ça y est, TGA. Je vais enlever le titre. Party news de l'épisode. Fedora CoreOS existe. Fedora CoreOS et donc ils sont passés du système parce que alors pour souvenir, CoreOS était basé sur Chrome OS qui était basé lui-même sur Gentoo, en fait sur le système de build de Gentoo. Et là à l'heure actuelle, quand Red Hat a racheté CoreOS, ils avaient déjà une distribution qui s'appelait Atomic, qui était donc une distribution immutable. Et en fait, ils sont aperçus qu'Atomic c'était de la merde et donc ils ont essayé en plus de surfer sur la. C'était pas de la merde. C'était une micro distribution qui était faite pour être embeddée dans des. Exactement. C'était du. Ils n'arrivaient pas à la pousser marketingment. Mais globalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré CoreOS et notamment son système de boot, son système de mise à jour, etc. Par contre, Red Hat oblige, ils l'ont collé sur leur système de build RPM. Voilà. Du coup, tu rentres dans le licensing Red Hat. Parce que je te rappelle que le gros problème de Red Hat aujourd'hui, c'est que tu as les ventes de la REHL qui s'écrase et donc il faut réussir à faire du business avec autre chose. Et tu te fais racheter par IBM. Oui. Alors, on pourra parler des mouvements de fonds. En fait, moi je veux bien qu'on parle business et boutique. D'abord parce que moi je suis CEO dans la boîte, ce qui veut dire que je suis tout à fait capable de parler technique, mais moi je peux parler business et influence. Je peux parler du moment où j'ai désespérément essayé d'expliquer au maître de Docker que s'il voulait faire de l'argent, il fallait qu'il fasse un registry payant avec Active Directory. Parce qu'en fait, c'était là-dessus qu'il y avait de l'argent. C'est pas compliqué, c'est JFrog qui a pris tout le pognon avec Artifactory. Parce que les mecs de Docker n'avaient pas envie de faire ça parce que c'était pas drôle. Effectivement, le binding de droit Active Directory à faire, c'est chiant. Y a pas d'autre truc à faire, c'est pénible, long et probablement un truc où tu vas faire des chiés de tests et à la fin tu vas terminer dans un Fortune 500 qui va dire ouais mais nous notre fédération Active Directory on a fait ça, un truc complètement de l'espace et va falloir que tu repenses tout ton système de droit pour être capable d'intégrer ce genre d'auto. Y a pas de souci. Néanmoins ça rapporte de l'argent et je pense que ça a été une des erreurs de Docker notamment de pas aller sur ce genre de truc qui rapportait de l'argent, même si c'était pas drôle, même si c'était pas hype, même si c'était pas cool. Je pense qu'ils auraient dû faire ce genre de switch. Aujourd'hui, ils ont comme asset, maintenant qu'ils ont vendu à Mirantis, la partie Enterprise, qui était à peu près le seul truc qui faisait du sous, ils ont encore comme asset le Docker Hub. Par contre, le Docker Hub, aujourd'hui, il pose beaucoup de questions, notamment de vieillissement et de choses. Et encore une fois, je pense que l'overlay, sur le papier, ça marchait bien. Ça marchait bien parce qu'encore une fois, le gros problème que Docker résolvait était un problème de facture Amazon et que l'overlay, ça limitait les downloads. Le truc, c'est que entre temps, on s'est rendu compte que ça posait plein de problèmes, notamment d'immutabilité et de perte de signal sur la capacité à faire des mises à jour. Moi, je pense qu'il te faut des systèmes qui n'ont pas ça. Et Clever ne fonctionne pas du tout comme ça. Et Clever, on fait des mises à jour depuis... Ça fait 10 ans hein, qu'on fait tourner Clever. Hein. On fait des mises à jour d'OS toutes les semaines et personne s'en rend compte. On avait notamment parlé dans un précédent épisode de DevOps, justement, de ça. Et notamment des outils comme CA-Sync, si jamais vous voulez regarder, qui peut vous permettre justement de syncer, télécharger que le div binaire, mais sans avoir un besoin de layer, mais vraiment le div binaire entre deux choses, et on parle pas de rsync, hein. On parle vraiment d'un div propre dans des images de contenu. Là, le petit point tech, notamment, pour appuyer là-dessus. Mais, donc, je suis entièrement d'accord avec toi sur tout ce qui est là. Moi, ce que je vois à l'heure actuelle, c'est que oui, on aurait pu le faire. On n'a pas parlé dans l'isolation de gVisor, parce que t'as essayé de me chercher là-dessus sur Twitter, et c'était drôle, parce que gVisor, c'est typiquement une sale idée de... En fait, le truc qui est marrant avec Docker, c'est que t'as plein de développeurs d'applications de gestion qui globalement dans la vie ils faisaient des applis web qui se sont retrouvés à faire du système, mais ils n'avaient jamais compilé Linux de leur vie. Donc en fait à chaque fois qu'ils font du système, ils font du système avec une vraie naïveté qui fait que ils ont pas écouté les cours d'architecture des ordinateurs à une époque, quoi. Et c'est des fois ils ont des idées tout à fait intéressantes et des fois ils ont des idées terribles. GVisor, typiquement, vous voyez comment ça marche, GVisor, ou pas du tout? Vas-y, explique, parce qu'on a des gens qui ne sauront pas, et c'est sûr et certain sur le podcast. Donc GVisor, l'idée est de dire, tu mets un reverse proxy des calls system du kernel. Et donc en fait, t'as un truc qui fait reverse proxy. Et donc à chaque fois que t'as un call, bah tu le prends et tu le forward ou pas. En gros, ça va être un conteneur, un moteur de conteneur user space. Le léger problème de faire ça, alors le premier problème de faire ça, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme aujourd'hui dans le kernel pour faire de l'interception de call. Ce qui fait que la version open source de GVisor utilise ptrace, qui est un modèle de debug. C'est un peu comme si vous lanciez votre MySQL dans GDB. GDB, je vous rappelle, c'est le système de debug avec tous les artefacts de debug. Donc tu compiles avec les artefacts de debug et c'est le système de debug de GCC. C'est une idée terrible. Personne ne fait ça. Et surtout pas Google. Je peux pas vous expliquer comment Google fait parce que ce n'est pas public. Mais dites-vous que chez Google, ils sont 100 000 et qu'ils vivent dans un autre monde. Un monde qui n'a plus rien à voir avec le nôtre. Les mecs ont un monorepo qui fait des terabytes, jamais ils codent sur leur machine en propre parce qu'ils peuvent pas le git clone. Ils codent dans des systèmes web qui font des CI à eux. Ils ont des librairies fondamentales qui sont pas les mêmes, les librairies de composants, librairies de machin. Et donc... Et après, quand ils arrivent dans ta boîte, ils te font chier parce qu'ils veulent la même chose. C'est ça. Et donc, dites-vous que Google a forqué toute la tech il y a 25 ans, alors, et qui vivent dans leur monde, et ça n'a aucun sens. Si même on revient dans le débat du début, juste là en aparté, c'est... Alors, il y a deux sens dans le monde, dans l'informatique, il y a le monde et il y a Google. C'est genre, Google a... D'ailleurs, recherchez sur GitHub, vous aurez un repo qui explique aux anciens Googlers comment travailler dans les autres boîtes. Ça veut dire qu'en fait, c'est un tableau avec, d'un côté, qu'est-ce qu'utilise Google, de l'autre côté, qu'est-ce qu'utilise tout le reste du monde entier. Et c'est pour ça que là, à chaque fois que les gens qui vendent des outils aux développeurs chez Google te disent... Ah, ça, c'est like Google, c'est un foutage de gueule absolu, parce que ça n'a rien à voir. Donc, moi, je peux pas vous dire comment fonctionne GVisor, parce que j'ai pas le droit. Mais GVisor fonctionne pas du tout comme ça chez eux. Et le boulot qu'il faut faire pour que GVisor tourne comme chez eux est, mais délirant. Enfin, jamais vous ferez ça dans aucune de vos boîtes, parce qu'il faut des chiers de gens pour que ce soit possible alors, à faire. GVisor, là, à l'heure actuelle, tel qu'il l'utilisait, alors, ne mettez pas une prod avec GVisor, ou alors, soyez sûr que vous aurez des pertes de merde et que vous aurez une tonne de problèmes, etc. Et un leak de sécurité monumental, parce qu'encore une fois, ptrace, c'est un système de debug. Voilà. Mais. Mais en gros, alors c'est spécial parce que c'est vendu comme étant justement du sandboxing, c'est-à-dire de pouvoir analyser. Vous avez un conteneur qui vient de je sais pas où, des internets et du app Docker ou de je sais pas quoi. Vous n'allez pas le mettre sur vos CGRO parce que vous ne voulez pas leaker votre kernel. Vous voulez le mettre dans un système user space, même s'il est plus lent. En tout cas, c'est la promesse de GVisor, qui est sans doute pas assez bien faite, mais c'est une... Non, mais qui marche chez Google. Alors encore une fois, ce que fait Google... Chez eux, je le connais très bien, parce que en fait, c'est les fondamentaux d'App Engine. Et en fait, quand j'ai créé Clever, ce que je disais, c'est je vais faire App Engine, mais sans te marier à Google. Donc avec le temps, j'ai fini par les rencontrer, les gens d'App Engine. Je sais comment marche App Engine, j'ai juste pas le droit de raconter. Mais si tu veux, App Engine, c'est génial. Qu'on soit très clair, Google est une entreprise qui fait des techs incroyables. C'est juste une boîte qui ne sait pas livrer de tech à l'extérieur de son monde, parce qu'en fait, ils sont dans leur monde. Oui, mais n'importe qui peut encore maintenant développer sur App Engine. Oui, bien sûr, mais tu sais pas comment marche App Engine à l'intérieur. Ça, on est entièrement d'accord. Mais alors, si je rappelle, juste dans l'histoire de la tech, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, mais genre, on a 2006 AWS avec EC2, on a 2008 App Engine... En plateforme en masse de service et avec personne dessus ou quasiment personne dessus et en 2013 avec Snapchat dessus. Oui, mais non, qu'on soit clair, App Engine est un projet extrêmement rentable vu de chez Google. C'est une équipe pas très grosse et qui rapporte au moins un milliard par an que Snapchat. Franchement, pour en avoir fait, j'avais fait du Go, ouais, ça devait être en 2011 là-dessus, donc vraiment, ou alors je sais plus quand ils avaient sorti leur SDK, mais vraiment au tout début là-dessus, c'est vraiment un super framework. Vous allez pouvoir taper dans des bases de données qui marchent, avec des choses qui marchent de bout en bout. Le truc, c'est que, on connaît l'histoire de maintenant, c'est que c'est EC2 qui a gagné. Et donc en 2013... Pourquoi EC2 a gagné ? Alors, sincèrement cette question-là, parce que c'est une question qui est sur... EC2, ils ont gagné sur le lift and shift. En fait, ils ont parié sur la médiocrité des gens et le fait que les gens n'allaient pas tout réécrire. Moi, c'est pareil. J'ai créé un plateforme as a service capable de prendre des vieux machins. C'est juste que nous, on n'avait pas la puissance marketing d'Amazon. Mais fondamentalement, l'erreur de Google à ce moment-là était de dire « Les gens vont réécrire pour se marier avec nous. » Note, c'était exactement la même erreur de Azure au démarrage. Toujours est-il que le gVisor open source est un... et pas ce que fait Google en interne. Ça, et par ailleurs, il est codé en Go. Et donc, t'as un reverse proxy de tes signaux en Go. Go, c'est quand même un langage managé, donc avec un garbage collector. Garbage collector qui, l'équipe Go a beau le dire, de façon assez bruyante et un tout petit peu pénible, si vous voulez mon humble avis sur le sujet, ils ont écrit le meilleur garbage collector du monde. Bon, en fait, ils ont fait un concurrent de Mark and Sweep. Ça, c'est Java 2. Qu'on soit clair, dans l'histoire des garbage collectors, le concurrent de Mark and Sweep, c'est quoi? C'est j'arrête le monde. Ce machin-là, tu t'en sers? Tu t'en sers pas? Non, personne? Bon, bah, je le dégage. Ce machin-là, il y a quelqu'un qui s'en sert? Oui. Bon, bah, je le garde. Parce que tu es obligé de stopper le monde et faire ça. C'est ce qu'on appelle le GC pause. Alors, c'est très bien, le Mark and Sweep. Ça marche quand tu n'as pas à cleaner 256 gigas de RAM. Parce que quand tu dois cleaner 256 gigas de RAM avec beaucoup d'objets, parce que tu as une notion d'objet, ça pose de la lenteur. Quand tu dis ça aux équipes de Go, ils te disent « Mais personne n'a besoin de nettoyer 256 gigas de RAM. » Bon, je sais pas, moi, je fais des clusters Hadoop, il y a 256 gigas de RAM par nœud, quoi. Donc, tu vois, c'est un problème. Tu vois, c'est un vrai problème. Après, on en arrive à l'objectif d'un langage. Le langage, il a été conçu pour mais un type d'obligation. Mais tu veux le garbage collector de Go, aujourd'hui, tu peux très très peu le tweaker et t'en viens à faire ce qu'on faisait en Java 1, où en Java 1, tu crées des objets. Donc, t'as un article de Netflix qui est sorti le mois dernier, ou pas Netflix, le truc de jeux vidéo Twitch, où en fait, les mecs expliquent qu'ils ont un souci. Il faut qu'ils nettoient de façon très régulière. En fait, leur garbage collector passe trop régulièrement parce qu'en fait, ils créent et détruisent beaucoup trop souvent des objets. Et comme en fait, le garbage collector est lancé de façon probabilistique par Go sans que tu puisses le paramétrer, bah en fait, ils avaient un problème dans les probas, c'est que le garbage collector se lançait tout le temps alors qu'il n'y avait pas besoin de libérer de la RAM. Et donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'au démarrage, ils allouent 10 gigabits de tableaux qui ne servent à rien. Et une fois de temps en temps, il supprime le tableau, s'annonce le garbage collector artificiellement, et une fois de temps en temps, il le recrée, et etc. Et comme ça, il trique les façons de gérer le garbage collector. Sauf que dans la JVM, le garbage collector, maintenant, c'est un plugin, il y en a une demi-douzaine différents, qui ont des comportements différents, pour des cas d'usage différents. C'est juste que, si tu veux, c'est toujours très drôle quand tu vois des jeunes gens débarquer et te dire, tous les universitaires depuis 30 ans, c'est des nabs, hein, nous, on a fait mieux. Ben non, tout à fait, c'est ce qu'on avait en Java 1, gros. Mais en fait. Concurrent. Ah, Java 2. Ouais, mais tu vois, genre, on est en 13, tu vois, genre, du coup, écoute tes aînés parfois. Et donc, pourquoi je parle de concurrent Mark and Sweep? Non, mais les garbage collectors Java, alors oui, il y en a des très bons, oui, il y en a des très bien, etc. Mais Go, dans son cas d'usage initialement tel qu'il a été conçu, marche très bien. Le garbage collector a peu de soucis. Prenons le cas de gVisor. Ton garbage collector génère des gpose, donc des poses du garbage collector. Les poses du garbage collector veut dire que tu as une fuite de perf toutes les X millisecondes. Mm-hmm. Et là, c'est le truc qui intercepte l'ensemble de tes appels au kernel. C'est un stop the world. Pour parler sur le réseau, pour parler sur le file system, pour connaître l'heure. Et donc, t'as un stop the world toutes les 50 millisecondes à peu près de l'ensemble de tes appels aux ressources de la machine. Non, mais gVisor... gVisor, et il s'est bien mis tel quel, c'est un outil de sandboxing qui est d'ailleurs utilisé dans GKE à l'heure actuelle. Donc, si jamais vous utilisez GKE et que... C'est pas l'open source qui est utilisé dans GKE, encore une fois. Pour le sandboxing sur les nodes. Bon, il faudra que j'aille regarder, parce que pour le coup, donc ça tourne sur vos nœuds à vous, pour le coup, donc dans GKE. Si jamais vous mettez un pool de machines que vous le mettez en mode sandbox, vous aurez, donc sur ces nœuds-là, pas un conteneur DIP. Tu crois vraiment que Google lancerait tous tes process dans un Ptrace? Enfin, encore une fois, c'est comme si tu lançais tout dans GDB. Non, mais t'as vu la lenteur de ta DB si tu la lances dans GDB? Non, mais là, justement, c'est le mode sandbox, donc c'est vraiment un mode particulier où on te dit clairement, c'est mais dans bêta. Mais c'est pas cool, open source. Hein? Ben, je regarderai ça parce que vu qu'ils utilisent ContainerDig, vu qu'ils utilisent Docker sur les machines où je suis, etc., alors qu'ils auraient pu utiliser des outils bien meilleurs. Ils sont 100 000. À chaque fois que tu fais des choses avec Google, dis-toi, mais réimplémenter tout ça dans l'outil, ça prendrait une éternité de temps, ils sont 100 000. Non, mais on regardera... Je te rappelle qu'on parle d'une boîte qui a une théorie RH tout à fait particulière. Non, mais sûr, mais c'est... Google n'embauche pas des gens parce qu'ils en ont besoin. Google embauche des gens pour s'assurer que ces gens-là ne bossent pas ailleurs. Je sais pas si vous avez déjà vu ce comics, il y a un comics à mourir de rire où t'as Sergey Brin et Larry Page qui parlent, ils sont ensemble sur un yacht, et ils parlent, et t'as Sergey Brin qui dit à l'autre, Ah, tu sais, le mec dont tout le monde parle à Stanford, qui a fait une thèse dans machine learning, en intelligence artificielle, extraordinaire, là, tout le monde voulait l'embaucher, Facebook était sur le coup, Amazon était sur le coup, tout le monde voulait l'embaucher, on l'a eu. Ah, génial, et qu'est-ce qu'il fait chez nous? Il nettoie les chiottes, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Et c'est vraiment vrai, c'est comme ça que fonctionne cette boîte. Ils embauchent des gens pour s'assurer que ces gens-là bossent pas ailleurs. Donc du coup, est-ce qu'il y a moyen chez Google de faire des projets délirant où à chaque fois tu te dis la réimplémentation prendrait des milliers de gens? Oui. Ah, eux, ils le font. Ah, mais sans aucun doute là-dessus. C'est tout un débat qu'on pourra avoir même sur Google et comment c'est et les choses de l'intérieur. C'est pour ça d'ailleurs l'argument que je déteste qui est Google le fait. C'est un argument que je déteste parce que Google fait tout. Donc en fait, tu trouveras toujours une équipe à l'intérieur qui fait quelque chose qui ressemble à ce que tu dis. Donc en gros, c'est un peu l'espèce d'argument un peu fourre-tout. On trouvera toujours quelqu'un qui fait. Point Godwin, il y a le point Google. Ouais, il y a le point Google pour un argumentaire qui est tombé à l'eau. Donc je suis entièrement d'accord avec Google là-dessus. Si jamais on s'aperçoit, ça fait quasiment une heure et quelques qu'on parle. On n'a toujours pas parlé de Kubernetes. Ouais, on rappelle que c'était ça le titre des choses. Mais c'est bien parce que sinon ça rappelle la chose. Donc le grief sur les conteneurs. Moi, je rappellerai juste mon tweet était vraiment que sur Kubernetes en particulier. Et je dissocie en fait personnellement. Et je vais donner mon opinion en fait et comment je vois Kubernetes. Je l'ai dit un peu, c'est pour moi un gestionnaire de plateforme. Un gestionnaire de plateforme, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de décrire avec de la sémantique, et alors vraiment, pour le coup, de la pure sémantique déclarative, ce que je veux dans ma plateforme. Il se trouve que la primitive en dessous... Pourquoi c'est sémantique ? Bah, déclaratif. C'est déclaratif. Pourquoi c'est déclaratif ? Ah bah, tous les manifestes que je vais faire de ce que je veux... Le manifeste Kubernetes d'un pod, il dit... Transbinaire là que tu download là, ouvre tel port, file, prend tel artefact. C'est un manifeste de pod, mais aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne manipule pas. Les manifestes de pod, on ne les manipule plus. On manipule à la rigueur des déploiements, on manipule des choses qui exploitent les manifestes de pod. Et c'est ça vers quoi on va. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, une espèce de hiérarchie bien organisée. À l'heure actuelle, on utilise des pods et ces pods sont en effet des conteneurs. Etc. Et en tout cas, ils sont déclaratifs dans le binaire. Ouais, la primitive de base de cube, c'est RS, le conteneur, je pense qu'on est tous d'accord. Du coup, on est d'accord sur le fait qu'un conteneur n'est qu'un binaire. À partir du moment où c'est la seule chose que tu déclares, c'est le nom d'un conteneur. Mais non, c'est pas un binaire, c'est un contexte d'exécution. Et avec un binaire. Oui, c'est un si tu veux un binaire, c'est un artefact. Oui, non, mais d'accord. Mais ce coup, tu veux pas le faire. Mais du coup, tu sais pas ce qui tourne dedans. Mais c'est pas le but, justement. En fait, tu n'en as aucune. En fait, si on s'intéresse que à Kubernetes, on s'en fout. Non, mais en termes oui, non, mais je suis bien d'accord. Mais en termes d'architecture, tu sais pas quel protocole on parle. Tu sais pas comment c'est codé. Tu sais pas comment le mettre à jour. Tu sais pas s'il y a de la donnée dessus. Tu ne sais pas si la donnée elle est répliquée. Tu ne sais pas si, quand t'arrêtes le pod, tu peux le faire violemment ou pas, parce que si tu le fais violemment ou pas... C'est la déclaration, la déclaration, c'est-à-dire que la personne... Non, tu définis pas ces choses-là dans la déclaration. Si, heureusement. Bah, tu déclares le protocole dans la déclaration. Le protocole de quoi ? Est-ce que tu déclares le modèle de runtime dans la déclaration ? Le modèle, explique... Le protocole dont tu parles. Le protocole que tu parles dans une déclaration, que ce soit réseau ou quoi que ce soit. Donc, le truc qui te permettrait de savoir... si tu fais un protocole que tu peux interrompre, un protocole tu peux load balancer, pas load balancer, si tu peux load balancer du HTTP, va load balancer de l'UDP, c'est possible dans certains cas, pas possible dans certains cas, ça dépend du protocole. Alors pour le coup, le port tu le définis, par défaut c'est du TCP. Ouais, mais le port c'est pas sémantique le port. Enfin, moi, je te fais écouter de l'HTTP sur les ports de 1 à 8000. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est que, et c'est déclaratif, c'est-à-dire quelqu'un me dit tel conteneur, je l'ai buildé avec une manière magique, voilà, j'avais une potion magique, j'ai sorti un conteneur. Ce conteneur-là, l'avantage, c'est que je ferai pas tout retouiller la potion 20 fois, c'est-à-dire que ce truc-là, cette potion-là, je peux te la dupliquer, je peux la cloner, ça sera exactement la même, sans aucun bit de différence. Ce truc-là, maintenant, je te dis que pour le boire, pour le faire tourner, à la fin, ça va être comme ça. Et ça va être sur ce port-là précis. Et moi, je te donne toutes ces déclarations-là. Je te la donne et tu peux le faire. Tu sais toujours pas si c'est un mode d'emploi. Non. En termes d'architecture, t'as toujours pas aujourd'hui. Mais c'est pas le but. Aujourd'hui, en fait, Kubernetes, moi, comment je l'explique, c'est que justement, cette boucle entre dev et ops, tout le monde voit le 8 dev, ops, etc. Et ben, moi, quand je vois une boucle, il y a un point au milieu. Ce 8-là, il y a un point au milieu, c'est un point remarquable. Qu'est-ce que c'est? C'est donc une frontière entre deux mondes, le monde du dev, le monde de l'ops. Moi, quand j'entends frontière maintenant, j'entends API. J'emploie déclaration, j'emploie contrat, j'emploie API au sens très très large. Et bien maintenant, Kubernetes, c'est ce truc-là. C'est ce truc qui dit qu'il y a des devs qui font un truc, et il y a des ops qui savent l'opérer. Alors oui, ok, ils savent pas ce qu'il y a dedans. Et justement, Kubernetes permet ça de faut... ne pas oui, mais avoir alors, le à fait savoir. Qu'ils ne sachent pas de base ce qu'il y a dedans fait qu'ils sont incapables de réellement comprendre comment ça pète ou pas. En fait, l'histoire elle est très simple. Soit tu considères que ce que tu dois pour opérer un truc, t'as juste à fournir du CPU. Et dans ces cas-là, expliquez-moi à quoi vous servez aujourd'hui, hormis filer trois coups de molette dans ce machin qui est quand même moyen stable, tu vois. Et on pourra parler après des designs de Kubernetes, notamment l'API server et sa façon d'être bizarrement master et de pas être capable de clôturer ses problèmes. Mais ça c'est encore une fois, c'est des problèmes dont on peut parler un tout petit peu plus tard. Je suis complètement fan de l'API server, hein, donc. D'accord. Et ben aujourd'hui, tu prends un API server, tu le butes, qu'est-ce qui se passe? Moi, je prends une équipe de d'ops, tu la butes, qu'est-ce qui se passe? Non, enfin, mais c'est, non, la non, mais c'est non, mais aujourd'hui. T'es dans un système. T'es dans un système. T'as déployé sur 50 bécanes. Faut pas tuer les gens. T'as un API server. Faut pas tuer les gens. T'as un API server. Ton API server, tu pour X raisons, la machine sur laquelle il tourne disparaît. Aujourd'hui, l'API server, bah, il était master. Ce qui veut dire qu'il y a des données. Non, l'API server n'est absolument pas master. Ah si, il est master. Ah non, du tout. Ah si. Ah non, du tout. Alors là, pour avoir déployé genre des API servers sur centaines de machines. Il est master slave. Je te jure que tes déploiements en cours partent en cacahuète. Ah non, parce qu'ils partent. Non, mais si, ils sont dans le vortex. Ah non. L'API server, pas du tout. Le controller manager, oui, ils ont une élection de leader. Le scheduler, pareil, il y en a qui. Élection de leader qui est d'ailleurs à se taper le cul par terre. Non, mais. Parce que je peux vous définir comment ils font une élection de leader, c'est très bien. Toi, tu peux donner un chiffre aléatoire? Ouais, 7. Toi? C'est Debian. 8. 3. Ah merde, moi je pensais à 14. Bon, bah faut qu'on recommence jusqu'à ce qu'on soit d'accord. T'es sérieux, mec? Genre, vous avez rien trouvé de mieux? Non, mais c'est. Oui, mais ça marche. Les pieds servants, il y a. Alors, pour le coup, c'est peut-être le seul composant dans le cube où il n'y a aucune. C'est effectivement le manager. En fait, le manager et l'API server ont une relation complexe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un système où tu n'as pas de vraie distribution du rôle. Si tu veux, le système de déploiement et d'orchestration de Kube, je l'ai regardé il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de réécrire le système de déploiement chez nous. Depuis le début, nous on fait un système d'orchestrateur qui est full distribué. C'est-à-dire que chez nous, tu peux tuer des bouts de l'orchestrateur, des deux de l'orchestrateur, il se passera rien. Les déploiements vont continuer à faire leur vie, il y aura aucun problème. Il n'y aura aucune interruption de prod. Alors, même du service alors, de l'orchestrateur. Alors dans Kube, si tu tues le controller manager, il y aura pas d'interruption de prod. C'est juste, il se passera plus rien. Le cluster. La prod des déploiements en cours. Oui. On a un temps de pause dans les déploiements, mais tout ne tombe pas. C'est pas parce qu'il y a personne pour les surveiller que d'accord. Tout tombe. Encore une fois, ça dépend du nombre de déploiements que tu fais à la seconde. Alors. Mais si tu veux, moi, j'ai un moment, j'ai des problèmes à régler. Et entre autres, c'est un problème. Je peux pas me permettre de m'arrêter. Et alors, je suis en train de. On a été lire le truc et on était horrifiés. Par ailleurs, il y a un autre problème. Et que Kube repose sur un truc qui s'appelle etcd pour faire sa congruence et assume que etcd marche. Et il se trouve que si, pour le coup, on va plus dans le monde des systèmes distribués, etcd, ça fait marrer tout le monde. Parce que etcd, il n'est pas capable d'assurer une résilience en cas de forte charge, en cas de... etc. Il n'a pas été jusqu'à MongoDB. MongoDB a fait marrer encore plus les gens, parce que quand on l'a soumis à des stress tests, MongoDB, il n'a pas seulement perdu de la donnée, il n'a pas seulement dit de la donnée qui était vieille, il n'a pas seulement imposé de la non-réécriture de données, MongoDB a généré de la donnée. C'était un nouveau type d'erreur en système distribué, personne n'avait vu ça. ETCD, aujourd'hui, il tient pas. Il y a très peu de systèmes de log distribués qui fonctionnent. Il y en a un qui a été basé, d'ailleurs, d'après les réflexions de Google, et qui s'appelle ZK, et qui marche admirablement bien. C'est ce qui fait tenir Hadoop, c'est ce qui fait tenir des tonnes de choses depuis des années. Alors, ETCD a eu une tonne de problèmes. Il avait des problèmes à un certain moment. Il a été designé pour certaines choses et pas pour d'autres, à la différence de Zookeeper. Mais pour le coup, ETCD, dans la façon dont on peut l'utiliser. En fait, le problème qu'ont eu les gens, c'est qu'ils ont voulu tout. En fait, ils ont cru que Kubernetes, c'était Mesos. Et donc, ils se sont dit, chouette, j'ai un scheduler, je vais pouvoir mettre mes 100 000 machines dessus. Il y a des talks dans des gens de la tech qui parlent de ça. J'ai mis mes 6 000 machines d'un seul coup avec plein de choses différentes dans Kubernetes et ça a pas marché. Voilà une commande pas faire. Et ben, parce que juste, ils ont même pas regardé pourquoi Kubernetes. C'est ça la promesse du truc. La promesse, c'est de te dire, on va gérer ton infra. Non, jamais. Et vraiment. Et alors là, du coup, il faut lire tous les tweets de Kessler Hightower depuis au moins 4 ans on va pas atteindre le point de Kessler Hightower. Je pense qu'il est atteint pour tout le monde, que Kelsey Hightower a atteint le à peu près 20 mètres au-dessus du sol quand il marche, tu vois. Et ça fait très longtemps que Kelsey ne comprend plus ce qu'il écrit, tu vois. Mais justement, en fait, et alors là, c'est très bien, c'est que je pense que les gens qui ont fait Kubernetes n'ont jamais imaginé le point où il en est devenu maintenant. Je sais pas, c'est toi-même qui m'a dit que tous les major pass fonctionner sur Kubernetes. Mais non, mais c'était le problème. Alors, il y a un problème, c'est que c'est faux. Oui, alors. Alors, en gros, non, mais la notion. Parce que c'est moi, je connais aucun pass qui tourne sur Kube. Non, mais si, il y en a, pas forcément des biens, il y a OpenShift, voilà. Et OpenShift fonctionne sur un fork de Kube. Donc, admettons, je te l'accorde, mais moi, j'ai jamais vu de déploiement très massif d'OpenShift. Et ensuite, c'est pas un des majeurs pass qui tourne. Heroku fonctionne pas sur Kube, pas sur Kube. Mais heureusement. App Engine fonctionne pas sur Kube, et heureusement, tu vois. Non, mais c'est heureusement dans un certain moment qui est aussi juste une question de l'histoire, quoi. C'est que, à l'heure actuelle, Kubernetes peut commencer à devenir un pass. Mais parce qu'en plus, Kubernetes, vraiment, profondément. Non, littéralement, ce que tu viens de me dire, c'est qu'il faut pas partager son Kube et en faire un énorme. Absolument. Le problème que t'as quand tu fais de l'informatique, c'est qu'il faut que tu partages des ressources. Et que tu les partages entre plein de projets. Et alors toi tu me dis non, il faut restreindre le périmètre des projets, faire du cube in cube ou faire du cube schedulé. Mmh. Admettons, ça veut dire que très cube à la demande globalement. C'est ouais, quelle que soit la façon dont on le fait. Admettons, enfin littéralement c'est ce qu'on va fournir parce que effectivement, tu fais jamais du cube, tu fais toujours du cube avec les 6 ou 7 ou 15 ou 30 projets rigolos du moment de la SNCF. C'est tous les projets, vous savez, où c'est marqué alpha, mais tous les mondes les collent en prod. Moi, ça me rappelle la grande époque du JCP, où on collait les alphas sur les ORM en prod, c'était bien. On va dire plutôt Ruby, qui a jamais dépassé le 0.0, aucun projet n'a dépassé le 0.0 quelque chose. Je connais plein de projets Ruby qui sont en prod et qui marchent très bien. Et qui sont toujours en 0.0 quelque chose. Ouais, non mais, enfin, c'est encore une fois... Et c'est un projet de SNCF pour le coup. Donc, ouais, non mais, enfin, moi j'ai une façon très simple de savoir, quand nous on fait des choix technologiques, j'ai une façon très très simple de savoir, le projet fait partie de la SNCF, moins 100 points. Il y a quand même de fortes chances pour que ce soit une bêta écrite par 3 personnes qui se voient dans un bar à San Francisco, parce qu'il y a un autre sujet, hein, c'est que la SNCF, si t'es pas à San Francisco, tu rentres pas dedans. Hein. Donc il y a un vrai marketing géographique. Taïkiwi, c'est les Chinois. Taïkiwi, c'est les Chinois. Alors, mais ils ont émigré. Ils sont à San Francisco. C'est ça, je les ai vus d'ailleurs dans leur premier meet-up à San Francisco. Et je les connais hyper bien. Parce que tu sais, c'est l'écosystème Rust et Clever, on utilise du Rust depuis toujours. Je rappelle que chez Clever, on a pondu un truc qui s'appelle Nome, qui est une librairie de parseur combinator. Et très sincèrement, quand tu fais du Rust, si en dépendance transitive, il n'y a pas un moment où tu tires Nome, c'est chelou. Parce qu'on est quasiment toujours dans les dépendances transitives. Donc on connaît très bien l'écosystème Rust. Et on a beaucoup de projets donc, qui sont écrits en Rust. Donc on connaît très bien les gens de Taïkiwi. Effectivement, eux sont rentrés dans la SNCF. Ils sont quand même dans la vallée. Et fine, tu vois. Ce que je te dis juste, c'est que la SNCF, en tant qu'organisme de gouvernance, est un organisme de gouvernance vallée-centrique. Et pour être tout à fait honnête, San Francisco centrique. Parce que déjà, la vallée, c'est louche, tu vois. Genre, San Francisco, admettons, tu vois. C'est vraiment la façon dont est gérée cette fondation. Et moi, je trouve ça un peu grave. Mais toujours est-il que, effectivement, on va te fournir de moyens de scheduler tes cubes. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans un pattern où Cube est devenu un framework. Fine. Cube est devenu un framework. Je ne comprends pas pourquoi se servir de Cube comme framework. Parce que si ton problème dans la vie, c'est de faire du système distribué, je peux te proposer une demi-douzaine d'autres solutions qui, à mon avis, sont plus fortes. Tu prends du Erlang, tu feras du système distribué, ce sera très bien, tu auras un throughput. Ok, tu fais ça pique le Erlang. Mais non, c'est pas ça. C'est mais non, mais c'est pas ça. Kubernetes te permet de faire du distribué avec des langages différents. Erlang est vraiment très bien. Il y a pas de. Tu fais des trucs avec Erlang que tu feras jamais dans un cube. Mais parce que OTP, qui est un système d'acteurs, est très intéressant. Et si on prend les systèmes d'acteurs, t'as projet Orleans chez .NET. En Java, t'en as plusieurs. Le plus gros est probablement AK. Nous fait énormément d'AK et c'est un truc incroyable. Je te tiens qu'AK, ça fait tourner tout Fortnite. Fortnite, c'est un énorme cluster AK avec du AK persistance. Or que moi, AK persistance, j'aurais même pas osé, tu vois. Mais tu vois, ça, c'est du système distribué. Quand on me dit, on va coder du système distribué, tu les lanceras, et le protocole dans lequel ils vont se parler, c'est HTTP. Pour faire du système distribué, on a fait mieux. Mais exactement, on a fait mieux et les gens feront mieux. Et c'est ça tout le propos en fait que je fais, c'est qu'à l'heure actuelle, dans plein de prods où on allait, en fait, à mon avis, ce qui se passe, c'est que t'as trop vu de gens bons, de gens doués, des gens qui savent faire du système, des développeurs qui comprennent, où il y a un bon lien entre les deux, etc. Pour avoir été dans plein de boîtes, et même celle encore de la bouteille où tu les gars sont des tanches. Mais que ce soit des gars, genre de l'Ops. Il y a deux, trois chez eux qui sont quand même pas si mauvais que ça. Ah bah, je te promets que c'est parce que t'as pas vu leur prod. Et, Je connais, donc j'ai vu des bouts de la prod, c'est pas si mauvais que ça. Ah bah, on connaît très, très, très, très, très bien leur prod. Mais bon. Et en gros, c'est des gens, nous, on a des gens qui sont venus nous voir pour nous dire j'ai un blob à partager sur 15 000 machines. On m'a dit que c'est un blob de, je sais plus, 15 kilos. Je vais le mettre sur Memcache parce qu'on m'a dit que c'était rapide. Et tout le monde a validé, tout le monde a validé ce choix-là. Tout le monde, tout le management, tout le staff de t'as tout. Pas de un tout, mec de tout. Avant le dernier, toi t'arrives. Et nous, on nous a demandé à la fin en mode, je comprends pas, ça marche pas. Bah oui, parce que Memcache, c'est pas une base partagée, c'est juste à la limite, on peut le sharder et c'est le maximum qu'on puisse faire. Mais en gros, c'est juste pour revenir au fait que tu as sans doute trop vu de gens où en fait, c'est très bien, tu as fait des choix technologiques, humains, managériels, etc., qui sont sensés. Sensés, c'est-à-dire qu'ils vont dans un tout et ça permet d'aller dans le bon sens, dans la bonne direction. Ce qu'on voit dans la plupart des boîtes où on passe, à l'heure actuelle, dans l'univers de la tech, c'est que malheureusement, c'est pas le cas. On pourrait discuter du pourquoi c'est pas le cas, et t'as donné notamment l'exemple comptable, et c'est vrai, c'est là pour être à l'heure actuelle J'ai donné une interview dans un podcast au début du mois, où j'explique pourquoi on fonctionne comme on fonctionne chez Clever. Voilà, et c'est sans doute extrêmement bien, c'est juste qu'à l'heure actuelle, c'est pas le cas dans la plupart des boîtes. Et malheureusement, clairement malheureusement, c'est juste qu'à l'heure actuelle, ces solutions-là permettent d'être une solution transitoire, d'amener des choses. Et la principale chose qu'on dit d'ailleurs dans Kubernetes, c'est que c'est un stresseur d'organisation. Mais le problème que tu prends là, c'est qu'à force de faire du battage autour, eh ben en fait, on est tous obligés de supporter ce machin. Et en fait, le modèle sémantique de description des services n'est pas sémantique. Il est focusé autour des binaires, des ports. En fait, il passe son temps à faire de la tuyauterie. Tu mélanges le modèle sémantique avec ton problème de plomberie. Et si tu veux, c'est possible. C'est juste que aujourd'hui, je ne vois pas comment, dans un contexte non cube, tu reprends les fichiers qui sont disponibles. C'est-à-dire que les fichiers qui sont disponibles et qui sont censés décrire des choses, pour moi, ils ont la même valeur que tes fichiers chefs. On saura pas quoi en faire le jour où on décidera de changer de runtime. Parce que la description sémantique qu'ils ont décrit des ports et du binaire. Mais par exemple, le jour où tu décides de proxyer le tout par du quick, t'es incapable de le gérer. Parce que tu sais pas ce que tu peux mettre dans du quick et pas du quick. C'est un peu réducteur, parce que dans une description d'un déploiement, tu mets pas que un port et tu mets pas que... Qu'est-ce que tu donnes de sémantique? Enfin, tu t'oublies tout. Alors, on va déjà passer sur les volumes physiques, les accès, enfin les espaces. Tu définis même storage. Pas ton volume. Il t'a besoin d'IO, t'as pas besoin d'IO, t'as besoin de garantie. Si, la storage class, elle le fait. Ça, c'est le principe de la storage class. Tu omets complètement l'extensibilité de l'API. Bien sûr que si. Non. Ce que je te dis, la storage class, c'est tu peux faire des tags. Tu fais pas de besoin de garantie. Tu choisis la storage class fast IO, tu choisis la storage class que l'Ops t'a fourni, mais en fait, en même temps, tu ne peux pas demander. Donc, on est bien d'accord, c'est pas quelque chose de sémantique dans sa description, c'est quelque chose de sémantique dans son contexte. Non, mais c'est-à-dire que du coup, ça veut dire que toutes tes storage class, elles ne sont pas transposables dans un autre modèle, elles sont transposables uniquement à ton organisation. On est en train de parler de trucs qui a été conçu encore une fois, par des gens qui n'ont pas de monitoring globaux. Google, il n'y a pas de cluster de monitoring global. Il y a plein de Borg modes les uns à côté des autres, et chaque projet a son truc. Parce qu'on est en train de parler de gens où, effectivement, ils ont résolu leur problème de dire « on va régler le problème global », pas « on ne règle pas le problème global », et chaque équipe se démerde. C'est très bien, en fait. Ce modèle de « chaque équipe se démerde », moi, c'est quelque chose que je prône. C'est-à-dire que les organisations globales... Mais... Moi, à l'heure actuelle, vraiment, et ça, c'est un fait vu et vraiment expérimenté, c'est que dans une organisation extrêmement grande où, à la tête, c'est un connard, eh ben, ça se passe mal. Et en fait, je préfère avoir des organisations atomiques, mais c'est juste d'un point de vue statistique. C'est que j'ai plus de chances d'avoir, quand je suis dans une organisation pyramidale, un connard à la tête qui risque de tout niquer, que si jamais j'atomise mes petites équipes, je fais en sorte qu'elles soient un peu... J'ai une nouvelle pour toi. Ton problème, il n'est pas technique. Parce qu'en fait, t'es d'accord pour dire que cette techno, elle marche moyen. Non, elle marche très bien dans son cas d'usage. Une fois que t'as renoncé à plein de choses que ça aurait pu régler, tu me dis, c'est pas grave, ça les règle pas. Ton problème, il est pas là. Ils étaient pas réglés avant, j'avais pas de solution pour les régler. Mais oui, on aurait pu mieux faire. On a créé plein de nouveaux problèmes en les faisant. Mais... Encore une fois, vous avez pas testé ce que nous on fait, qui règle les problèmes. Ton problème, il est pas là. Ton problème, il est, tu as toujours bossé dans des environnements managériels toxiques. Entièrement d'accord. Arrête de bosser avec ces gens-là. Eh bien, c'est pour ça que je suis devenu indépendant. Non, non, non, non. Ah, moi, je me suis... Arrêtez de bosser avec ces gens-là. Tu continues à bosser avec ces gens-là. dans un contexte où ils te payent juste plus cher et où quand ils te font trop chier, tu claques la porte. Mais manifestement, tu n'as pas arrêté de bosser avec des gens pas toxiques, puisque tu passes ton temps à dire « je vais essayer de préserver l'équipe d'un éventuel manager débile ». Et donc, en fait, tu es toujours dans cette théorie de jeu politique à l'intérieur de ta boîte. Et c'est exactement ce que je disais au démarrage sur Docker. Vous n'êtes pas en train de régler des problèmes tech, vous êtes en train de régler des problèmes managériaux, de comptables, de ce que vous voulez. Entièrement d'accord. Moi, je règle des problèmes de technologie. C'est-à-dire que mes clients, ils m'envoient des applications et ils me demandent qu'elles soient up avec de la bonne sécu, avec de la bonne performance et plus jamais en entendre parler. Et ça, c'est ce que je délivre et c'est pas ce que délivre Q. Bah, en fait, en gros, t'as réglé un problème managérial à leur place. Par ailleurs, il se trouve que je règle le problème managérial. Du coup, j'ai un deuxième problème managérial qui est, et du coup, on fait quoi de nos ops? Et moi, ça, c'est un sujet dont j'ai envie de parler. Parce que là, pour moi, les mecs, t'as fait l'innovation à leur place. T'as réussi à faire l'innovation qu'ils auraient dû faire. Mais alors, moi, c'est genre toutes ces boîtes où je suis passé, et certaines très grandes, et qui avaient des équipes de, tu parlais de 100 000 personnes chez Google, mais là, c'était des équipes quand même avec des milliers de personnes et qui faisaient de la merde. Ça, c'est, on l'a tous vu dans les boîtes où on est passé. Là, non. Donc, je suis entièrement d'accord. Là, en fait, t'es dans un cas d'usage, dans un cas de contexte où tu as résolu le problème managérial dans ton équipe. On bosse avec le CAC 40. Hein. Je tiens quand même à le préciser. On bosse avec des ministères. On bosse avec des organismes internationaux. Tu leur résous ces problèmes-là. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est possible à faire si tu les emmènes dans le bon sens. Et du coup, en fait, tout le monde a envie d'être heureux au travail. Et donc, moi, je vais pas me contenter d'une solution technologiquement inférieure. Parce que le problème de cette solution-là, si tu veux, c'est que moi, ça accapare mon temps et celui de mes équipes plutôt que de fournir des choses qualitatives parce que le marché nous drive à utiliser ce machin. Et je rappelle que la grande vision dans la SNCF et dans Kubernetes, c'est quand même Helm. Helm, c'est quoi? Un tar GZ avec des putains de binaires dedans. Encore une fois, on est en train de faire ça. Helm est détesté par toute la communauté Cube. Ce n'est pas un projet qui est dans le. Alors, c'est quoi le système de packaging Customize, aujourd'hui. Customize, qui est. Nouveau que je ne connais pas, quoi. Ah non, Customize, pour le coup, est quelque chose qui est intégré dans le kubectl. Kubectl-K, c'est Customize. Et tout le monde déteste Helm. Et vraiment, mais genre, n'importe qui dans la communauté un peu inclus dans Kubernetes déteste Helm. Helm n'a jamais été inclus dans aucun SIG de Kubernetes. Moi, je me suis tapé le packaging Helm de Base. Non, mais Helm est pénible. N'importe qui me connaît, au mieux. Voilà, n'importe qui me connaît sait qu'on a juste réinventé un yet another Ansible avec un templating en Go, etc. Donc on est d'accord pour dire que c'est de la dope. Ah, c'est de la dope. Helm, jamais de la vie. Si quelqu'un. Donc maintenant, il faut utiliser un truc qui s'appelle Customize, je suppose, avec un K, ça fait comment ce truc-là? Alors, Customize, le concept, c'est un système d'overlay, mais sans le système. Ça démarre bien. Non, en fait, un système d'overlay, c'est-à-dire que quelqu'un décrit son application à un moment donné. Il le décrit comment? Ah, il le décrit via des manifestes cubes, pour le coup. On est vraiment... En fait, il ne décrit pas une application, il dit « utilise tel binaire et ouvre tel port ». Voilà, mais fais-le tel personne. Ah, mais encore une fois, ce n'est pas une description applicative. Alors... Non, parce qu'une description applicative, en théorie, si ça marcherait, à la fin, tu pourrais avoir un truc qui est capable de te dire « ton système d'information fonctionne comme ça, te génère un schéma ». Te mets les liens importants, te dis si t'es l'API break, ça va merder, etc. Et aujourd'hui, je vois pas comment tu fais ça avec un manifeste Q. Non, mais peut-être que de la même manière où on a vu OpenAPI, où on a vu l'OCF, Open Container Foundation, on va avoir une description standard. Tu as la croyance qu'un jour la SNCF fera le boulot là-dessus. Il y en a déjà. Il y a même, je crois, deux projets dans la SNCF pour essayer de standardiser ça, pour le coup. À chaque fois que les gens se rencontrent dans un bar à SF, ils créent un projet alpha à la SNCF. Donc oui, il y a certainement des projets. Est-ce que pour autant, ils vont être successful? Probablement que tu pourrais imaginer commencer à décrire des trucs avec les builds. Mais je pense, j'ai une petite requête quand même, parce que là, je vais pas dire un avantage, mais bon, en tout cas, un fait sur Kubernetes, c'est qu'il est avec Docker, c'est que ce sont des technologies qui sont accessibles. Elles sont, au-delà du fait qu'elles soient promues et vantées et marketées, elles sont accessibles, elles sont simples, elles sont... C'est pas simple. Aujourd'hui, ton premier déploiement cube, c'est pas un truc qui s'effectue en 4 minutes. C'est un truc... Non, si tu prends la bonne personne, c'est bon. Ça s'effectue en 4 secondes, excusez-moi. Ton premier déploiement cube, faut écrire un putain de manifeste, faut faire une image, faut avoir un cluster, en admettant que tu utilises GPU. À la rigueur, c'est une ligne, c'est kubectl. Kubectl create. Create, et c'est terminé en une ligne de CLI. Je suis désolé. T'as même pas besoin de faire de YAML. Je compare encore une fois avec un pass comme nous. Tu fais un git add remote, git push. L'outil que tu utilises tous les jours en tant que développeur. Alors. Non, mais enfin, tu vois. J'ai cloud, t'as machin, kubectl. Est-ce que t'as lu justement l'article que j'avais fait sur le concept de phrasal complet? Je termine ma remarque. C'est le concept de. Ok, c'est une technologie qui est installée, qui est accessible, qui est documentée, qui est simple et qui est partagée par tout le monde. Comment, si moi, je ne veux pas utiliser cette technologie-là et je veux me rapprocher des concepts plus sécurisant, plus partagé, plus voilà, que vous proposez. Est-ce qu'il y a une manière, une méthode, une documentation, une fondation qui me permet de et sans avoir besoin de travailler, de débaucher des gens chez toi, de travailler de la même manière que vous. Ah mais bien sûr, tu t'inscris sur notre système. Et... Non, mais sans passer par notre système, parce que mais tu peux le télécharger, le mettre chez toi. Hein. Non, mais ça veut dire demain, là, je vais trouver des gens compétents pour pouvoir me le maintenir avec moi. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est le service qu'on vend. Si... Est-ce que tu me demandes, est-ce que tu peux l'avoir gratuitement? Et ne jamais nous reverser. Moi, j'adorerais le faire en open source. On fait énormément d'open source chez Clever et j'adorerais le faire en open source. Pourquoi est-ce que Clever Cloud en entier est pas open source aujourd'hui? Bah, c'est très simple. Je connais pas de boîte open source qui gagne de l'argent. Sans se faire racheter. Non, non. Qui gagne de l'argent tout court. Je veux dire, il y a des boîtes de services qui ont acheté des boîtes d'open source. C'est le cas d'IBM qui a acheté Red Hat. Et Red Hat, c'était déjà essentiellement une boîte de services. Et aujourd'hui, je connais des VC qui foutent la pression à des boîtes. Je connais des boîtes qui ont créé des beaux produits et qui vendent du cloud service et c'est ce que fait Elastic et ils galèrent parce que face à eux, il y a Amazon qui pille leur propriété intellectuelle. Et prenons des cas comme Docker, techniquement, la boîte a manifestement pas fait de revenus et donc avait un problème avec le modèle open source dans le cas présent pour générer du plein de problèmes dont ce et c'est pas compliqué. Moi, sur l'histoire de l'open sourceisation de Clever, c'est une question que je pose régulièrement à des salles remplies et je dis, moi j'ai envie de mettre Clever open source demain, qui l'utilise? La salle entière me lève la main. Qui sera prêt à payer pour ça? Zéro personne. Je fais, désolé les gars, il se trouve qu'on mange. C'est con, hein, mais on mange. Alors, donc, est-ce que par contre, en utilisant Clever, tu permets à des technologies plus fortes d'avancer et nous permet d'open sourcer plus de trucs et nous permettre d'avancer? Oui, clairement. Par contre, à un moment, tu peux pas me dire votre discours à vous, il non, paraît mais... cohérent, mais je peux pas l'utiliser gratos. Je fais, j'adore ça. Je parle même pas de gratos, c'est-à-dire, c'est d'utiliser les mêmes fondamentaux. En fait, la logique, moi, que fondamentaux, c'est... on fait de la virtualisation. Notre distribution Linux, pour le coup, elle est complètement open source. C'est Exerbo, tu peux l'utiliser. Les fondamentaux qu'on utilise, ils sont là. Enfin, c'est pas très compliqué. Est-ce que après, tu vois, on a construit tout notre monitoring sur du Hadoop. Ok. Est-ce que c'est clé en main? C'est pas clé en main. Aujourd'hui, Kubernetes est clé en main. C'est clé en main si tu l'achètes à Clever. Aujourd'hui, fait du Kubernetes vanilla? Tout le monde fait du GKE, donc c'est la même histoire. Non, en tout cas. Parmi mes clients, il y en a peu qui font du GKE. Après, en même temps, parce qu'on dépasse un certain nombre. Mais il y en a beaucoup. Hein. Enfin, vraiment, à l'heure actuelle, des gens qui font vraiment du GKE, malheureusement, et surtout en France. Fais simple. Tu vas dans la moindre conférence de dev. Tu fais qui utilise Kubernetes? Tout le monde lève la main. Et là, tu fais qui utilise Kubernetes sans GKE, sans Minikube. Maintenant, tu vas dans une conférence de DevOps. Tu dis qui utilise machin et tu verras qu'il y aura 50% de gens qui font du in-house. Sur du bare metal. Alors, moi, du CubeSpray, du CubeSpray, du RKE, du machin, etc. Là, j'en bouffe tous les jours. Tu t'adresses pas aux bonnes personnes, je pense. Et c'est vrai que ça dépend beaucoup du profil, mais moi, à l'heure actuelle, moi, la plupart des gens qui me parlent, et c'était même le cas de la BNP, etc., c'est que, ils faisaient du in-house, en tout cas. Et la plupart des boîtes françaises ne veulent pas payer et elles veulent faire du in-house gratuitement. Et c'est un problème français. Ils préfèrent payer des salariés. J'ai le cas. Et avoir du savoir-faire interne plutôt que de sous. Enfin, même pas parce que les gens veulent pas regarder les sources. Hein, genre, je suis d'accord si jamais. Tu sais, il y a quand même des sources quand tu les regardes. T'arrêtes d'utiliser le soft. Hein, ouais. Encore une fois, nous on fait tout source-based, donc on fait beaucoup de lectures de sources. Il se trouve que si tu veux, parce que c'est vraiment très bien. Dans ce que je reproche à Cube, il y a entre autres son orchestrateur. Je comprends pas comment tu peux gérer de grosses infras dessus. L'orchestrateur, quand on a voulu changer notre orchestrateur, scheduler, tu veux dire. Ouais, le scheduler. Non, mais parce la partie scheduling de Cube, moi j'ai été la lire il y a un an et des bananes parce que je voulais réécrire l'orchestrateur de, enfin le scheduler de Clever. Et je me suis dit, bah ça se trouve on pourrait utiliser Cube. Non mais alors. Le scheduler de Clever, sans déconner, c'est le Cube, le scheduler son algo, c'est celui qu'on avait en 2014. Alors le scheduler de Cube, pour le dire clairement, pendant très longtemps n'était même pas inclus dans le projet. C'est-à-dire qu'en fait c'était un projet optionnel qui était mis comme étant ne l'utilisez pas. Il est débrayable à n'importe quel endroit et il est dit clairement que si jamais vous voulez faire de la prod, il faut en utiliser un autre. Je connais au moins 3 boîtes qui vendent des schedulers Cube propriétaires en disant le scheduler de Cube ne marche pas. Tout le monde le sait et ce n'est pas un problème. Vous pouvez utiliser l'autre. C'est... Kubernetes est juste une boîte à outils. C'est une boîte à outils avec plein de projets qui se mettent dans les mains. C'est une boîte à outils. Vous auriez pu créer votre propre scheduler. On a notre propre scheduler. Il aurait pu très bien se brancher dans Cube. Alors le problème de le brancher dans Cube, il est sémantique. logique. C'est-à-dire que... Combat de coq, là. Mais non, mais je veux dire, c'est... Vous passez juste à côté, vous frôlez le concept d'extensibilité de Kubernetes et de standard d'API. Et c'est, pour moi, c'est là où est la vraie force. C'est là où tu me dis... Ton déploiement, il gère pas ça, il gère pas ça, il gère pas le concept de savoir ce que c'est qu'un port, il gère pas. Et tu peux étendre l'API exactement comme tu veux. Mais en fait, le truc, c'est que pourquoi moi je le ferais alors que j'ai un truc qui marche? J'ai pas besoin de cette couche-là. Enfin, quand tu me dis tu devrais l'utiliser, je te dis non. Parce que quand tu vas embaucher quelqu'un, ne serait-ce que voilà le concept de tu vas embaucher quelqu'un, il connaît Cube, très bien, il connaît l'API Cube, très bien, bah voilà, j'ai un opérateur spécifique qui gère le protocole réseau Tartampion. Et qui interprète ce truc-là du déploiement. Après, tu peux réutiliser tous les CSI, tu peux réutiliser machin. Demain, langage commun pour tous les métiers de l'IT. Pour moi. D'accord, il faudrait que je réécrive le scheduler. Faut que je réécrive le runtime parce que je peux pas me servir du Takata container et pour le coup tu viendras directement. Je suis toujours pas d'accord pour utiliser des modèles j'ellipsais tous les binaires et le kernel à part, moi je suis toujours pas d'accord. Donc virt je sais plus quoi là. Mais on va arrêter avec libvirt, laisse-le, il est bien dans son coin. Non mais en fait, donc il faut que je réécrive un runtime. Parce que si tu veux, à chaque fois qu'on me dit, il y a un truc déjà dans Cube. Mais tu as déjà fait. Oui, mais il marche aujourd'hui. Donc je vois pas pourquoi j'irais me taper une API. Enfin, encore une fois, t'as déjà regardé à quelle vitesse bouge l'API de Cube? Franchement, les mecs ont aucune notion de versionning de l'API. Elle bouge à tous les commits. C'est incapable. Ça me rappelle la grande époque de Docker. C'est pas vrai. À une époque Docker, on avait un client. Le client Go. Ça a été flingué la tête. Non, le client Go est une merde. Ça, on est entièrement d'accord dessus. Sa compatibilité avec l'API est absolument merdique. Si on compte, donc le scheduler est de la merde. Le client Go est une merde. Enfin, on compte tous les trucs où tu finis par me dire, ouais, mais t'es composant, il est quand même moisi. Alors, le truc, mais oui, mais tout est moisi. Donc, si jamais on est d'accord, détails. C'est une techno de daube. Mais non, mais en fait, j'ai l'impression que tu montes une espèce de cathédrale et t'as envie qu'elle soit parfaite. Mais malheureusement, j'ai envie qu'elle soit parfaite. Je fais de la prod, l'informatique. Si ça pète, j'ai un problème. L'informatique, c'est pas parfait. Et ben, en fait, en gros, non, mais la question, c'est que là, regarde, ton scheduler, tu l'as. Ton runtime, tu l'as. Moi, je te repose la même question maintenant. Moi, question chez des clients. J'ai des clients, ils ont rien. Ils sont à table rase, ils sont à poil. Et mais t'es en train si de me dire, t'es en train de me dire, rien, il faut pas qu'il le fasse en interne. Mais et moi la question, la différence, voilà, peut-être là on touche du doigt, les Américains qui balancent des bêtas dans la CNCF quand ils prennent un café ou une bière à San Francisco, eux, ils s'en foutent que ça soit parfait. Ils s'en foutent que l'application elle soit hyper sécure. Eux, ils veulent un problème. Ils ont une potentielle solution, une feature. La plus simple. Ils la font. Ils font la MVP. Ils la font. Paf. Ils capturent l'espace marketing au sein de la CNCF pour assurer que personne d'autre ne puisse concevoir quelque chose peut-être, autour de ça. Peut-être. On n'est pas sur autre chose. C'est leur stratégie, c'est leur vision des choses. La racine de ce soft. Nous, ce soft, il a existé parce que Google avait envie de tuer Docker. Et ça, très bien. Toi, tu fais une technologie qui est parfaite. Non, Docker. Non. Non, Kubernetes, ça a fâché, c'était Google qui était très fâché à propos de Docker, parce que Docker avait fait les conteneurs, et que c'était Google qui avait fourni tous les patchs dans le Linux kernel pour faire des conteneurs. Enfin, une bonne partie. Non, t'avais Elixir avant, mais alors bien avant, et qui en a fait une tonne, hein, pour en avoir fait... Regarde de près d'où venaient les patchs de namespacing du kernel. Je te jure que Google repose sur les conteneurs depuis des mois. Oui, mais avait fait, oui, voilà, on a fait mais beaucoup. Les conteneurs Google, qui, encore une fois, c'est leur monde à eux, oui, et c'est très compliqué d'en parler. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils étaient furax. Et il se trouve que quand Docker a popé, tu vois, ils étaient mais tellement furax qu'ils se sont dit on avance. Ils ont proposé un rachat qui n'a pas été accepté par Docker, et du coup, ils les ont pris en grippe. Et Kubernetes, l'objectif était d'empêcher Docker d'aller anyway à la prod. Et ça a été la fameuse guerre des orchestrateurs qui a duré 8-10 mois, dans laquelle ils ont fini par gagner pour une raison simple, ils ont plus d'argent. Et c'est aussi simple que ça. Leur solution était aussi bien meilleure que Swarm, si jamais il faut faire ça. Alors là, technologiquement, tu peux pas me dire que Swarm était même un tant soit peu, alors même pas de très loin. Je suis d'accord avec toi. Technologiquement, Swarm, j'ai toujours trouvé que c'était daubé. Par contre, d'un point de vue usabilité de l'utilisateur, je suis désolé, c'était beaucoup plus simple. Et j'ai même envie de te dire, ça Docker Compose était l'argent. Mais oui, bien sûr. Mais en fait, le truc, il est toujours la même. Moi, j'ai l'impression de répéter en boucle les mêmes histoires. On me dit la composabilité, la modularité, la maintenabilité, et surtout, une fois que t'as un standard, tu pourras prendre des blocs en remplacer. C'est le discours qu'on avait sur Java EE5 oui, ou 1.4 au sein du JCP. On le connaît, et en fait, là, le WebSphere ou WebLogic, franchement, ça a jamais fonctionné. Ça sera la même chose dans 10 ans, ça sera la même chose dans 20 ans. Il y aura jamais une universalité comme il y aura jamais un système informatique qui marche. C'est une illusion. Mais donc, c'est, du coup, on est d'accord, le standard, en fait, c'est un foutage de gueule dans le cas présent. Et donc, du coup, t'en veux un descriptif, c'est en fait. C'est un standard. Sémantique. Oui, mais alors, sémantique, j'ai l'impression de voir le XKCD qui est oh là là, il y a 15 standards, c'est nul. Standard je vais créer un standard pour tous les unir tous. Il y a maintenant 16 standards. Non, non, c'est pas vrai, parce qu'on a déjà des standards sémantiques qui fonctionnent. Aujourd'hui, tu fais ta dépendance de projet en Maven où tu décris tes dépendances de projet, ça fonctionne. Et aujourd'hui, tu as plusieurs softs qui s'en servent et ça marche très bien. C'est un format qui n'a pas bougé. C'est pas du tout une description sémantique. Tu dis explicitement la librairie dont tu as besoin. Tu dis pas il me faudrait un truc qui fasse de la DB. Eh ben si, justement. Parce qu'en fait, vu qu'avec les plugins, tu modifies ces trucs-là, tu es capable de le faire. Ah bah et dans, justement. Et bah dans Cube, avec des plugins qui sont des opérateurs, tu peux le faire. Bah non. Ah bah bien sûr que ça n'a rien à voir, parce que tes opérateurs, ils gèrent des binaires. Mais pas forcément. Les opérateurs, alors moi j'ai créé des opérateurs dans la vie qui ne font rien, mais alors vraiment rien du tout comme des binaires. Moi, je te paye pour ça les mecs, tu dis qu'il fait des opérateurs qui font rien. Si jamais vous voulez me payer, vous pouvez me payer. Alors, je suis des opérateurs qui servent à quelque chose. Et alors sans aucun prêt. Mais non, justement, le concept même d'opérateur et justement les PI serveurs qui pour moi est une beauté absolue là-dedans et qui devrait d'ailleurs sortir du projet Cube tellement elle est bien. Non, vraiment, elle devrait devenir les standard. Les API sont en bêta, tu vois, genre... Non, moi, je parle vraiment de l'API serveur. Et puis, maintenant, il y en a beaucoup qui sont sortis de bêta, pour le coup. Et non, l'API serveur en elle-même, sa notion de déclarativité, de gestion, même interne, mais vraiment, mais à plein de niveaux. On n'est pas dans Danton Cube, donc je vais essayer de pas trop en parler technologiquement là-dedans. Mais on pourrait refaire quelque chose là-dessus, que sur l'API serveur. Mais justement, je trouve son modèle déclaratif de gestion du watch, etc., dedans, mais extrêmement joli. C'est quand même dramatique. Enfin, y a, dans combien de déclarations de service cube, t'as une espèce de truc avec un slip 10 et un end-end et ce genre de choses. Enfin, t'es quand même au summum de la catastrophe. Alors, personnellement, si jamais un jour je l'ai fait dans ma vie, il faut tout de suite me taper. Je ne l'ai jamais fait. Jamais. T'as bien de la chance parce que moi, tous les gens que j'ai vu faire du cube, tu te finis par des trucs dans un watch parce que, encore une fois, le watch ne sait même pas ce qu'il essaye de checker. La seule chose qu'il renvoie, c'est un code de retour. Encore une fois. Attends, le watch, j'ai l'API serveur. Non, il te renvoie le. La ressource que tu voulais et un numéro d'incrément à l'endroit où t'es, comme souvent, et après tu viens get cet endroit-là et tu l'as. Et après, quand tu refais un watch, il revient à partir d'un niveau d'incrément et il va te dire tous les trucs. Non, c'est vraiment purement bien fait pour le coup. Tu sais exactement quelle est la ressource qui est updatée, etc. C'est pour le coup, tu fais un watch, le watch vraiment, le watch d'API, le watch de ressources, le watch d'objets en sens Kubernetes. Ah, tu parles des objets cubes. Ah, je parle des objets cubes. Ah oui, non, mais alors là, pour moi, non, mais en fait, non. Parce que, en fait, ça, c'est fourni sous forme d'une API à pool, alors que ça devrait être un flux. Ça, on est dans un cas CQRS... Mais le watch est une notion de flux, pour le coup. Bah, c'est une notion de flux qui se comporte pas comme un flux, puisque t'es en train de la pooler. Donc, en fait, il y a quand même un souci là-dessus, mais c'est lié à... Il t'envoie un trigger... Et bah, t'as une notion de watch, donc en fait, oui, c'est du pool, mais ça ressemble quand même furieusement à un push quand je peux watch une ressource. Et surtout quand elle est bien concurrente. En fait, la différence, c'est que t'as pas de reproductibilité de ton cas CQRS. Tu vois ce que c'est que CQRS ou pas? Bah oui, mais tu vas encore pouvoir le... Je pense qu'on a des gens qui savent pas. Donc CQRS, c'est une façon de définir votre flux de modification de la data. C'est-à-dire que quand on s'est mis à avoir beaucoup de place sur les disques durs, on s'est rendu compte que ce qui était intéressant, c'était moins le monde tel qu'il était que l'évolution du monde. Et c'est comme ça qu'on a fini par faire du machine learning, parce qu'en fait, le machine learning, c'est une évolution du monde qu'on fait. Autrement dit, il te faut un flux dans lequel tu as l'ensemble des événements de modification. Et CQRS, ça veut dire... ou je sais plus le C, mais c'est selection, query, et je sais plus non plus. Mais toujours est-il que ton flux CQRS, c'est le flux de l'ensemble des ordres qui concernent ta donnée, qui vont se linéariser et qui sont dans un état tu ne peux pas changer l'état, l'ordre dans lequel c'est fait. C'est ordonné, c'est propre, et c'est ce qui te permet de reproduire le monde. Dans un système où tu n'as pas ce genre de log, ça veut dire que toute étape de forensic sera extrêmement pénible. Et c'est pour ça que, si tu veux, j'ai un problème global avec la SNCF, c'est que t'as énormément de projets qui sont pensés pour le « ça va bien se passer ». Et notamment Prometheus, qui est l'autre sujet dont on pourrait parler des années, où il y a un énorme problème. Enfin, le truc n'est pas capable de prendre de la vie data, ce qui veut dire que ton forensic, tu ne l'auras jamais de ta vie. Et donc, en fait, pour moi, t'as un agrégat de projets entiers qui sont pensés dans un axe qui, pour moi, ne règle pas les soucis. Alors oui, quand tout se passe bien, si jamais on faisait des modules... Oui, mais en fait, le truc, c'est moi, je les ai réglés, les soucis, à mon échelle. Et aujourd'hui, le problème que j'ai, c'est qu'il faut que je prenne mon modèle qui marche, qui est sémantique, qui est propre, et que je le casse en permanence pour faire rentrer un carré dans un rond, et qu'on me dit en permanence sur Twitter, quoi, tu n'utilises pas Kubernetes, mais pourtant tu devrais l'utiliser. Et d'ailleurs, tout le monde dans ta branche le fait, alors que personne dans ma branche. C'est-à-dire qu'on a un problème de bruit autour de cette technologie-là qui peut régler des problèmes, mais des problèmes pas si grands, pas si pertinents, pas si importants que ça. Alors, c'est une technologie qui, certes, dans certains cadres, peut t'aider. J'ai été foutre de la prod sous cube, pour rigoler. Bon, c'est très pénible, parce que du coup, c'est le machin qui sonne le plus souvent dans mon monitoring, mais... Ah si, je t'assure, c'est... Ah oui, mais c'est, ça dépend, mais alors moi, j'ai vu des installs cube complètement merdiques, et il y a des gens qui font des talks meet-up pour expliquer comment faire du cube, tu regardes ce qu'ils ont fait, ils font surtout pas. Un problème, on est en train de parler d'une techno qui, by design, mais tellement moyen de t'en servir n'importe comment. Prenons des technologies respectables d'actuellement, tu vois. Prenons Rust, c'est quand même une techno où dès que tu mets un point sur la ligne jaune... Le compilateur t'engueule. Ça, c'est une technologie que je trouve incroyable, alors, qui Rust va changer le monde. Mais on est d'accord. Mais alors, recompile Kubernetes en Rust et je te promets que tout le monde te suit. Tu peux pas, c'est un tas de galimatias de lignes de Go. Et par ailleurs, il y a un autre problème dans le fait de recompile quoi que ce soit dans Kubernetes, c'est que le projet est tellement politique que ça me rappelle la grande époque de l'OpenStack, où le moindre commit dans OpenStack, t'as plus de négo politique que de technologie. Et c'est la même chose. Tu veux faire passer aujourd'hui des commits dans Kube, tu ne peux pas. Confirme. Et donc, t'es sur un projet qui est Fox Open Source, dont les implémentations les plus utilisées sont en fait des implémentations qui ont été rebricolées en interne, donc GKE en est une, et c'est pour ça qu'il va en Anthos, parce que c'est GKE on-premise, c'est littéralement, c'est pas Kube, donc t'es sur un mouvement assez blessant, tu vois, je trouve, tu ne peux pas aller committer dedans, et en plus, le truc est d'une politique, OpenStack. Pour avoir connu la grande époque de OpenStack, clairement, Kubernetes essaye de ne pas ressembler à OpenStack. Pour une raison et une énorme qui est... Alors, tu pourrais dire que le CNCF ressemble au projet Tente sur OpenStack. Mais à ceci près que déjà, il n'y a pas de verrou technologique. C'est qu'avant, on se souvient, OpenStack, tout devait être fait en Python et uniquement en Python et qu'on est... Et tout Python. Il y a beaucoup de projets de la SNCF qui sont faits en autre chose que Go. Je veux dire, il y a TX en Rust. Le meilleur projet de la SNCF. Enfin, clairement, je veux dire, si tu as besoin de collecter des logs, à peu près une ligne de log à la seconde, ça marche. Pour les parties critiques. Pour les parties critiques. Non, c'est vrai que la plupart des systèmes... Il y a une espèce de pattern sur les collecteurs de logs, parce que Logstash, c'était la même chose, c'était du Ruby. C'est juste que Logstash, des mecs avaient dit, non, mais c'est en Ruby, mais c'est fait pour tourner sur JRuby. Du coup, ça somme, tenez la parole. Genre, fallait quand même... Vraiment, il y a des gars qui ont... c'était fait pour tourner sur JRuby. Ouais. Alors, Logstash a toujours été fait pour tourner sur JRuby en first deploy. Ça a toujours été pensé comme ça. Ok. Et c'est pour ça que ça tenait la charge. Et oui, la machine Ruby... Enfin, Ruby en tant que langage et en tant qu'écosystème a plein d'intérêts. Et Ruby en tant qu'écosystème, surtout en tant qu'écosystème, ça a été génial. Et merci à Rohr, et merci à plein de trucs. Cela dit, la portabilité du Ruby, en step 1, elle fonctionne. En step 2, dès que tu commences à utiliser des trucs un peu touchy, t'es sûr que t'es obligé de recompiler pour des plateformes X ou Y. Il y a un autre souci. La librairie Elasticsearch en Ruby, elle est merdique. Elle appelle la libc et compagnie. Mais ça, c'est un autre souci. C'est qu'en fait, en Ruby, comme tu as des problèmes de perf du runner, du coup, tu as des gens qui vont faire des patchs en C. Le problème, c'est que c'est des développeurs Ruby qui vont faire le patch en C, donc pas nécessairement des développeurs C. Moi, après, j'ai beaucoup de griefs entre C, donc après, on peut me lancer sur C. Et donc, du coup, tu te retrouves avec un problème qui est que tu as un mélange en fait des deux. Et tu as ce problème-là. Et du coup, ce problème-là, il se répand au moment où tu compiles en JRuby. Et du coup, les parties en C, t'es obligé de les appeler en JNA, et... Et les conteneurs, c'est bien. Parce qu'à ce moment-là... Et non, et les conteneurs ne règlent pas le souci. Ta stack techno est toujours une énorme merde. Oui. C'est juste que t'as fait un joli paquet rose. Au moment où c'est tombé en marche, t'as fait photo. Ah putain, vas-y, genre, gros modèle. Oui, c'est un enfant. Mais justement, les photos mais, marchent bien. Eh ben, nous, on n'a pas ça. Parce on que, fait pas de photos. En fait, et ça marche. Encore une fois, vous êtes dans la perfection et dans la recherche. On n'est pas dans la perfection. Nos clients à nous, ils sont répartis dans 50 pays dans le monde. Ils sont des milliers différents. Ils codent pas du tout tous pareil. Et donc, ce que je veux dire, c'est que mon modèle à moi, il fonctionne à large échelle. C'est-à-dire qu'il fonctionne avec des gens qui ne se sont jamais rencontrés, qui se voient pas. À large échelle de client, est-ce qu'il marcherait à large échelle d'entreprise? C'est-à-dire vraiment vous en tant que tel. C'est-à-dire, je te mets 100 000 développeurs... Non, mais c'est une question. C'est genre, ce passage à l'échelle, entre guillemets... C'est une blague qu'on a entre nous. Si demain, on me donne 100 ou 200 développeurs de plus que j'ai sélectionnés... Hein, La question, c'est pas ça. Si demain, on prend ta technologie et on la balance chez à la 10 000 boîtes... Voilà, je prends ta technologie, je la mets à la BNP. Alors, il se trouve que ma technologie est à la BNP et ça marche. Mais tu me demandes à la BNP parce qu'elle est à la BNP, ma technologie est à la BNP. Oui, non, mais et ça marche avec des gens à la BNP. At scale à la BNP, c'est-à-dire. Ça marcherait à scale si tu mettais plus de serveurs. Enfin, non, si tu veux. L'idée, c'est qu'à partir du moment où tu répands ta technologie, tu n'en es plus maître, donc tu es obligé de la diluer, de prendre des raccourcis et de faire des choses. J'ai des raccourcis à prendre. Non, mais toi, aujourd'hui, tu es maître parce que c'est ton offre commerciale, c'est ta technologie, c'est ta vision, mais et qu'elle convient à ton entreprise, elle convient à tes objectifs, business, technique et compagnie. Mais aujourd'hui, Kubernetes, bah, ça ne peut pas convenir à une vision, vu que par naissance, par nature, c'est fait pour tout le monde. Et puis, il y a... Pour tout le monde, sauf les 99 qui n'ont pas le droit d'aller comme idée dedans, quoi. Non, je veux bien qu'on entende le discours. Mais allons parler de vrais projets open source. Prenons kernel Linux. 1200 développeurs qui collaborent sur des spans de 3 mois et qui relisent des trucs. Avec des gens qui ont des problèmes extrêmement variés. Hein, t'as des gens qui font de l'embarqué, t'as des gens qui font des serveurs haute performance, t'as des gens qui font du temps réel, t'as des gens qui font des HPC et t'as des gens qui font tourner des Raspberry Pi. Les besoins sont extrêmement variés. Résultat des courses, le machin fonctionne, les mecs se parlent jamais. Kubernetes, pour le coup, si jamais tu vas là-dedans, c'est exactement pareil. Et alors là, pour le coup, d'expérience. Moi, je connais des gens qui mettent du Kubernetes dans des avions. Et dans des avions de ligne, dans des Airbus. Hein. Oui. Alors, moi, je les prends plus. Eh ben, alors, ne prends plus les Boeing. Parce que les Boeing, on peut pas les prendre non plus. Non, mais c'est pas plus dedans, mais à l'heure actuelle, je te le dis. Non, mais si ça fait tourner le système média. Oui. Non, mais tu vois, donc, encore une fois, on est sur le marketing du t'as vu, ça fait tourner des avions. Non. Pas tourner des avions, ça fait tourner le Netflix interne. Je t'ai dit que c'était dans des avions. Si tu veux. Alors, donc, j'ai bien fait attention. Donc, ça fait tourner Google, sauf quand ça fait pas tourner Google, on est d'accord. Alors, pour le coup, je ne fais pas. Il m'a dit qu'il l'utilisait chez Google. Ah, il l'utilise. En plus, c'est même pas moi qui disais ça. Sous-entendu. Ah, c'est pas moi qui avait cet argumentaire-là. Je t'ai dit que l'argumentaire, ça tourne chez Google, était pour moi un argumentaire faux. Je me souviens du débat Puppet versus Chef versus Ansible. Et tout le monde qui était, ouais, mais moi, mon truc, il l'utilisait chez Google. Mais en fait, tout le monde pouvait répondre la même chose. Donc, le machin est là. Ça fait pas tourner les avions parce qu'en fait ça fait tourner le système média des avions. Ah, mais c'est dans des avions. Et en fait, en gros, c'est juste le spectre. Tu m'as dit tout à l'heure les Raspberry Pi. Bah, les Raspberry Pi, il y en a qui mettent des cubes sur des Raspberry Pi et ça marche très bien. Oui, non, mais je sais que ça tourne sur des Raspberry Pi. Ce que je veux dire, tous les endroits que tu m'as dit tout à l'heure, ça marche avec du cube. Oui, mais lancer des binaires, c'est lancer des binaires. La différence, c'est que le kernel fait quand même beaucoup plus de choses vu qu'il gère le hardware. Heureusement. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Quand je te dis c'est un projet qui est open, aujourd'hui tu peux aller contribuer dans le kernel. Moi, c'est facile. Je vois quand même un avantage dont on n'a pas parlé, l'extensibilité et compagnie, mais surtout, c'est un outil. Et comme par essence, n'importe quel outil, que ça aille du marteau au tractopelle jusqu'à la fusée Saturn V, c'est fait pour démultiplier la force et l'effet d'une personne. Et aujourd'hui, cet effet-là, il est complet. Pour moi, c'est une réussite totale. Bien sûr, et la cycloche aussi. C'est juste qu'aujourd'hui, on me présente le truc comme étant le couteau suisse. À mon humble avis, c'est une cycloche. Éventuellement, c'est une cycloche qu'on pourrait déplier. Ça coupe des trucs. Alors, non, c'est un vrai couteau suisse. Il y a 50 ans quand il a été créé. Oui, c'était qu'un outil qui répondait qu'à une seule chose. À l'heure actuelle, vu l'extensibilité de l'API serveur, clairement, c'est un couteau suisse. Arrive avec le CSI, avec le machin des volumes. Il est devenu cette glue, le lien. C'est toujours pas ce que tu monitors. Comment ça ? Il n'y a toujours pas d'unification du monitoring. Je ne vois pas comment on fera un scheduling. Le Prometheus opérateur, il est stable. Enfin, sérieux, on peut vraiment faire du monitoring sur Prometheus. C'est du service monitor, c'est dynamique. On est vraiment en train de parler de ce machin-là. Oui, vraiment. Et alors là, pour le coup, par rapport... je veux que je parle de boîtes où le monitoring, il passe dans des logs, et c'est des boîtes... Non, mais attends, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des gens qui font n'importe mais quoi. Mais justement, c'est, en la fait, majorité. C'est la majorité des gens. C'est la majorité. Et alors, du coup, on va aller vers un truc médiocre, alors qu'il y a des trucs très bien qui existent. On va aller vers du mieux. C'est pas médiocre, en fait, c'est ça, en infiniment fait, mieux en fait, que le ce mieux, qu'ils ont, le mieux, en fait, en gros, à l'heure c'est, actuelle... C'est que tu as une vision... Tu vois le haut du panier. On en fait, est tous d'accord avec toi. Du haut oui, du mais panier. Tu comprends que le problème qu'on a est que aujourd'hui, à force de faire le battage de ces technos-là, c'est que nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On attend que les gens améliorent leur truc. Contribuer à la technologie. Non, c'est pas ça. C'est comment on fait pour contribuer à cette technologie et manger? Parce qu'aujourd'hui, personne ne fait sa vie dessus. En fait, si tu veux, c'est très simple. Pour un hébergeur, c'est plutôt simple. C'est pour un éditeur de logiciel ou c'est compliqué. Mais non, c'est pas simple du tout. Toi, en hébergeur, tu peux très bien gagner de l'argent en proposant des Kubernetes. Non, je vais en gagner un peu et ça va me coûter une fortune en support. Aujourd'hui, chez Clever, Docker, c'est à peu près 8% de nos runtime, 40% de nos demandes de support. Ça, c'est la réalité des conteneurs, tu vois. Moi, c'est catastrophe. Alors, pourquoi c'est le cas? Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la notion même des conteneurs et la notion même de Kubernetes, c'est que, à la différence du PaaS, c'est qu'à mon sens, c'est Frazzle complet. Alors, qu'est-ce que j'ai inventé en notant ce mot-là? C'est que, tout comme dans la. Pourquoi Frazzle complet? Frazzle complet, justement, en fait. C'est que, tu connais le Turing complet. Ouais. Et ben en fait, c'est la même chose pour de l'infrastructure. C'est que moi, demain, tu me donnes un PaaS dans lequel je peux pousser mon code. C'est que, est-ce que je peux pousser n'importe quel code dans n'importe quel langage sur ton PaaS? Elle est là, la question. Almost. Almost. Et ben c'est ce almost-là qui est la différence. Aujourd'hui, je te réponds avec du Docker. Le et problème, voilà. C'est que Docker... En fait, si tu me dis n'importe quoi dans n'importe quoi, Docker, il y a des choses, tu ne peux toujours pas les supporter dans du Docker. Et donc, ça ne marchera pas. Alors, c'est que si par ailleurs, ce que tu appelles Frazzle complet, c'est se balader avec un t-shirt qui dit « Je suis la personne qui jette les pull requests des gens de systemd », c'est être Frazzle complet. Je suis pas sûr que ce soit les plus grands instants de joueurs. Non, mais c'est pas le... Non, puis en plus... Comment ça? Attends, il va une anecdote. Jessie Frazzle a pas toujours été la personne open et en plus, adorable qu'elle mais en plus, est. Mais en plus, elle l'est pas forcément, mais tout comme Turing l'était pas. Enfin, genre. Turing n'était pas une personne, à mon avis, agréable à fréquenter tous les jours. Je sais pas. Voilà. Mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi Frazzle. Alors, Frazzle, c'est juste, fallait trouver un nom et voilà, et t'as de la chance, j'ai le choix entre Hightower et Frazzle. Enfin, j'ai choisi Frazzle. Non mais je plaisante. C'est uniquement si tu mets Cube dans un avion, parce que là, du coup, je peux croiser Casey Hightower. Alors sans déconner, il y a quelqu'un qui comprend de quoi parle Casey depuis quelques années. Ouais. Parce que honnêtement, Casey, très sincèrement, tu sens que le mec, il passe un temps fou à discuter avec des gens, etc. Mais je pense que ça fait très longtemps qu'il n'a pas tapé la moindre ligne de code. Et pour le coup, alors c'est peut-être parce que j'ai pas tapé assez de lignes de code, mais ça date d'hier, donc peut-être c'est pas assez longtemps. Mais... Si, clairement, moi je comprends ça, parce qu'en fait, le truc, c'est que, en effet, c'est une notion d'écosystème, et sans doute que notre écosystème, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, dans même la compréhension qu'on a de Kubernetes, tu vois, même expliquer Kubernetes à quelqu'un maintenant, expliquer que ce n'est pas un cache, je passe mes journées à ça. Donc sans doute, oui, on est parti trop loin, Kubernetes est à l'heure actuelle. Moi, j'en suis ravi, hein. Pour moi, Kubernetes est en train de faire enfin ce qu'il fallait qu'il fasse depuis le début, c'est-à-dire qu'il est en train de s'openstackiser. Ah mais non, justement, c'est d'une complexité monstrueuse. Mais non, justement. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont faire un impasse. Justement, ça va devenir un framework et fin d'histoire. Comment on peut dire que j'ai vécu les deux. Hein. Comment on peut dire que Kubernetes est complexe? Kubernetes, c'est fondamentalement, c'est allez, 4 composants, peut-être 5 si on compte TCD. Mais c'est l'API, c'est le scheduler, le contrôleur manager et un ou plusieurs kubelets. Mais faire tourner des trucs dedans est pénible. En fait, en termes de complexité, juste de comprendre comment les choses communiquent entre elles. Faire tourner HBase dans Cube, j'ai failli manger un bureau. OpenStack, j'ai jamais fini la doc. Enfin, faut juste en arriver là. Faut savoir que Clever, la première version de Clever, et pendant des mois, Clever a tourné au-dessus d'OpenStack. Et un jour, je suis rentré dans le bureau et j'ai fait « Bon, les gars, dans un mois et demi, ce machin a dégagé. » Alors, bon, moi, mon premier projet Cube, c'était d'installer OpenStack avec Kubernetes. Donc, on va dire. Grande idée. Et ça marche très très bien. Vraiment très très bien. Bon, la boîte qui l'a fait est en train de tomber, mais encore pas à cause de problèmes techniques, mais à cause de problèmes managériaux. Et c'est encore le cas, mais tu as Kubernetes, à l'heure actuelle, est vraiment un logiciel vraiment très simple. C'est pour ça que c'est une brique que tu peux mettre facilement sur des Raspberry Pi. Alors accessible moi, j'ai fait du HBase sur Cube, j'ai cru que j'allais mourir. Non mais le problème c'est HBase, c'est pas... Ah non, c'est le pas problème Cube. C'est pas HBase. Moi tu sais, je connais des clusters HBase de 250 nœuds qui ronronnent et qui sont gérés par une personne en carton. Donc, si tu veux... Mais c'est... j'ai des clusters là pour le coup d'une centaine de nodes de cubes avec personne pour les gérer, et ça j'en connais, et le truc tourne et il est actuellement proche, je peux te montrer. Et en plus le pire, c'est que ça fait tourner du WordPress. Pour les gérer, tu es en train de démontrer ce que je pense depuis le début. Personne fait les mises à jour, personne s'occupe du monitoring, etc. Quand je te parle d'avoir des gens en carton, c'est parce que ça veut dire que c'est les gens, c'est pas leur boulot au quotidien, ils font tourner les machins, et par contre, ils ont la responsabilité du fait que ça tourne. Ce qui veut dire que la mise à jour est possible. Quand il n'y a plus personne, et ça, je vous le vois très bien, des boîtes qui mettent des trucs sur Cube, et qui se disent, à partir de maintenant, ça va, on fera pas les mises à jour de d'images de base, on fera pas les mises à jour de Cube, on fera les mises à jour de que dalle. Mais fine. Ces gens-là faisaient déjà de la merde avec Debian avant, et moi, à l'heure actuelle, mon principal problème quand j'amène Cube, et c'est justement ce stressor. Donc maintenant, ils font de la merde avec Cube. Bah, génial, on a pas l'air de la merde. Je continue à tenir mon discours, qui est de dire, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Alors, les gens qui faisaient de la merde avant, ils continuent de faire de la merde après. C'est pas grâce à l'outil qu'ils en font plus. Encore une fois, je te reprends l'exemple de technologie. Non, ils en font moins. Qui empêche les gens. Tu prends du SQL. Tu mets des contraintes dans toute la base. Si t'as un jeu de contraintes propres dans la base, personne n'est capable de détruire la base. Je prends le concept de boîte à outils de Cube. Faire juste les L-checks. Faire juste le redéploiement en cas d'échec. Faire juste, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, le rescaling et compagnie. Enfin, les actions. Déplacer une charge d'un serveur. Des trucs comme ça. Faire juste des actions de base. N'importe quel déploiement d'une application à la con, d'un web service ou peu importe. En admettant que t'as pas besoin d'isolation, parce que tout ça tombe toujours sur des connards, donc tout ce qu'on a dit. Donc en fait, en admettant qu'on fait n'importe quoi. Donc on met entre parenthèses la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas dans les entreprises. Vu que le système n'est pas sémantique, on met entre parenthèses la réutilisabilité de la sémantique. ISO périmètre. Non, mais il est déclaratif. Et ça, en termes de sécurité, ça permet déjà de savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a d'innombrables petites actions. Je termine ma phrase, s'il vous plaît. Il y a d'innombrables petites actions qui sont shippés avec l'outil, tu vas me dire, avec aussi n'importe quel outil, ça pourrait être Nomad, peu importe, mais très bien, utilisons Nomad, je suis pas contre, mais qui sont shippés avec l'outil, qui auraient été faites par des scripts à la con, par des trucs inventés à la maison, et par des trucs bien plus dégueulasses que Kubernetes. Je pense qu'en fait, j'ai enfin touché du doigt le problème. Vous êtes traumatisé d'avoir vu des infrastructures lamentables gérées de façon mauvaise. Je vous invite à venir voir ce qu'on fait. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que moi, quand je juge une technologie, je me dis pas, ça a tellement été nul à chier ce qu'on a fait jusqu'à présent que gagner ça m'intéresse. Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire des technologies qui gagnent. J'ai envie de faire des technologies qui règlent définitivement des problèmes. Vous savez combien il y a d'ops chez moi? Je sais pas, 40? Pour gérer l'ensemble de Clever Cloud? Oui, ça me paraît pas déconnant. Je gérais 8000 machines. Il y en a pas. Il y en a aucun. Parce qu'ils ont pas le titre. Vous savez, non. Personne n'a comme boulot de se connecter à une machine. Une connexion SSH en admin chez nous, c'est une alerte de monitoring. Talos dont je te disais tout à l'heure. Le zéro SSH, c'est une philosophie. Mais moi, le Talos, c'est le système dont je t'ai dit tout à l'heure. C'est un système, il n'y a même pas de shell dessus. Genre, le système, c'est un init qui boot un process en API, point. Et une fois que tu lui as communiqué, il se coupe. Talos OS, c'est, il n'y a même pas de shell. Il n'y a même pas de shell pour s'y connecter. Moi, se connecter en SSH sur une machine, c'est une hérésie. Voilà. J'ai toujours dit dans toutes les boîtes où on est passé. Tant mieux que vous y soyez arrivé. Mais pour moi, c'est pas ça la définition d'un ops. La définition d'un ops, clairement, c'est pas le gars qui se connecte en SSH. C'est même pas le gars qui est d'astreinte. À la limite, ça, c'est le techos d'astreinte là-dedans. Nous, on l'appelait, je sais plus comment on l'appelait. Mais bon, bref. Mais l'ops, c'est celui qui a la capacité à comprendre la brique sous-jacente. Chez vous, c'est génial, c'est que vous avez eu des gens qui sont capables de comprendre la brique sous-jacente et qui ont construit un peu ce qu'il y avait au-dessus. Ben, c'est ça. C'est génial. Et pour moi, non, mais c'est vraiment très bien. C'est là-dessus. Et quand aujourd'hui. Les jambons, ils sont chez toi. Enfin, moi, dans toutes les boîtes, mais n'importe qui peut être bon. C'est un problème de travail. Tout le monde peut être bon. Moi, j'ai vu des tonnes de boîtes et moi, ma pensée, c'est que tout le monde peut être bon. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on prend des ops et qu'on leur dit, ta mission à partir de maintenant, c'est d'avoir une communication sensée avec les devs sur où est-ce qu'est l'entrepôt de données, pourquoi, dans quel sens, faire de l'archi avec eux, expliquer comment on achète du matos, calculer les TCO, parce qu'on va pas parler des envolées de coûts sur les clouds publics et en particulier Amazon. faire de la protection de la data, parce que je parle même pas de la qualité aujourd'hui de la protection de la data européenne vis-à-vis des États-Unis. Enfin, tu vois, on a un certain nombre de problèmes. Tu t'appelles SMO. Et aujourd'hui, on leur dit pas ça, on leur dit, bah, va faire joujou avec ce nouveau toy, ça s'appelle Kubernetes, tu vas réapprendre le monde, et en fait, rien ne va changer. Alors. C'est-à-dire, au lieu de faire un apt-get install, les mecs font kubectl quelque chose. Ok, cool. Mais alors, on n'a pas réglé le problème. Alors, détrompe-toi. Alors, moi, c'est quand, par exemple, quand je fais des formations Kubernetes. Quand je fais des formations Kubernetes, j'ai trois tracks. J'ai une première track Ops, une deuxième track Dev et une track SRE. Et alors, la distinction entre les trois, elle est claire et je pense qu'elle répondra à ton besoin. Celle que je déteste, c'est la track Ops. Et en fait, je l'ai appelée Ops parce que la plupart dans ça, c'est les gens qui vont maintenir le cluster. Et c'est celle d'ailleurs qu'on me demande le plus. C'est comment j'installe mon cluster. Moi, les gars, ils sont en train de se palucher de savoir est-ce que je vais utiliser Ansible, Terraform, machin, etc. Ce que je leur dis à chaque fois, c'est, installer le cluster, c'est 1% du temps. Le plus important, c'est le run, c'est qu'est-ce que vous allez mettre dedans. Mais je le fais quand même, les gens le demandent. La track dev, c'est comment je déploie, c'est comment je travaille avec Kubernetes, comment j'arrive à débugger, comment j'arrive à aller chercher des logs, comment j'arrive à avoir même du monitoring. La plupart du temps, les gens savent même pas ce que c'est. Donc là, j'en donne ça. Mais la track la plus importante, que je fais le moins, mais la track la plus importante, c'est la track SRE. C'est de dire tout ce que tu viens de dire. C'est comment je maintiens mes applications, comment je le monitor bien, comment je fais mes upgrades, comment je j'audite ma sécurité, comment aujourd'hui, je fais ça. Aujourd'hui, un ops dans une boîte, ça devrait être la personne qui fournit des dashboards de reporting de l'activité qualitatif et qui aurait une discussion positive avec les devs sur le fait d'implémenter des métriques à la fois techniques et métiers dans l'appli qui cracherait des métriques. Tu peux les cracher en Prometheus, tu peux les cracher en StatZ, en JMX, je m'en fous. Nous, on fournit tous les modèles. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, graffer, un utilisateur s'est connecté. Mais juste ça, tu vois, cette action de login, il y a combien de boîtes dans lesquelles c'est fait ? Zéro. Parce qu'au lieu de ça, les mecs sont partis faire joujou. Alors, à qui fera du cube ? À qui fera du nomade ? À qui faire du machin ? Et moi, ce que j'offre aux gens comme techno, c'est un moment où ils ont plus besoin de faire ça. C'est-à-dire que ta traque de comment on gère le cluster, c'est pas un problème. Laisse les robots le gérer. Pourquoi ça marche pas comme cube ? Parce que ça n'a rien à voir. Nous, on fait de la hype au milieu du bordel. C'est ça qui est bien, c'est qu'à l'heure actuelle, et d'ailleurs, c'est le talk de Kessler Hightower à la dernière keynote de la KubeCon San Diego, et ben, il va dans ton sens. Il dit, et moi, ce que j'arrête pas de dire, arrêtez de vouloir proposer Kubernetes par défaut aux utilisateurs. Kubernetes, c'est un builder d'infrastructure. C'est que moi, si jamais demain, je voulais te concurrencer, j'utiliserai en brique sous-jacente Kube. Et mais... t'aurais aucune sécu, aucune perf, mais non, aucune rien, parce que c'est sur du conteneur. Mais non, Kata Container, ou n'importe quoi comme ça. Non, et je... Kata Container, ça ne règle pas tous les problèmes. Hein. Non, si tu voulais faire la même chose, il faudrait que tu réécris tout un runner. Mais c'est ce que t'as fait. T'as dû réécrire un runner. Bah, je le réécrirais en utilisant la sémantique Kube, mais juste en le utilisant. Le problème, c'est que la sémantique de Kube a été pensée uniquement pour un seul déploiement. Le jour où tu m'amèneras un modèle de runner propre, je te dirai, parlons-en. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul runner dans Kube, c'est de faire du conteneur. Et en fait, la sémantique de Kube est orientée uniquement là-dessus. Parce que Kube, c'est une solution pragmatique qui part de la base et qui a été remontée. Et en fait, aujourd'hui, quand je te dis, tu manipules des binaires et des numéros de port, t'as beau m'expliquer, c'est une modélisation, c'est pas une modélisation. T'as pas modélisé ton problème pour redescendre dessus. Tu me dis, moi, j'ai besoin de lancer des binaires sur tel port, et du coup, c'est ça que je mets dans le manifeste. Et en fait, si tu veux, ton problème, il est là. C'est que tu me dis, ce serait extensible. Fine, fais-le, montre-moi. Moi, aujourd'hui, j'ai analysé la sémantique du truc dans l'espoir de pouvoir utiliser le machin à la place de me faire chier à en maintenir un. Parce que moi, ça m'amuse pas du tout d'en maintenir un. Qu'on soit très clair sur l'opération, ça me casse les couilles. Parce que ça me coûte de l'argent. J'ai décidé de ne pas m'en servir. Parce que la sémantique du truc était pétée. Parce qu'encore une fois, c'est un modèle empirique qui n'a pas été monté d'après des gens qui faisaient de la vraie prod. La première version, c'était des gens qui, en fait, voulaient concurrencer. C'était des DevRel qui écrivaient ça chez Google pour concurrencer les gens de chez Docker. Et petit à petit, ça agrège. Mais il n'y a pas un moment où tu as un comité technique de gens qui se sont mis à penser le truc de façon à ce que ce soit bien pensé dès le début. C'est une accrétion. Donc, dans le tas, il y a des trucs bien. Je te dis pas le contraire. Et c'est pour ça qu'on va le proposer à nos utilisateurs. Parce que je pense très sincèrement que le plus d'usage qu'on aura, et ça peut te faire chagrin si tu veux, moi, l'usage qu'on me demande aujourd'hui le plus, c'est d'utiliser Kube pour pouvoir lancer le Helm qui permet de lancer OpenFace. Yes, c'est magnifique. Alors, OpenFace, ravi. Là, pour le coup, ils ont perdu si jamais ils font de l'OpenFace, mais bon, c'est... Mais donc les gens ne devraient pas faire d'Helm. Mais les gens ne devraient pas faire de machin et les gens ne font pas ça. Non, mais... Les gens font du OpenFace avec du Helm dessus, tu vois. Enfin, mais bien sûr, parce qu'on a une transition. Et moi, à l'heure actuelle, quand les gens... Jenkins demandent... X, tu vois, genre, des trucs géniaux, quoi. Ouais. Bah, Jenkins X, pour tout, une bonne techno. Bah, c'est bien... Sauf que c'est quand même hyper opinionated. C'est-à-dire que Jenkins X, si tu le fais pas tourner sur GKE, ça marche pas. Et si tu le fais pas avec du GitHub, même pas Enterprise, ça marche pas. Donc c'est marrant. Il y a de bonnes idées. C'est très amusant. Ah, mais ça va être bien. Tout le système. Non, pour l'instant, si tu veux, ça correspond quand même aux quatre startups dans la vallée. Non, moi je regarde Tekton. Moi je regarde Tekton surtout. Tekton est très intéressant. Mais pour l'instant, Tekton, ça marche pas. Ah, mais je suis d'accord. Je regarde Tekton, j'ai bien dit, je regarde Tekton. Ouais, non, mais si tu veux, comme tous les projets de la SNCF, on vend un jour, ce sera génial. On vend Prometheus, un jour, ce sera génial. Ok, je fais de l'agrégation de data dans Prometheus, j'ai 8 verres. Tekton, pour le coup, il n'est pas dans le SNCF. Non, c'est dans la CI Foundation, la CI Foundation. Non, non, je crois que c'est Tekton, pour le coup, comme KI Native, ça appartient à Google et ils ne veulent pas du tout le filer. Tekton, c'est... Fact-checking. Non, mais tu peux fact-checker, mais en fait, je suis sûr de mon coup maintenant. Moi, je fais une... La CI Foundation, en fait, Jenkins, avec quelques autres, ont lancé une fondation, mais c'est quand même beaucoup de Jenkins, CloudBees qui la pousse, et c'est une fondation autour du CI, c'est aussi une fondation fille de la Linux Foundation, machin, et Tekton est dedans. Non, alors, à voir, mais à mon avis, et à mes souvenirs, Tekton appartient encore à Google et ne veut pas l'affiler, tout comme Knative. Knative et Tekton, c'est les deux projets que Google a dit « No way, on vous le filera jamais ». Et c'était très récent, hein, ça, pour le coup. Hein. Mais je peux qu'ils avaient été intégrés dans... Parenthèse, Prometheus, c'est quoi le grief contre Prometheus? Parce qu'avant Prometheus, c'était quoi? Il y avait Centreon. Il y a eu un petit coup de Influx, mais Influx, ça vivote, même si c'est moyennement... C'est pas parce que tu prends toutes les technos de monitoring de merde que c'est vrai. Oui, aujourd'hui, c'est un énorme pas en avant. Enfin, pour moi, et c'est... Alors, je suis d'accord. C'est un énorme pas en avant si tu pars d'un fichier dans lequel t'écrirais tes trucs et tu ferais passer du grep dessus, c'est un énorme pas en avant. Il y avait quoi, le truc là dégueulasse qui faisait des trucs, des dashboards StatsD non, toi tu parles de... Et il y avait la réimplémentation de... C'était pas StatsD, mais ça sera non, Graphite. Non, on parle pas de Graphite. Bah, il y a OpenTSDB aussi. Shrinken ou un truc comme ça. Oui, il y avait Shrinken, mais ça c'était en Ruby, ça. Mais tout ça, c'est au-dessus de tout ce qui était Nagios et compagnie. Ouais. Mais oui, non, mais attends. Mais... En fait, le truc, c'est soit tu considères le marché des outils de monitoring, et là, pour moi, face à ça, les bonnes qualités, c'était du New Relic, des choses comme ça, closed source, tout ce que tu veux, mais très bonne qualité, soit tu considères le marché du Time Series DB. Et en fait, ce que tu fais, c'est de la Time Series et tu l'analyses. Et en fait, oui, ça veut dire que peut-être ça vient moins bundlé, mais je pense aujourd'hui que ce sont des solutions qui sont en dessous. Prometheus, les problèmes avec Prometheus sont simples. Si tu lui en colles trop dans la tronche, il est pas content, il se fait agréger, parce que le moteur de stockage de prom, il est pété. Ensuite, le moteur de stockage de prom étant pété, il n'est pas capable de prendre de la donnée qu'à plus de 4 minutes. Ce qui veut dire que si t'as un incident, et que t'as bufferisé ta donnée, au moment où tu remets tout live et où, la donnée arrive sur le serveur Prometheus, et t'as envie qu'elle aille sur le serveur Prometheus parce qu'en fait c'est ce qui va te permettre de faire ton forensic, en fait le serveur Prometheus te dit va te faire foutre, donc du coup tu pourras pas le faire de forensic, ce qui pour moi dans ce système de monitoring est assez rédhibitoire. Et après il y a le dernier point qui est plus un problème d'analyse. En PromQL t'as 8 verbes, moi celui que j'utilise c'est un truc qui s'appelle Warp10, il y a 900 verbes. Et quand j'ai besoin de faire de la mise de tendance, de la window tendancielle bucketisée, et où en plus je peux rajouter des notions géographiques parce que, etc., j'ai un truc qui tient la route. Mais Prometheus répond que la première brique qui est d'aller... Enfin, Prometheus n'a jamais voulu. D'ailleurs, tu dis que le modèle de stockage est pété. C'est juste, il est tel qu'ils ont voulu qu'il soit. Il répond qu'à un problème et un besoin qui est je le colocalise avec mes applications. Et après, derrière tout ce que tu dis d'analyse, etc., ça doit être fait par quelqu'un d'autre. Et ils l'ont toujours dit. Ça a toujours été le but derrière. En effet, c'est peut-être pas très... tu vois, il n'y a pas d'outils scientifiques en termes de... Mais parce que justement, ces trucs-là doivent être faits par quelqu'un d'autre. Extraire les données une fois qu'elles sont dans Prometheus, c'est peut-être plus... ça pose un vrai souci. C'est plus lourd comme opération. Encore une fois, on l'a testé, on a joué avec, on sait faire des choses, tu vois. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il y avait de l'engouement pour ce truc. Mais parce qu'il est bien meilleur que beaucoup d'outils et beaucoup plus pratique à mettre en place. Parce qu'en fait, dans la notion même de technologie et d'amélioration... PG, c'est moins la misère. Nous, on est au-dessus d'Hadoop. Après, je vais être franc avec vous, Warp10 aujourd'hui, c'est un Java moins jar, t'es pas obligé de le lancer au-dessus d'Hadoop. Nous, on le lance au-dessus d'Hadoop pour X raisons. Lié à notre charge, à plein de problèmes. Mais c'est, le problème, c'est comment aller chercher la donnée. Prometheus, la seule chose qui répond, c'est comment aller chercher la donnée. Son système de label, c'est quand même le truc super puissant pour aller chercher de manière. Mais c'est le service, discovery. C'est juste Prometheus plus service discovery, c'est tout. Ouais, après Prometheus. Moi, c'est ça sert qu'à ça. Prometheus, c'est le protocole où tu fais du pool, je suis toujours pas d'accord, mais. Mais parce, ouais, parce mais qu'il est pas fait pour c'est... ça. Il est fait après, il y a d'autres outils, il y a d'autres. Non, non, mais non, le pool, le problème du pool, c'est, il y a un vrai souci sur le pool. Le problème du pool, c'est que tu vas charger, en fait, tu ne laisses pas l'applicatif décider quand est-ce qu'il t'envoie de l'info. Et donc, tu vas le charger à des moments probablement incongrus. Et donc, en lieu de rentrer dans une gestion saine de ton applicatif qui, par exemple, peut être lié à ton GC, tu vas le charger à des moments qui sont incongrus. Le problème du pool, c'est que du coup, le mécanisme de pool peut être lui-même la problématique que tu repères dans ton monitoring. Ah, là où ton acceptation en push si, est moins... Ouais, alors, bon, c'est quand même des cas... Aux limites, je dis pas que c'est des cas impossibles, mais de là où ce soit ton monitoring... C'est des cas que j'ai rencontrés ouais. plusieurs fois. Oui, mais comme tu as dit au début, c'est ton expérience n'est pas l'expérience de tous. Ouais. Et à l'heure actuelle, Prometheus, oui, alors, pose des problèmes. Mais en gros, c'est comme à chaque fois, c'est une espèce de loi de Pareto. C'est-à-dire que si jamais j'arrive à résoudre 80% des problèmes, À un moment, enfin, soyons clairs, tu peux pas bucketiser. Dans Prometheus. Tu ne peux pas lui dire j'ai besoin de points bien réguliers pour me faire un joli graphe. Mais ça, c'est clair et net. C'est pas, oui, c'est, ça n'a pas été conçu. C'est quand même un souci. Si tu veux, aujourd'hui, quand tu as besoin de faire ça, tu ne peux pas faire de prédictibilité. Tu ne peux pas tracer des courbes. Tu ne peux pas suivre des courbes. Tu ne peux pas aligner. C'est pour ça qu'ils disent d'utiliser les compteurs et pas les jauges. Enfin, typiquement. Tu ne peux pas faire de prédictibilité dans Prometheus, ce qui est un deuxième problème. Et pour moi, le problème. Donc, il y a un problème d'accès à la donnée qui n'est pas computé. Et comme tu n'as pas de drain facile de la donnée de Prometheus, ça reste pénible. Et après, il y a un problème rédhibitoire pour moi, qui est l'histoire de forensique. Tu ne peux pas imaginer avoir un système de monitoring incapable de prendre des données d'il y a une heure. Je suis désolé, c'est pas possible. Parce que ça veut dire que tu n'as pas de forensique. Donc ça veut dire que tous tes événements sont incapables d'être compris. Même dans la Fédération. Mais même dans la Fédération, regarde comment fonctionne Prometheus. Mais enfin, c'est pareil. Enfin, pour avoir regardé et pour même l'avoir mis en prod pas mal de fois. Prometheus ne sait pas prendre de la vieille donnée, je t'assure. C'est lié à son modèle de stockage. Je te jure que Prometheus bounce la donnée qu'à plus de 4 minutes. C'est lié au système de stockage de prob. Et si tu le stockes ailleurs? Non, mais c'est dans le sens où il bufferise, ensuite il te crée des buckets de temps, et ensuite il te les compacte et il te fait des fichiers avec. En fait, et donc, si tu lui envoies de la vieille donnée... Une fois qu'il a flushé, il ne peut plus réécrire dans des fichiers sur lesquels il a déjà flushé. Et donc, d'accord, tu ne peux pas faire de forensic sur une infrastructure monitorée par Prometheus. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Tu peux me dire, oui, mais le forensic, on s'en bat les couilles. Et de toute façon, les mecs, à l'époque, ne faisaient pas de forensic dans leur infra. Donc, c'est déjà mieux. Je dis, OK, bah, il n'y a pas de problème. Mais si, en fait, tu sais très bien que ça va être la réponse qu'on a. Oui, mais en fait, je vous refais ma réponse. Oui. Une fois, on ne va pas défendre toutes les technologies médiocres. En fait, disant que les mecs faisaient pire avant. Mais c'est pas, en fait, elles sont pas médiocres. Elles sont pas médiocres, elles sont ultra utilisables. Voilà, c'est ça. Mais en fait, les autres. On a rendu accessible. Non. Très sincèrement, Warp aujourd'hui, c'est une technologie que je trouve d'une accessibilité. Oui, il faut prendre 2 minutes pour lire la doc. Oui, les mecs ont un problème parce qu'ils sont 8 dans la boîte et non pas 160. Et donc, effectivement, parfois, il faut aller voir un tout petit peu plus loin. Mais si, au lieu de passer son temps à taper de la queue comme un castor, à faire du rabattage sur tous les projets à la mode et qu'on allait s'intéresser 2 minutes aux technologies plutôt que de prendre les technos à la mode, ça pose un souci. Enfin, c'est quand même ouf. Je suis dans un podcast où vous définissez comme SRE et Ops, et c'est à vous que j'apprends que votre système de monitoring peut pas faire de forensic. Enfin, vous vous rendez compte du truc? C'est dramatique. Vous faites vos choix sans jamais regarder le code du machin. T'as lu le code de prom? Tu t'en sers pour faire ton monitoring, tu lis pas ton code. Enfin, c'est aberrant, vous pensez comment? Mais parce que parce qu'en fait, en gros, ça va répondre aux besoins qu'on a à un moment donné, qui est celui-ci. Qui est que si t'as un problème dans ton infra, tu n'auras aucune idée d'où il est. Mais non, parce que mais mon Prometheus, il est colocalisé avec mon infra. Et en gros, si jamais le Prometheus ne marche pas, c'est que mon infra marche pas, et en gros, les deux vont pas marcher. Donc en gros, les logs que je vais avoir ne servent à rien à ce moment-là. Donc clairement, moi, un Prometheus à l'extérieur d'un cluster cube, c'est une hérésie. C'est-à-dire que ton Prometheus, il doit être colocalisé avec tes applications. S'il lui arrive quelque chose, il doit lui arriver la même chose. À la limite, derrière, tu mets la Fédération avec quelque chose d'autre. Et oui, lui pourra avoir des problèmes à récupérer. Et encore, non, je ne vois pas. Sauf j'ai lui, l'impression que tu. Non, il ne fera pas de forensique. Non, mais lui, il ne fera pas de forensique, mais c'est. Tu reproches à quelque chose qui est communautaire, qui est déployé. Enfin, comment dire? Quelque chose qui est. La popularité de quelque chose, tu lui reproches sa popularité. Ça devient, au bout d'une certaine popularité, tu dis, mais merde, il n'y a que ça, il y a du battage, il y a du marketing. Alors certes, il y a beaucoup de marketing, mais je pense qu'il y a des réelles raisons. Le marketing est venu après. Moi, pour te dire, il y a 5 ans, parler de Kubernetes, C'était une paria. Enfin, c'était une paria. Moi, je me suis fait virer de boîte pour avoir parlé de ça, alors que les gars utilisaient des grosses merdes. Genre, c'est on a eu l'effet inverse, en fait. C'est-à-dire que maintenant, en fait, moi, j'ai été au début de la trend. Il y a un effet anti-inverse de mode, de rejet, qui est lié à... Il y a trop de popularité, c'est qu'il faut... Voilà. On passe à côté, d'autres choses. Arguments techniques mais tout à fait. Mais on est sur la totalité des là-dessus, trucs. Et vous avez dit, oui, je te comprends. Non, tout à fait. Et je suis d'accord. Mais... C'est moins moisi que ce qu'on faisait avant. Tout le monde n'est pas Clever Cloud. Oui, non, mais d'accord. C'est, mais dans ces cas-là, aussi. Pourquoi vous en parlez plutôt que... Enfin, vous vous rendez compte? Du coup, vous vous retrouvez dans des infras où vous passez un temps fou avec des gens, où en fait, on pourrait les remplacer par une install du soft et les mecs pourraient aller faire des trucs utiles. Mais avec vous êtes en train de comparer des gens à des grippins. Enfin, mais c'est le cas. Non, c'est le cas à l'heure actuelle. Et clairement, même pour connaître des gens qui passent d'un pass à Kubernetes, clairement, ils gagnent du temps. C'est le cas à l'heure actuelle. Et ben ouais, on pourrait. Ils étaient sur quoi? Ils étaient sur Heroku. Ah bah voilà. Et mais c'est. Non, mais ça, c'est l'énorme problème. Mais j'ai écrit un article un jour qu'on n'a jamais publié chez Clever, qui est le plus gros problème du pass, ça a été le demi-succès d'Heroku. Parce que le plus gros problème du pass, c'est qu'Heroku a fait un tel toy de Fisher Price que pour l'éternité, ce sera un toy. Et c'est pour ça que maintenant, nous, on dit qu'on fait de l'IT automation, qu'on dit qu'on fait de la AI augmented DevOps, c'est parce que le terme de plateforme as a service a été tué par les seuls gens qui ont fait un peu de sous-tu. Mais ils n'en ont même pas fait beaucoup, ils en ont fait un peu. Et oui, c'est un drame. Pour autant, si tu veux, prenons le nombre de conteneurs, de systèmes de conteneurs et d'opportunités de conteneurs qui merdouillent. C'est pas parce qu'il y a un pass qui a été mauvais que non, c'est mais pas bien. La question, c'est ce que les c'est mecs étaient sur Heroku, mais viens tester du Clever à la place. Tu vas voir, c'est du one drop, t'en entendras plus jamais parler. Mais non, parce qu'en fait, ils ont besoin d'avoir une infra. Tester. En fait, non, mais en fait, le truc, c'est que par exemple. Du Clever, t'as déjà testé? Non, je vais tester. Non, mais le Clever Cloud, le problème, moi, je trouve ça vraiment génial. Moi, je suis pour l'hétérogénéité des solutions, c'est-à-dire, en fait, un problème, sa solution. Des gens qui me disent, j'ai besoin de faire tourner qu'une application que j'ai codée moi-même, que je sais comment elle marche, etc., et que j'ai pas envie de me faire chier avec les briques sous-jacentes, je vais sur Clever. Je sais que mon truc restera toujours accessible dans le cloud, etc., de par les internets. Très bien. Moi, tu peux l'avoir on-premise aussi. Oui, mais moi, mon on-premise dans un avion, je ne vais pas mettre du Clever Cloud dans un avion, en fait. C'est quoi, en fait, mon prérequis pour le faire? Là, moi, je te parle, c'est 4 machines ARM. 4 machines ARM de... Aucune raison que tes machines ARM marchent pas chez nous. On a une version où on a fait du ARM. On n'a jamais lancé d'offre commerciale parce qu'aucun client n'a jamais eu envie de faire tourner du ARM. Est-ce que tu as une offre... comment on appelle ça? Edge? Non, c'est cloudé. Pour l'instant, c'est chez nous, mais ça va arriver. Soit du airgap. Non, toi, en fait, c'est du airgap. Edge. On a airgap, c'est-à-dire, j'ai pas une connexion qui est fiable. Exactement. En fait, ce qu'on est en train de pondre sur cette solution-là, c'est une solution qu'on base aussi sur notre function as a service. Donc, notre function as a service, nous, on boot une machine virtuelle pour chacune de tes exécutions de fonctions pour te permettre une isolation pure. À la AWS. Ah, c'est des lambda, pas à des exécutions de fonctions. À la AWS, il te boote ton temps de lambda, parce que Firecracker met 135 millisecondes à peu près à booter ton appli, et après, t'as le problème de ton appli, parce qu'en fait, ils sont restés dans un système autre. Ouais, moi, c'est pas des lambda. Autre. Oui, non, mais nous c'est autre chose. Enfin, on exécute du wasm. En fait, nous, on a un unikernel, et c'est compliqué. J'ai donné un talk là-dessus au Blend de Lyon, si vous avez envie de voir, et puis on pourra revenir pour que je vous explique ce qu'on a fait là-dessus. Mais on se construit là-dessus. On se construit sur un système de bufferisation qui a été construit justement pour des cas de Edge. Le produit aujourd'hui, il n'est pas prêt, mais il est construit justement pour des gens qui font de l'IoT avec au cœur un système de réacteur d'IoT capable de faire de l'autocompute. Mais en gros, toutes les technologies que tu as faites, etc., elles sont vraiment géniales. Enfin, je te linkerai des articles que j'ai fait justement là-dessus pour expliquer les unikernels à des gens qui ne savent pas ce que c'est, et de dire vous devriez en faire, etc., vous devriez en faire plus. Moi, je ne dis pas aux gens qu'ils devraient en faire. Hein. Je pense que c'est une assez mauvaise idée, les trois quarts du temps. Mais... Oui, les trois quarts du temps. Mais c'est extrêmement amusant à faire. Voilà, mais même, juste de savoir même juste que ça existe, en fait, déjà, ce serait bien. Moi, en fait, j'ai même un article pour te dire Kubernetes n'est pas ce que vous pensez. Et la première chose que je dis, c'est que je réhabilite la virtualisation et j'ai tout un article entier qui réhabilite là-dessus en disant arrêtez de penser que c'est lent, arrêtez de penser que c'est de l'overhead, arrêtez c'est de même penser plus que rapide. C'est... Oui, bien sûr, mais je le dis. Et voilà, et je le dis là-dessus pour plein de raisons. Moi, KSM, alors il y a plein de problèmes KSM, mais j'aime bien KSM. Je trouve l'idée de KSM génialissime. Alors, KSM, c'est kernel... Same memory ou un truc comme ça. Enfin bref, ça vous permet de booter sur une même machine plus de VM avec plus de mémoire que la capacité totale. La memory ballooning dans le kernel, on va. Il y a aussi ça. Nous, on l'utilise. Non, il y a même en plus le ballooning. Donc ça, c'est encore en plus. Mais la seule chose que nous faisons par contre, c'est qu'on fait du copy and write sur la RAM. Mais c'est ça, c'est KSM qui fait ça. Non, ouais, non. Nous on le fait pas avec KSM. Ouais. KSM est un peu pété en perf. Mais... Oui, bon. Mais on le fait au niveau de l'hyperviseur. Mais vous avez des solutions. Donc en fait, c'est. Tu as fait dans ta boîte un peu ce que j'aurais rêvé faire il y a de ça 5 ans, on va dire, là-dedans, ou je sais pas. Et c'est vraiment très bien. C'est vraiment une chose où vous avez pris les problèmes en manière ingénierie, vous les avez fait avec les technologies disponibles à ce moment-là, et vous les avez fait bien, et vous avez répondu aux choses. La preuve, votre solution, elle tourne. Voilà, moi c'est ça. Moi, ma question, c'est encore et toujours maintenant, quelqu'un qui, aujourd'hui, 2020, se pose ces mêmes questions-là, avec zéro, avec rien, c'est-à-dire il n'a pas déjà codé son kernel, il n'a pas déjà sa distribution, il n'a pas déjà tout ça, quels sont les choix qu'il peut prendre? Et bien en fait c'est là, et moi c'est là où j'interviens le plus longtemps, et c'est là en fait que tout le monde arrive. Quelles sont les solutions qu'ils peuvent prendre? Et bien Kubernetes, peut-être pas parfait, mais en tout cas ça répond instantanément à une tonne des problèmes qu'ils ont, et ça leur permet d'aller vite. Modulo aller chez toi en plus. Bah, c'est ça un peu. Mais je suis d'accord. Un peu, à un moment, si tu veux. Mais ta solution, je peux pas tout mettre dans ta solution. Moi, je suis pas sur le cloud, je fais comment. Mais par exemple. Encore une fois, on a une solution, un problème. Mais au-delà de parler de ce que nous, on fait, c'est. Vous vous rendez compte qu'en passant notre temps à parler à ça, on assassine tous les autres projets. C'est-à-dire que tous les autres projets aujourd'hui intéressants, ils ont du mal à vivre. Parce que, comme on répète en boucle des trucs, et tu vois. Il y a des technologies. Comme quoi, par exemple? Comme quelle technologie? Parce l'attention, que la surattention et la sur. C'est ça que tu regrettes au final. Mais bien sûr. Ouais. Parce que la plupart des gens qui en parlent ne l'ont jamais lancé. Parce que tu vois, on leur dit en permanence, le go-to, ce serait ça. Et tu vois, on a une discussion là, je t'ai donné tous mes points sur le pass, et tu me dis effectivement, pour faire un pass, peut-être pas ce qu'il faudrait. Ou alors il faudrait recoder. Et à l'heure actuelle, même, je parle par exemple par rapport à Cloud Foundry, parce que j'ai beaucoup de Cloud Foundry. Faut remettre. Genre, je préfère Cube, mais 1000 fois Cube. Oui, non, mais Cloud Foundry, enfin. Oui, mais c'est ça, en fait, c'est si, mais en fait, à l'heure actuelle, il n'y a pas de technologie qui, à l'heure actuelle, est un tant soit peu concurrente. Moi, je pense qu'il faut regarder d'où partent les gens, d'où partent les IT, d'où partent les infrastructures, et elles partent. D'un niveau, mais ras des pâquerettes. C'est pour ça qu'on. Oui, mais c'est pour ça qu'on vend. Moi, j'ai des gens qui backup des MySQL avec des AirSync. Et encore une fois, la solution du cloud n'est pas systématiquement pertinente, loin de là. Donc, On te pense que le TCO global, il est meilleur ailleurs. Mm-hmm. Et par ailleurs, si tu veux, quand tu regardes. J'essaye d'expliquer pourquoi. Il y a cet engouement, pourquoi il y a cet auto-marketing. Je comprends où est-ce qu'il y a l'engouement, mais en fait, l'engouement, il est quand même essentiellement lié au budget marketing qui ont été dépensés dedans. Et le fait que, du coup, dans l'infrastructure, tout cynique, le monde se sauve. C'est un peu cynique le budget marketing, il a été mis à partir du moment où ça a commencé à marcher. Et vraiment, pour l'avoir vécu il y a 5 ans, mais alors vraiment, pour l'avoir vécu. On était dedans aussi, hein. Vraiment, le budget marketing était à zéro et nous on galérait, mais genre pour tout. Mais vraiment. Non, mais attends, ok, toi tu l'as vécu dans ta boîte. En France. Non, mais oui. Toi il y a 5 ans tu l'as vécu dans ta boîte ici en France. C'est pas ici que s'est joué le match sur Cube. Oui, le match il s'est joué dans 4 pâtés maison à San Francisco et je te jure que là le budget marketing il a été mis. Il n'y a pas de discussion sur le sujet. Et le budget marketing qui a été mis sur Cube il est délirant et aujourd'hui, soyons très clairs sur Cube. Cube, c'est la seule chose qui permet à Google de continuer à dire qu'ils ont un pied dans le cloud. Parce que la réalité du cloud aujourd'hui, c'est 47 points à Amazon. On pourra finir sur le... Ouais. C'est 47% à Amazon, 25% à Azure, 3% à Google. Et aujourd'hui, ça ne s'appellerait pas Google, on n'en parlerait pas. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est même d'ailleurs l'annonce qui a été plus ou moins. Il n'y aurait pas ça. On ferait quoi? On ferait du swarm, on ferait du nomade. Enfin, il y aurait d'autres solutions. Mesos, ou alors on ferait aucun de ces trucs-là et on aurait eu des gens qui auraient créé des solutions intéressantes. Mais non, justement, c'est la solution intéressante. L'idée, c'est quand même. Enfin, l'idée d'avoir un standard qui est commun à tout un corps de métier. C'est intéressant, ça a de la valeur, ça a de la valeur pour c'est les. C'est pas un standard, c'est un paquet de scripts. Non, c'est ça devient un standard. Ça l'est de facto. Je dis pas que c'est une norme, c'est un standard. Très sincèrement, moi, pour l'instant, le seul standard que je ressens dans Cube, c'est Helm. Ah et je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Non, du tout. C'est celui qui est le plus bâché, etc. Mais vraiment, la communauté. Non, dans la communauté. Mais celui que je vois utilisé par des gens à l'extérieur le plus, c'est des gens qui me disent c'est génial, on va lancer du Helmscript. Non, mais Helm, ce qu'il fait à la fin, c'est qu'il génère des manifestes. Moi, ce que je peux faire, c'est qu'à la fin, même il peut faire la merde qu'il veut, il ne peut pas écrire sur un node. Il peut attaquer un cluster. Ce qu'il fait, c'est qu'il génère du YAML que je. Voilà. Je fais quelque chose avec ce YAML-là. C'est un générateur de YAML avec tous les problèmes qu'il a derrière. Mais alors vraiment, il a changé. Non. Non, il génère toujours des YAML. Mais il fait toujours avec un template. Et ça, la communauté n'en veut dans pas. Dans des zips. Des YAML dans des zips. Non, ça c'est encore non, une fois. Non, la génération, la fin, moi, la fin du fin du fin, ça fait obligé, des YAML. Enfin, je suis obligé, ça... parce que tout le monde est un peu obligé forcément de manipuler du YAML quand on fait du cube. Nope. Donc si, il y a plein d'opérateurs. Enfin si, après... Si... Oui, après tu l'installes, ouais. C'est genre, voilà. C'est tout. Mais je manipule pas des targets Z, je maintiens ces forks, quoi. Plus ou moins, après... on fait des gestions de dépendance. Mais donc, regarde... du coup, tu maintiens, tu fais des gestions de dépendance. Moi, en fait, si tu veux, encore une fois, je vous dis pas le contraire. Je vous dis, je pense que cette techno est flow à la base. Donc voilà, vous me dites, non, il y a des trucs intéressants, c'est moins moisi que ce qu'on faisait avant. Ok, en fait... j'admets. C'est moins moisi que vous faisiez avant. J'étais pas avec vous, peut-être. Je pense que c'est pas le futur. Ah, mais ça l'est pas. Oui, mais le problème, c'est qu'à force de nous casser les couilles avec ce truc-là, on est obligés tous de l'intégrer. Tu crois quoi? Qu'au moment où moi, je l'intègre dans mon... Enfin, tu vois, genre, on est 17 hein, chez Clever. Mm-hmm. Au moment où je mets deux gus à intégrer ce machin-là, très concrètement, le projet qui est passé à la trappe, c'est le projet de description sémantique de service. Ça, c'est la réalité chez tous les gens intelligents. Tu crois quoi? Que les gens qui ont fait des opérateurs Elastic, c'était pas des gens brillants chez Elastic? On est partenaire Elastic. On va bientôt lancer l'offre. Gardez ça pour vous, entre gens qui écoutent le podcast. On est partenaire. On discute avec ces gens-là. Les gens qui font ça sont des gens brillantissimes qui auraient pu faire à la place des choses utiles. Bah. Et en fait, aujourd'hui, on a tous les éditeurs, on a une taxe Kubernetes qui est réussir à faire tourner plus ou moins notre merdier dans ce bordel. Non mais arrêtez pas. Alors, on aurait pu trouver un truc mieux, on aurait pu aussi trouver un truc pire. Et vu comment est fait Kubernetes, et surtout quand tu as cité l'exemple d'OpenStack, c'est qu'en vrai, des bonnes technologies qui sont bien sorties, etc., des gens qui pensaient que leur technologie était bonne et qu'en fait elle était toute moisie et qu'elle ne marchait pas, il y en a eu plus que ce qu'on peut imaginer. Et j'en suis passé par plein, des gens qui ont essayé de réinventer la roue comme ça. Enfin, tu vois, c'est le cas de chef, j'adore cette technologie-là, mais tout le monde en a fait de la merde. Et c'est pas un problème de chef. C'est un problème de plein d'autres choses. C'est un problème de chef, c'est du scripting. Le scripting, c'est du binaire. Le binaire, c'est la mort. En fait, l'affaire est toujours la même. On prend le truc. Chaque fournisseur... je reviens au bare metal. On va chez OVH, on va chez n'importe quel mec qui fournit du bare metal. Il y a une interface web. OK, on va la pédifier. Chacun, il va se dire, OK, moi, je vais fournir une espèce de scheduler de machine physique et on va avoir un X par provider, X API. On fait la même chose avec les VM. On va avoir plein de mecs qui fournissent des VM avec chacun qui fournit son scheduling et machin. Enfin, il y a un intérêt à avoir quelque chose de commun, que ça soit OpenStack, que ça soit Cube, oui, mais ça que fournit ça soit... pas des VM. Non, mais on gardera. On arrive les CSI. En fait, le côté concept, positif. C'est là, Kubernetes, tu craches sur Kubernetes en disant ça m'emmerde. Il a créé CNI. Il a créé des choses, mais absolument génialissimes. Même si jamais demain on érase Kubernetes, on gardera les CNI. T'es en train de te dire. Je veux dire que quand Kubernetes, on s'en débarrassera enfin, on aura le legacy de ce machin. Mais non, c'est pas du legacy pour le coup, c'était bien pire avant. Je termine juste. C'est. Tu es en train de regretter qu'on te force à mettre Kubernetes, mais si il y était pas, tu devrais provider un truc fait maison, imaginons un fait maison ou autre, qui serait complètement différent des autres. Ou alors un truc open source qui fonctionnerait pour tout le monde parce qu'on aurait pu faire un format potable. Mais on aurait pu, mais personne n'a réussi. En fait, on ne l'a pas réussi parce qu'on était embêté. Voilà, c'est là où on n'est peut-être pas d'accord. Kubernetes est arrivé déjà très très tard par rapport à ce qu'il aurait dû. Il arrivait déjà 15 ans après que Kubernetes a commencé. Une mise en commun. Alors certes, c'est pas une mise en commun. Mais c'est pas du tout une mise en commun. Mais en quoi c'est une mise en commun? Aujourd'hui, j'ai pas le droit d'aller contribuer dans Cube. T'as fait autre chose. Enfin, tu vois, au bout d'un moment. Non mais attends, qui a le droit d'aller contribuer dans Cube aujourd'hui? Mais qui a le droit de contribuer dans Nomad? Qui a le droit de contribuer dans OpenStack? Qui a le droit de contribuer? Je suis pas en train de dépendre Nomad. J'ai jamais dit que Nomad c'était bien. Et j'ai jamais dit qu'OpenStack c'était bien. Je te rappelle que je suis rentré dans mon bureau un jour et j'ai dit à mon équipe. Bon, ce machin-là, dans un mois et demi, on l'a dégagé. Enfin, ok, c'est pénible, ok, c'est pas de couilles, mais... Mais en fait, tu n'as pas l'impression que ça sent la même chose. Je veux dire, ça sent tellement la même chose que je me souviendrai toujours la première .scale. La première .scale, la conf d'ouverture, c'était moi. Et j'ai fait toute la journée après. Je crois qu'on y était. L'avant-dernière conf, c'était Solomon Hicks, qui pendant... 30 minutes nous a parlé de l'industrie de la logistique alors qu'il y connaît que dalle en racontant des conneries. Et pendant 10 minutes, nous a dit, j'ai fait la même chose. Et vous allez voir, c'est des mini-VM. Et là, il a enchaîné une série de demi-mensonges technologiques. Je lui en veux pas, il vendait sa boutique. Fallait qu'il sauve sa boîte, qui était Dotcloud à l'époque et qui n'avait pas fonctionné comme PaaS. Et du coup, il faisait ça. Et à sa sortie, je lui dis, je vais implémenter ton truc sur mon machin, on s'entendra. Et c'est pour ça qu'on était le premier cloud à sortir. Et le talk suivant, c'était le mec de la d'OpenStack qui nous a décrit que le projet OpenStack, ça allait être génial parce que c'était Chaos Driven Community. Non, il faut quand même le dire sans trembler des genoux. J'aime bien. Le foutage de gueule absolu de ce machin-là. J'aime bien. Et t'avais toute la pièce qui applaudissait en disant que c'était génial, et moi qui étais consterné en disant « Mais les gars, ce truc est une énorme daube !» Et tu parlais à n'importe qui était dans la pièce, tu disais « Ce truc est une catastrophe !» Il disait « Mais non, c'est le futur, tu t'en es déjà servi ?» Non. Non mais... Et aujourd'hui, Cube, c'est la même chose. Non. Qui pense que Cube est le futur? Qui s'en est déjà servi? Ah, t'as encore quelques mains debout. Oui, et là, tu fais « Mais pas sur Minicube ?» Mais on prend pas de risque à dire qu'un truc va se casser la gueule. C'est pas vrai. Et là c'est un énorme problème qu'on a, c'est qu'à l'heure actuelle, personne ne dit qu'ils sont sur Cube, parce que tout le monde se dit, putain, ça fait 5 ans que ça existe, je vais pas dire que j'y suis, sinon je vais passer pour un bolos. 2015. Ça fait 5, oui. Non, 2020, c'était 2014, c'est juillet 2014, la première release. GKE, c'est novembre 2014. Il y a encore plein d'API qui sont taguées bêta, donc. Mais c'est pas grave, ça vient par-dessus. Les API bêta, mais il y en aura toujours, en fait. À chaque fois, il y en aura. Et c'est pas pour rien. Mais par contre, le pod, il a jamais été bêta. Le pod, l'unité de base, il a jamais été bêta. Le réplica 7. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est prends un binaire, lance-le. Non, mais le réplica 7 n'a jamais été bêta. Ouais, enfin, on s'en sert plus. Le deployment, il utilise le réplica 7. Okay. Mais oui, parce qu'en fait, c'est basé sur des bases. C'est la même chose que quand on avait le JCP qui nous expliquait, mais non, mais vous ne faites plus des samples. Pourquoi pas? Moi, je fais pense. Faites des JSP! Et t'es là, genre, mais les gars! Et résultat des courses, on en parle de l'état de JEE5. De l'état de Java Enterprise Edition. Vous voulez vraiment qu'on ait cette discussion-là? Parce que ça avait pas cette vocation. Mais ça avait complètement cette vocation. Non, ça avait pas cette vocation-là. De gérer l'infrastructure. Ça gérait une application et son contexte. Mais bien sûr que ça gérait les enterprise patterns de la vision SOA, Ménois, Chagadat, soin de soin. Okay. Non, franchement, ça allait beaucoup plus loin que être capable de faire un run sur un binaire. C'était Java Enterprise Edition. Et donc, si vous voulez, à un moment, quand je vous dis on n'apprend pas des erreurs du passé, pour moi, on est dans les mêmes contextes. Et quand on me dit, mais si c'est un standard, tu peux le réimplémenter, t'es là genre, bah, il y a déjà des implémentations. Non, bah... Il y a quand même cette... Il y en a d'à peu près tous les composants à l'heure actuelle. Sauf les PI serveurs, je connais des implémentations d'à peu près tout. D'à peu près tout. Des vrais implèmes. C'est une implème ou c'est... Plus ou moins, oui. Est-ce que Virtual Kubelet, c'est une implème? Bah non. Bah, ça reste quand même... Non, mais il manque la moitié de l'API. Enfin, c'est comme si tu dis... Ça dépend du back-end derrière. Genre, en fonction du back-end derrière, il peut manquer des choses. Parce que les casses à l'heure actuelle sont merdiques. Et moi, je galère. Moi, par exemple, je suis pour Cube Nonless. Voilà, tu vois, moi, mon truc, c'est qu'à l'heure actuelle, j'en ai ras le cul. Je me suis battu pendant 5 ans pour dire aux gens, arrêtez de dire master sur Cube, c'est un control plane, allez tout faire foutre. Moi, tu vois, même en technologiquement, je suis dans la même chose que toi. C'est que moi, ça fait 3 ans que je dis Kubernetes, c'est un control plane, il faut le booter comme un control plane. Arrêtez de penser tout un cluster avec des masters et des slaves, enfin, avec des masters et des workers. Et je dis, c'est pour ça que je disais, mettez Kubernetes dans des Kubernetes, parce qu'il va savoir vous le gérer, ou dans des nomades, ou dans je sais pas quoi. D'ailleurs, j'avais commencé à coder une version nomade. Tu sais que c'est ce qu'a fait OVH. Hein. Oui. Deux ans après que je l'aurais dit. Absolument pas. Ah bah, si. Bah non. Bah pour le coup, je suis allé voir les équipes à la KubeCon, je leur ai dit, mais regardez, j'ai ce projet-là qui était fait. Pourquoi t'es pas venu nous voir? Et parce que j'étais allé voir tous les gens que je connaissais d'OVH, qui étaient des gens marketeux, et qui sont jamais allés le dire aux gens techniques. Bah, les gens techniques qui ont fait Cube à OVH, je les connais bien, ils ont repris le projet assez tardivement avant son delivery. C'est des gens qui ont fait un très bon boulot. Après, globalement, c'est du Cube. Enfin, c'est du Cube dans Cube. Avec tous les problèmes que ça a généré. Franchement, je pense que t'as pas idée des problèmes que ça a généré. Un nombre de conséquences, encore une fois, à exécuter des process de gens, enfin, des process qui devraient pas être sur les mêmes OS. Cube dans Cube, un truc ultra important. Si jamais ils ont mis les runners dans Kubernetes, je te promets que c'est des, Ils ont pas mis les runners dans Kubernetes. Le control plane, pour le coup, il est complètement isolé. Tu peux le mettre dans un Kubernetes ou dans n'importe quoi. Eh ben non, c'est un peu plus délicat que ça. Je vais pas raconter à leur place. Et en plus, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est plus délicat que ça. Il y a SAP qui le fait aussi depuis bien plus longtemps avec Gardener. Et je pense que les mecs ont rencontré d'autres problèmes qu'ils ont résolus autrement. Je te dis mais pas Gard- ça. Gardener, je te dis que c'est plus. Non mais peut-être, mais je te dis que c'est non, plus compliqué pas, que ça en a l'air. Mais non, mais on peut pas. Enfin, tout ça, c'est des choses qui se règlent. Et vraiment, et oui, il y a des problèmes, mais comme nous, tout... on va pas le faire comme ça, par exemple. Bah, pour le coup, enfin, c'est dommage, mais c'est on a déjà un orchestrateur qui marche très bien. Alors, mettez-le dans un... Non, mais je t'ai dit, avec Nomad ou quoi que ce soit, mais le control plane Cube, encore une fois, mettez-le ni dans l'un un ni l'autre. ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et c'est probablement là où vous ne comprenez pas, pour moi, le problème du scheduling et de l'orchestration aujourd'hui, et ce que je reproche le plus à ces technos-là, c'est qu'elles pensent que tu peux faire de l'orchestration sans connaître le contexte. Or, ce qui fait que nous, ça marche, c'est qu'on fait de l'orchestration qui comprend le contexte. Mais ils le disent, c'est vraiment tous les gens qui vendent des orchestrateurs closed source sur Cube, c'est ce qu'ils disent. Parce que le scheduler, c'est le projet le plus bâtard de tout Kubernetes, c'est le truc où il y a le moins d'investissement, parce que tout le monde sait que c'est compliqué, et qu'on laisse la communauté Kubernetes est le projet le plus... comment dire? Donc en fait, il faut réécrire ce truc-là aussi. Mais tu te rends compte? Mais c'est pas le réécrire, c'est qu'en fait, en gros, ce que dit Kubernetes, c'est on ne veut pas devenir OpenStack, on ne veut pas faire des choix à votre place, nous on a une implémentation qui marchotte pour l'instant, hyper simpliste, parce qu'on ne veut pas, mais un peu à la Go, un peu à des choses comme ça. Pareil pour les paquets dans Go, et tout le... C'est genre, Google disait, nous on sait pas faire du packaging, on sait pas faire du versionning, parce qu'on a notre monorepo, donc on fera pas. Sortez en erreur. Faites-le vous-même, et une fois que ça marchera, on essaiera peut-être de l'intégrer dans Go. Et c'est ce qui s'est passé. Bah, Kubernetes, c'est exactement la même façon. Avec un grand succès. Hein. Bah ouais, Go, bah oui. Ça s'est super engueulé, ça a été le fumier. Aujourd'hui, c'est la pénibilité absolue de faire du Go à cause de ce système. Google n'a pas du tout dit ça. Parce que quand ils ont lancé Go, j'étais là. Les mecs ont dit non, le système de gestion des dépendances, on a résolu le problème. Non. Alors là. Et j'étais là, genre, vous avez fait quoi? On n'en a pas. Oui. si, je t'assure que c'était ça la conf d'entrée. Que des gars disent ça, mais les issues que j'ai pu voir là-dessus, parce que pour le coup, ça a été un débat. Alors, ils ont changé leur fusil d'épaule il y a un an et des bananes. Non, tout comme sur les. Quand on faisait du glide, c'était quoi? C'était en 2015. Au début, ils nous expliquaient que ça servait à rien. C'était bien. Ils disaient, on sait pas faire. Genre vraiment, quand tout le monde leur proposait des trucs, ils disaient, nous, on sait pas faire. Mais Kubernetes, c'est pareil. C'est le projet le plus, rétrograde, campé sur ses acquis. C'est qu'à l'heure actuelle, inclure une fonctionnalité dans Kubernetes, ils ne veulent pas. Ils disent, maintenant, on a fait un système extensif, faites-le ailleurs. Si un jour la communauté arrive à converger dans une solution, on l'intégrera. Mais, pour l'instant, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est dur de coder dans Kubernetes, c'est qu'ils enlèvent du code. C'est un fucking political hell. Non, c'est que... Mais oui, mais c'est extensif à l'infini. Imagine ce qui se passe. Linux se passe pas du tout comme ça, je suis désolé. Linux, ça marche très bien comme projet. Mais bien sûr, tu peux débarquer et contribuer. Là, il faut que tu arrives à envoyer l'email au bon mainteneur du bon subsystème, etc., dans la bonne mailing list. Et juste ça va, il y a une doc, je suis de la lire. Hein. Enfin, il y a un moment, faut se prendre par la main. Oui, c'est pas accessible au tout venant non plus. Dans l'autre cas, si tu veux, il y a un cas où la méthodologie demande apprentissage. Dans l'autre cas, on ne va pas prendre ton commit à cause de ta tronche. Je suis désolé, dans un cas, c'est de la politique, dans un autre cas, ça demande ton apprentissage. Effectivement, les patchs par mail, c'est un sujet dont on pourra vaguement discuter si on veut. Moi, écoute, franchement, je suis pas un grand fan du patch par mail. Mais, si tu veux, c'est comme ça, ça marche. Kubernetes, c'est juste qu'à l'heure actuelle, Kubernetes ne veut pas devenir OpenStack. Et c'est d'ailleurs, pour le coup, c'est vraiment un truc OpenStack, c'est on n'intègre rien. On retire du code ou on n'en fait pas plus. C'est vraiment ça. À l'heure actuelle, Kubernetes n'intègre plus de nouvelles fonctionnalités. Ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent non bêta des tags qui étaient bêta sans rien changer. Mais il n'y a pas d'évolution. Mais c'est de la politique. Mais non. Regarde comme moi je vois le bordel. T'as un truc qui est tenu par une boîte. Bon, c'est son seul lien sur un marché dans lequel ils ont dit qu'en 2023, s'ils faisaient pas réellement de l'argent, ils disparaissaient. OK. Donc c'est quand même un vrai souci. Ce machin, tout le monde en parle. C'est hype. Ils ont moins de la moitié des contributeurs, moins de la moitié de toutes les places dans le SIG. C'est pas la question. C'est eux qui sont dans la tête de tout le monde. Tu dis Kubernetes, tout le monde pense à Google. T'as toute la SNCF autour. Et dans la SNCF, t'as essentiellement des startups qui ont été créées, qui sont financées par des VC, dont l'objectif est qu'un jour, ça rapporte du cash. Et ces gens-là se battent pour prendre chaque segment de management de ton infra sur des projets open source avec des versions entreprises ou whatever. Et tous ces gens-là s'engueulent dans l'objectif qu'un jour, le tas de pognon que ça générera, ils arrivent à se le partager. Et donc, tu passes essentiellement du temps à faire de la politique. Bien sûr, mais comme dans tout projet humain. Moi, je suis désolé, c'est pas mon kiff. En tant que développeur open source. Non, mais la politique avec Linus, elle est énorme aussi. C'est très bien que le personnage est un personnage hautement politique. ZFS. Juste là, à l'heure actuelle, tout le truc sur ZFS, comme quoi Linus n'intégrera jamais les patchs ZFS tant que t'as pas le manager de VMware CFO d'Oracle. qui met sa couille dans un timbre. ZFS est un problème largement plus élevé que juste Linux. Si ZFS n'a pas été intégré au démarrage, non, c'est quand même que ZFS on Linux, c'était de la daube à la base. Ça ne marchait pas. ZFS est génial dans Solaris. Ça a mis du temps à être propre dans Linux. Aujourd'hui, ça ne sera pas ajouté facilement parce que sinon, ça va finir, comme d'habitude, par une grande annonce et un truc pas propre. Pour que ce soit intégré propre, il faut du temps. Moi, j'ai entendu beaucoup parler de politique dans Linux, j'en ai quand même beaucoup moins que dans d'autres projets. Okay. Node est un projet où la politique, enfin entre les forks et réunions, ça a été l'enfer. On l'a vécu nous en tant que mainteneur, ouais. OpenStack, la misère absolue en politique. Moi, j'étais obligé d'envoyer mes commits aux gens de chez Canonical pour qu'ils les resignent et que ça passe. Pendant ce temps-là, on avait les gens de chez RxP qui disaient c'est ce qui tourne en prod. C'est bizarre parce que moi, le code source qui me permet de savoir s'il y a assez de RAM ou pas sur la machine pour booter une machine virtuelle, je l'ai écrit il y a 3 jours. Donc tu pourras me faire croire tout ce que tu veux. Soit tu me dis Crackspace, ne check pas s'il y a assez de RAM ou pas pour booter une machine. Soit c'est peut-être pas ce qui tourne en prod en fait. Hein. Ce serait peut-être un peu du foutage de gueule. Donc ça, tu vois, c'est quand même la réalité d'OpenStack, tu vois, au moment où on en parle. Et pour moi, Cube, c'est la même. On me dit c'est Cube. Non, mais ça, c'est GKE. Ah oui, mais GKE, c'est Cube. Bon, c'est Cube, sauf que les diffs. Si tu veux, quand t'envoies des machins et que tu les reçois si tu fais les mêmes choses entre du vanilla et du machin, t'as pas les mêmes payloads. Moi, je veux bien que ce soit la même chose, mais a priori, c'est pas le même code. Ah non, mais nous, on a tout le temps parlé d'API, mais c'est pas le même code, mais on le sait. Mais de toute façon, ça oui, mais du coup, comme c'est pas les mêmes payloads, en fait, les API sont slightly different. Et t'es exactement dans la même histoire. T'es l'histoire du comité Java, avec des gens qui disent, on respecte l'API-ish. Et donc, du coup, on va mettre en place un TCK. Donc voilà, on a le TCK Kubernetes Certified Tagata. Et maintenant, pour chaque module, on va pondre un TCK. Alors, God bless le SNCF, le TCK est gratuit. Le logo ne l'est pas, mais le TCK est gratuit. Ouais, le logo, tu le payes. Tu dois payer, tu dois être membre de la SNCF. C'est pire Kubernetes, que ça, faut être un membre, Platinum, Tagata, Bidule, enfin, ça te coûte. Pour te dire. Kubernetes ready, tu ouais. Tu l'as dit, tout se répète, c'est un grand cycle et tout. Si Kubernetes, un jour. Tout se répète pas, hein. Moi, encore une fois, je bosse sur des projets qui ne répètent pas ces patterns-là. Pour moi, on est sur des projets politiques dont l'objectif est de vendre des choses aux gens et pas de leur régler leurs problèmes. Ok, mais alors, mis à part, je sais pas, qu'est-ce qu'on a? On a Linux, on a. Je sais pas, quel projet de la fondation Apache. Ben non, tout ce qui tourne dans freedesktop.org, c'est très bien. Ouais, mais les gens de SystemD, ils sont pas là pour te vendre un truc, ça marche très bien. Oui, ok, mais. Non, je plaisante, c'est un troll, j'attends Debus en plus. C'était juste. Là, pour le coup, désolé, j'ai trollé. Non, mais je suis d'accord. Ça marche. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est pas ça. Ça va mourir. Pulse Audio? Mais Pulse Audio, c'est génial. En vrai, c'est génial. Okay, mais alors c'est très l'intégration. Bien. Non, attends. L'intégration de Pulse Audio a été un peu tôt. Non, mais j'ai le même argumentaire, je l'ai donné aujourd'hui à quelqu'un. C'est les gens d'Ubuntu. Ils avaient tenté le coup sur Beryl, ça s'était passé nickel. Il y avait une fuite de mémoire monumentale si t'activais les poissons, mais ça s'était passé nickel. Compis Beryl, pour ceux qui se rappellent de l'effet. Ils ont fait la même histoire. Le cube 3D. Le cube qui te donnait envie de vomir au bout de 3e jour. Ils ont tenté la même sur Pulse Audio, ça a merdé. Tu vois, genre. Parce qu'on n'avait pas grand chose d'autre à ce moment-là à faire. Enfin, on pouvait faire du streaming audio. Enfin, ça marchait, t'avais l'Alza Mixer, ça fonctionnait. Ah non, tu lançais deux applications, t'avais plus de son. Enfin, t'avais. Non, mais je suis d'accord. Ouais, ils ont tenté l'intégration de Pulse Audio, ils l'ont fait 8 mois trop tôt, tout le monde aurait tombé dessus, catastrophe, admettons. Mais en fait, si tu veux, faut pas. Enfin, si tu veux, aujourd'hui, la plupart des projets Free Desktop, ils sont plutôt dans l'openness. Dans la Apache Foundation, t'as quand même un paquet de trucs qui marchent très très bien. Enfin, je sais pas. Au niveau de neutralité de ce genre d'outils, dans ce qui nous intéresse, Node, rien. Il y a pas de, que des produits commerciaux ou à la. Mais peut-être posez-vous la question. Peut-être posez-vous la question à ce moment-là de vous en tant que communauté des ops. Le problème, qui est de continuer à penser qu'on devrait vous fournir des outils sur étagère qui fonctionnent et pas où vous avez à ouvrir le code et bosser. Et fondamentalement, c'est ça la discussion. Mais je suis entièrement d'accord. T'as lu le code de cube avant de le coller en prod? Non, j'en ai lu des parties mineures. Non, on a lu et on sait comment aller chercher. Attends, et moi, le premier jour où je suis allé à la Benepe, à la BNP bosser, j'avais en face de moi une armée d'IBMers. Il y avait un bug, on va mettre des gros guillemets. Des experts IBMers. Des bugs, etc. Et ben, le jour même, je suis allé leur sortir le code source, je leur ai répondu dans les dents là-dessus. La première réponse, c'est « Ah, mais toi, tu sais lire le code source de Cube ?» Voilà. Mais genre, ça arrive. Et avec Cube, justement, c'est du Go ultra mauvais, mais ça reste du Go à peu près lisible. Ça dépend des coins. C'est quand même pénible à lire. Hein. Ah, c'est quand même. Non, mais alors, il y a un talk du FOSDEM de l'année dernière. Alors voilà, tous les trucs merdiques que je trouve dans Kubernetes. Il y a un talk de l'année dernière du FOSDEM qui disait pourquoi Kubernetes c'est la merde, parce que ça a été écrit par des Java. Et en gros, c'est du. Alors moi, je défends rarement Java hein, en tant que langage. Hein. Oui, mais non, mais en fait. Je défends beaucoup la JVM. Je trouve que la JVM est une très belle technologie. Là, le problème, en fait, c'est juste des développeurs qui ont codé d'une certaine façon alors que le langage s'y prêtait pas. Et donc, ils ont fait un truc. Je fais plein de choses. Tu fais du Scala. Ils font. Ça ressemble un peu au C du kernel Linux, quoi, en fait. Mais appliqué au Go. Il y a de belles parties. Hein. Non, mais il est compliqué. Quand on le regarde dans les yeux, il est. Ça va, mais même le C de système D aussi est vraiment un C bizarre, enfin genre un C poilu quoi, enfin un C qui fait des choses quoi, enfin qui fait des choses peut-être un peu trop, enfin. Moi, encore une fois, moi je suis pas absent à la base, je suis un vrai dev, donc j'étais le seul obs de la boîte, hein. C'est pour ça que j'ai créé Clever à la base. Mais moi, si tu veux, ma vision sur ce genre de produit est plus le produit est intégré dans du code, moins il y a de bash, mieux je me porte. Et avec systemd, j'ai réussi dans des fichiers de conf de 5 lignes à remplacer 800 lignes de bash. Non, donc je suis satisfait. Et ben, j'ai fait ça, je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai remplacé. Moi, le premier que toute la prod, toute la prod. Vous avez des Docker lancés à la main. Non, mais attends. Non, mais t'imagines que toute la prod de ta bouteille là, toute la prod de ta bouteille, elle tourne sur un script shell qui est inclus dans une ressource chef. C'est du shell qui appelle des fois du Ruby pour faire des opérations, etc. Tout ce code-là, j'ai recréé en Go, en combien? Il y avait 200 lignes de Go, qui utilisait que la stdlib, avec une couverture de test à 60%. Tu faisais l'OpenSSL, je crois, t'avais des... Non, du tout. J'utilisais que la stdlib. Et elle était testée, etc. C'était toute la partie qui déchiffrait les secrets que j'avais. Il y a un gars, il est arrivé. Il a mis un truc, il a fait ici, là, dans la liste des technologies, il n'y a pas marqué Go. Il n'y a pas marqué Shell non plus. Ouais, mais encore une fois, si tu veux, je vais pas défendre toutes les erreurs managériales et politiques que tu as vues dans ta vie. Moi, je pense que pour le bien, pour la santé mentale des gens qui nous écoutent, on pourrait se dire, d'abord, là, en ce moment, ils nous voient et ils nous entendent plus, normalement. On va essayer de coller les morceaux de son. C'est devenu terrifiant pour eux. Je vous propose qu'on essaye de round-up, tu vois, sur le truc, quitte à se revoir une autre fois. Je pense qu'on s'est compris sur un truc. Moi, j'ai des griefs techno à apporter au truc. Vous, pour vous, ça vous a libéré parce que vous étiez dans des écosystèmes déplorables. On arrive à faire la... Je pense que les écosystèmes déplorables sont manifestement... majoritaire, malheureusement. Soit. Néanmoins, moi, les problèmes techniques que je vois sont non excusables dans un cadre de prod, selon moi. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Je rappelle que des gens mettent encore du Drupal 4 en prod. J'ai eu l'impression, la totalité de l'expression, de me souvenir de mes premières années en web agency, où je disais, on va quand même pas utiliser du SPIP, c'est de l'Adobe, et on me disait, ouais, mais ça ira plus vite. Et où, en fait... Très concrètement, on avait des projets où la near complétude allait très vite et on mettait des mois à aller vers le bien et on ne l'atteignait jamais parce que la dette de concepts et de trucs qu'on avait fait au début était non remboursable. On avait fait des flots majeurs au démarrage. Ok, on est entièrement d'accord là-dessus, mais après... Je pense que c'est la même chose. D'accord. Néanmoins... Peut-être que je me trompe et que des bons samaritains débarqueront et corrigeront les bugs. Je pense que le projet tel qu'il est politiquement interdit ça. Oui, mais alors, si on veut atteindre ces X pouillèmes de pourcents, soit on s'adresse à des gens comme vous qui sont dans la capacité de le faire, sur soit des projets précis. On investit sur ces projets précis-là dans une infrastructure dédiée. Qui ont, à mon avis, une flow aujourd'hui. Il y a des trucs qui vont être très difficiles à corriger. Tu vois, la spécialisation, l'hétérogénéité, dire on va pas tout mettre dans un endroit. Non, mais ça sera pas corrigé, il y aura un nouveau projet après. Hein. Mais moi, je le souhaite de tout, mais vraiment de tout mon cœur. C'est genre Kubernetes, j'ai plein de griefs contre lui, etc. Il y a des choses qui sont des... Tu vois, par exemple, comment le monorepo de Kubernetes à l'heure actuelle, avec plus de 25 binaires, 25 main Go dans un même repo, etc. Que même le client Go, c'est en fait un vendor qui est enlevé, qui est mis, etc. Mais c'est de la merde. Tout ce truc-là était bloté par les gars de Kubernetes, de Google au début. Mais genre, moi, j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec comment ça a été fait. Donc, je souhaite absolument que tout ça, ça saute. Je suis entièrement d'accord. Mais vraiment. Et je n'attends que ça. Et le jour où ça arrive, j'irai dessus. Je serai un early adopter le premier jour et je contribuerai le premier jour où ça se fait. J'espère juste que les gens qui feront ça ce jour-là auront trouvé un modèle économique, parce que sous-jacent, le problème, c'est le modèle économique de l'open source. Alors, et surtout en France. Et là, c'est ça le problème que j'ai envie de dire avec toi. En France, c'est particulièrement dramatique. Je ne sais pas comment vous avez réussi, vraiment, mais je trouve ça fabuleux. Et même, d'ailleurs, c'est en plus l'exploit premier de CleverClone, c'est d'avoir réussi à tenir en étant en France avec l'écosystème de la tech française. Je te le cache pas que c'est pas facile. Alors, et ben moi c'est ça, et pour le vivre même tous les jours avec des gens qui sont avec des étrangers qui font des trucs plutôt bien dans des boîtes assez grandes, et les Français qui sont en train de bloquer des 5 fers pour essayer de faire en sorte que ça ne se passe pas bien en France. Et ça c'est quelque chose que je vis à peu près tout le temps. Et donc clairement c'est le cas à l'heure actuelle, et vivre de bonnes technologies à l'heure actuelle, c'est un problème. Et c'est. Et je pense que pour le faire, il faut continuer à défendre cette vision que la tech c'est un truc d'ingénieur. Et moi, j'en ai marre qu'on me vende un truc de pas ingénieur. J'en ai marre qu'on vienne me parler de technologie en parlant des problèmes de management. Moi, que les gens sachent pas faire du management, je sais pas quoi leur proposer hormis de lire des bouquins. Mais surtout, faisons des jolies choses. Et donc moi, c'est ma position. Les gens font bien ce qu'ils veulent. Je maintiens que c'est ça le truc. Et après. Après, tu sais bien que le goût et les couleurs. Moi, par exemple, Kubernetes, je trouve ça extrêmement élégant dans la manière où c'est fait. Mais parce qu'on a des goûts et des couleurs très différents, c'est normal. Les objectifs au même endroit. Voilà, mais pas. Et l'ingénierie. Lance des binaires au pif les uns à côté des autres. Qu'est-ce que ça fait à la fin? Moi, je trouve ça cool. Mais en fait, surtout l'ingénierie, c'est l'optimisation en domaine contraint. Eh ben, j'ai des contraintes qui sont un peu du management, j'ai des contraintes qui sont plein de choses, etc. C'est, je fais de l'optimisation où je peux. Et ça, c'est l'ingénierie. C'est pas de la technicité. C'est l'optimisation en domaine contraint. Et c'est ça, l'ingénierie, dans la définition de Jean Covici. Parce que c'est la pure, C'est du Jean Covici. C'est du Jean Covici en tête. Je suis pas nécessairement d'accord pour accepter l'environnement humain, là-dedans. Parce que pour moi, c'est pas un domaine contraint, l'environnement. C'est toujours ce que tu présupposes de ce que vont penser les managers. C'est vrai aussi. Et, si tu veux, moi, il m'est arrivé de rentrer dans des pièces où on me disait c'est mort et d'en sortir vainqueur. Mmh. Et sans avoir tué personne, hein, de façon très simple, très carrée, en expliquant concrètement aux gens comment ça allait se passer, et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait une objection, je lui ai débunklé son objection. Je vous ai expliqué ce qui était, selon moi, des griefs technologiques sur ces technos, qui, à mon avis, sont des dangers forts, parce que, si tu veux, on a beau avoir dit la vertu, c'est cool, le machin, etc., aujourd'hui, c'est pas là-dessus que c'est basé. Aujourd'hui, on a des problèmes de mise à jour, on a un problème de Docker Hub, on a un problème d'isolation, on a un problème de conformité du contrôle manager. Il y a plein de problèmes. Alors, on me promet que demain, ce sera génial. Ah non, du tout. Et je te promets qu'on te le promet pas du tout. Je pense qu'il y a personne entre nous. Oui, c'est non, juste que... Je pense que ça va rester pareil. Donc, ça va rester... sera toujours aussi bloté avec on sait pas voilà. Ce qu'il y a dedans. Mais il y aura demain. Moi, je rêve de conteneurs qui sont plus des layers, etc. Mais d'autres choses avec... Mais il y aura... Oui, non, mais tu rêves. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toi, aujourd'hui, tu vois le potentiel du projet et tu te dis la communauté va le faire. Soit... Moi, je vois le potentiel du projet et je me dis. Non, moi, j'ai vu ce qui était avant et surtout les technologies. Moi, j'ai fait du Mesos. Je suis désolé. C'est une merde. C'est une merde. Et c'est. Moi, j'ai eu du. Au moment de la guerre des containers, j'ai mis de la prod sur tous les containers, sur tous les orchestrateurs. Très sincèrement, celui qui m'a le moins appelé, c'est Mesos. J'ai pas aimé ça. On parle pas de marathon, mais... là. Non, je te parle de Mesos. Ah, mais vraiment. Mesos tout court, c'est qu'un allocateur de ressources. Tu mets quoi dans Mesos si tu fais juste tourner Mesos? Non, mais. Tu fais du calcul distribué. Non, mais dans ce cas-là, tu ne peux pas le comparer avec Kubernetes. Si tu fais juste. Ah, si, tu fais du exact, tu vois. Ça n'a pas du tout le même degré de flexibilité. Et bien, Mesos, tu lui mets un framework par-dessus. C'est Mesos plus quelque chose qui ressemble à Kubernetes. Mais Mesos tout court. Mais même le marathon, c'est pas si pénible que ça, tu vois. Ah, bah là. En termes de pénibilité, ça va. Arrête, on a wipé la prod juste avec un push merdique parce que les PI, elle est bloatée. Les PI est une merde. Disons que si tu n'es pas très exigeant, voire même pas. Tu ne peux même pas savoir les checks que genre tu pousses un check, tu peux même pas le récupérer. Encore une fois, selon moi, c'est pas comme ça que devraient fonctionner les checks. Mais technologiquement, genre à l'heure actuelle, toutes les autres technologies que je connais, que j'ai vues, technologiquement, sont en dessous de Cube. Okay. Cube n'est pas parfait. Est-ce que tu sais pourquoi notre monitoring fonctionne? Parce que ça, c'est un sujet qui est très amusant. Pourquoi notre monitoring à nous fonctionne? Mais moi, par rapport à toutes ces technos-là où t'as des problèmes de watch, de machin, de trucs. Mais Prometheus, à l'heure actuelle, j'ai vu peu de problèmes en... Vraiment, soit, il pourrait y en avoir. Enfin, Prometheus, ça demande quand même vachement avoir un Prometheus exporteur dans la technologie que tu monitores. Enfin, si tu veux, aujourd'hui, bah, ok. Oui, c'est pas très très grave. Ça, pour le coup, va monitorer du même cache avec, on t'en reparle. c'est, oui, c'est facile. Il faut que tu modifies Webcache. Il faut que Memcache, tu décides qu'il peut répondre à tes questions. Bah, ils ont bien l'exporteur. Enfin, nous, il y a l'exporteur de base. T'as le stats. Qu'est-ce que t'as besoin de plus des stats? Tu veux les... Non, mais j'ai fait 4 ans de Memcache. Pour le coup, il a fait que du Memcache. C'est moi, Memcache. Donc, ouais, so what, quoi. Et à l'échelle. Non, mais d'accord. Une fois que t'as que je veux t'expliquer, c'est que moi, j'ai pas envie qu'un process externe puisse parler à mes machines. Donc, mon monitoring fonctionne. C'est entre autres parce qu'on est en virtu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on peut se permettre d'avoir un vrai gestionnaire de processus qui va avec chaque app que tous ces problèmes-là, on peut les résoudre. Après, tu peux me dire, oui, mais on peut bricoler, machin. Oui, c'est vrai, on peut bricoler. Comment ça? À quel niveau? Enfin, justement, moi, si jamais j'ai envie, si t'as un CM de sidecar dans, enfin, ton pod, tu peux très bien lui mettre un exporteur et ils sont vraiment ensemble. Ça, j'entends. Ils sont colocalisés, ils sont totalement ensemble, isolés, tout ça, tout ça. Ils sont pas isolés, ils sont dans le même OS que tout le reste. Non, ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu vas chercher de la data sur l'OS en lui-même, soit t'as bien configuré tes conteneurs et il a pas accès à /proc, soit les données qui sont montées par /proc sont pas du tout ce qui parle de ton proc, mais de l'intégralité de l'OS. Et donc t'as des problèmes de monitoring, ne serait-ce que ça, tu vois. Enfin, en fait, si tu veux, tu pourrais avoir des problèmes de monitoring. Non, t'en as beaucoup. Mais t'en as. Mais en fait, avant, dans toutes les prods où je suis allé, les gens, ils se lançaient tout en mode YOLO avec 6V init et ils priaient. En fait, arrête de me répondre à chaque fois. Mais avant, je bossais dans un monde où les mecs faisaient de la merde. Si tu fournis une optimisation qui ne bénéficie à personne, c'est pas une optimisation. Mais c'est elle bénéficie pas à personne, elle bénéficie à tous mes utilisateurs. Mais si concrètement, ne pas l'avoir fait, ça n'aurait rien changé, bah t'as perdu du temps. En fait, en gros, ça a tout changé chez moi. Le monde entier ne peut pas être clair. Moi, je te dis, j'ai fourni un exporteur pendant X années sur un même cache. Il faisait le travail, il fournissait de la valeur à mes clients et j'ai ressenti aucun problème. Et il ne s'est passé rien. Pour nos clients. Pour nos... Alors, si PG... peut-être qu'au bout de 20 ans, il serait passé quelque chose, peut-être qu'au bout de 40 ans, il serait passé quelque chose, mais en attendant, je suis même pas sûr. Donc, est-ce que le risque en vaut la chandelle de... Le monde entier ne peut pas être sur Clever. Toi, d'avoir une telle exigence, est-ce qu'il y a vraiment une valeur? Ben, en fait, la différence entre avoir une telle exigence et pas avoir une telle exigence, elle est que mon sommeil la nuit est extrêmement qualitatif. Parce que je sais exactement ce qui va se passer puisque ça a été calculé. Ok. Non, mais faire. Mais je pense que s'il y a quand même une certaine part de... En fait, on compte dans un domaine. Non, mais dans un domaine limité. Même si que je gagne à un autre endroit. Non, mais dans un domaine limité. Mais tu vois, c'est toujours le. Dans un domaine limité, tu peux te le permettre. Et je suis entièrement d'accord avec toi. C'est juste que Kubernetes, il a un principe de base qui est de pouvoir faire tourner des applications legacy. Des applications que. Non, tu fais pas tourner des applis legacy dans Kubernetes, mec. Enfin, arrêtez de déconner. Il a comme but de pouvoir le faire. Oui, d'accord. Mais et donc, ça veut dire que c'est pas un pass. Mais ça veut dire que c'est pas un pass. Ça veut dire qu'en gros. Oui, mais nous, en pass, on fait tourner des applications pour le coup très legacy. Non, mais c'est. Vraiment des catastrophes. Qui ont été. En fait, en gros, le but normalement de Kubernetes, c'est d'autres, non? Mais, c'est. En fait, en gros. On n'a pas de prod. Vieille de ce type-là. Nous, on a eu que des trucs nouveaux chez vous. On les garde pour nous, les vieux trucs. Mais non, mais ils sont sous contrat avec IBM, quoi. Et plus que sous contrat. T'as vu Solaris encore? T'as un contrat, tapé à la machine à écrire parce qu'il y a longtemps. Mais en tout cas, bon, voilà. Je pense que là, vous avez eu déjà. Alors, ce podcast est le plus long qu'on ait jamais fait. Et à mon avis, d'ailleurs, un des plus intéressants. Et j'espère que vous m'entendez, puisqu'on parle. Donc là, on a eu un problème de son, si jamais. Ouais, là, on a tout baisé. Là. Voilà. Il n'y a plus rien. Pour que le Zoom nous enregistre depuis tout à l'heure, mais ça se trouve pas. Si, normalement, on va terminer la conversation au resto. C'est ça. Non, voilà. Et mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté. Je pense qu'il y aura des suites, il y aura tout ça, etc. On va le sortir en 3 parties. Donc bah là, il t'entendra dans la dernière partie. Ah merde. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir écouté. Merci à toi, Quentin, d'être venu nous parler, voilà, etc. On a vu que, genre, au-delà de Twitter, on peut discuter normalement avec des gens. Non, mais c'est très bien de le dire. Les gens qui regardent ça de l'extérieur ont l'impression peut-être que on est des grands méchants qui ne savons pas parler, etc. Non, on peut avoir des divergences et pourtant s'entendre. Et voilà, c'est juste des... Il souffle, hein. Franchement, les mecs, on s'entend, mais... je suis d'accord. On a eu des points d'accord sur de multiples trucs. Ouais. Mais en fait, c'est un problème... Enfin, comme souvent, c'est un problème de contexte. Moi, il y a des choses... En fait, après, ça dépend ce qu'on fait dans la vie, tu vois. Mais c'est peut-être le fait d'avoir été connu jeune pour mon code. Mais en fait... moi, j'ai un truc, c'est, les gars, je mettrai pas de la merde en prod. Et en fait, le truc, c'est que si ça se passe comme ça, je vais passer la porte et pas revenir. Et du coup, moi, je mets pas de la merde en prod. Il y a pas de discussion en fait sur le sujet. Mmh. Tu vois. Et ça, c'est, ça me rend beaucoup plus serein. Et du coup, ça nous permet de construire des choses. Je dis pas qu'on a eu raison sur tout chez Clever. On a fait plein de merde. Il y a pas de discussion. C'est juste que je pense que là, on a pris des mauvaises décisions. Après, j'entends le discours qui est de dire, ouais, mais avant, on avait vraiment de la daube et j'ai pas les moyens de tout recoder. Ma réponse est de dire, regardez ce qu'il y a d'autre. Voilà. Après. Bah, mais c'est ça la question qu'on m'a posée, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas grand chose d'autre viable. Mais au moins, vous en avez fait par des équipes qui parlent français, qui font le boulot, qui avancent. Et la question, elle est, jusqu'à quel point on va continuer à aller embrasser Google sur la bouche? Et je pense que la fin de l'histoire. À l'heure actuelle, tu t'embrasses plus IBM qu'autre chose, hein. Enfin, quand tu vas sur que. Non, mais les gens prennent les décisions qu'ils veulent, hein, mais c'est genre, mais si j'utilise, je sais pas, enfin, il y avait moyen aussi à un moment d'embrasser ça au tout début et d'y être. Ça a été le cas avec certains de mes amis. On s'est fait défoncer en plein de boîtes françaises, etc., qui ont pas pu y aller. Moi, aider Scaleway, OVH à passer à Kubernetes dès le début pour être des vrais acteurs français de Kube, pour pouvoir peser dans le game, etc. C'est pas pour dire, mais non. Jamais pesé dans le game, mais je sais pas à quoi tu rêves. Mais sans déconner, tu vas souvent dans la vallée, parce que pas souvent, mais t'as pas senti, enfin, moi j'échange des mails déjà des fois surréalistes. Il m'est arrivé de faire des trending Hacker News avec des technos, tu vois. Les mecs de plusieurs boîtes connues m'envoyaient des mails en disant c'est génial ce que vous avez fait, on boit un café pour en parler. Leur dire on va faire un call parce que moi je suis à Nantes, donc on va pas boire de café demain parce que je suis à Nantes France, mais par contre je passe probablement le mois prochain dans la vallée, on se voit à ce moment-là. Ah. Parce que vous savez coder en dehors de la vallée? Non, mais t'inquiète pas. Et tu sais, t'es là genre, mais va mourir! Qu'en vrai, quand tu bosses dans les boîtes de la vallée 2 minutes, vu qu'il y a un marché de l'emploi qui est tellement tendu, qu'en vrai, tu prends un cuisinier de burritos, et c'est pas négatif envers les cuisiniers de burritos, et tu lui mets un t-shirt cube, le mec est embauché développeur star à 300 000 balles annuelles. Ce qui fait que t'as un nombre de tocards au mètre carré en code, mais qui défonce l'entendement, quoi. Enfin, et franchement, t'as cru 2 minutes que si OVH avait migré, mais 6 mois plus tôt sur Kubernetes, regarde, il devenait leader dans le marché. Regarde Zalando. Zalando s'en sort super bien. Mais regarde sur Docker. Docker, il y a eu 3. Alors, je sais pas. C'est reparti. Il y a eu peu de boîtes, qui ont jamais signé du Docker Data Center dans le monde. D'accord? Dont une énorme française. Ça nous a donné le moindre poids. Non, mais c'était, enfin, genre, ça a jamais marché, enfin. Bah ouais. C'est bien ce qu'on dit. Mais Docker Data Center, en plus, c'était une version closed source, à mes souvenirs. Ben, bien sûr. Et ben, comment tu veux peser? Moi, je parle d'un logiciel open source avec des gens qui pèsent de manière open source. C'est genre, on parlait en parlant open source. Des gens qui ont un avis, quoi, qui peuvent. Parce que des gens qui achètent de l'IBM closed source sur le mainframe, ils vont pas peser non plus dans la construction. Ils peuvent dire, moi, mon ticket de support, il passe avant les autres. C'est bien ce que je te dis. Je ne vois pas en quoi. Mais Zalando pèse. Il y a Bloomberg qui pèse aussi. Il y a quand même pas mal d'acteurs européens. Le truc, c'est que en France, c'est un néant. Il y a aucune KubeCon qui est jamais allée en France, et je pense qu'il n'y en aura aucune qui viendra en France. Même juste la KubeCon Europe, elle viendra jamais. Il n'y en aura pas en France parce qu'en France, il y a pas d'autre ville que Paris pour organiser une KubeCon. Que Paris, c'est extrêmement cher et que les infrastructures sont pénibles à gérer. On peut parler du marché de la conférence. C'est pas un souci. C'est beaucoup plus simple d'organiser une conférence à Amsterdam ou à Barcelone. Enfin, franchement, je connais très bien le game des conférences, et pour avoir organisé plein de confs à Paris, c'est pénible à souhait. T'as pas les hôtels que tu veux. T'as pas les infra avec l'aéroport. Ne serait-ce que va louer le palais des congrès de Paris. Un an à l'avance, c'est impossible. Et va ensuite louer le palais des congrès de Paris. Enfin, un dossier en soi. Genre, ça, c'est un problème d'infrastructure, d'organisation événementielle. Et sincèrement, c'est ça le problème. C'est pas le plus gros aéroport d'Europe. C'est pas les aéroports les plus simples. Tu dois prendre des aéroports où c'est très simple de venir des États-Unis. Barcelone, c'est un excellent hub. Amsterdam, c'est un excellent hub. Londres, c'est un excellent hub. C'est juste que tout est cher. Donc, non, franchement, c'est pas pour ça. On n'a pas peser dans le game Kubernetes parce qu'on n'avait pas les gens pour jouer dans le game Kubernetes et parce que la vallée n'est pas du tout ouverte à nous laisser de la place. Et ça, c'est un énorme point qui pourrait être le point de notre prochaine discussion. La question, elle est-ce qu'il faut continuer en tant qu'Européen à être une dépendance du réseau américain maltraité, ou est-ce que on devrait construire notre propre vision d'Internet. Ou aller sur les Chinois. On va faire des WeChat. C'est les Chinois j'ai une équipe 80% de Chinois, et les technos chinoises. Mais c'est en gros, là, à l'heure actuelle, le truc, c'est qu'on n'y arrivera pas si jamais toute notre tech reste tout le temps 10 ans en retard. Toi, c'est pas le cas chez Clever. Oui, mais. Enfin, c'est à moi qu'on a dit que j'étais daté et que j'étais un kakoshim qui savait pas de quoi il parlait, tu vois. Non, mais dans les conteneurs, au final, tu utilises quand même, in fine, une notion de conteneur. À mon sens, genre, les conteneurs, c'est une notion, c'est pas une implémentation, les C-groupes. Non, mais attends, après, à la bouffe, je vais t'expliquer comment marche notre truc. Et en fait, l'histoire que tu dois comprendre, c'est que justement, non. C'est parce que nous, notre truc est sémantique. C'est pour ça que ça marche. Mais encore une fois, ce que je reproche aux conteneurs, fondamentalement, c'est leur absence totale de sémantique. C'est de faire un zip de binaire. Je trouve que c'est dommage. Ouais, mais dans ce cas-là, tu n'as plus du tout la même. Non, mais la génération. Mais oui, ton kernel Linux ne sait que exécuter des binaires. C'est pas non, mais je vais t'expliquer comment ça marche. Bon, on va le faire au resto, on va pas repartir là-dessus. Ouais. Merci à tous. Alors, merci. Xème fois. Merci à tous et puis à une prochaine. On espère beaucoup plus vite que les dernières fois. Faites-nous du feedback. Je pense que vous allez nous dire que c'était un chouïa long. Ouais. Écoutez-les en plusieurs fois. C'est pas jouable. Mec. C'est pas épisodable. Si, non, c'est dur cette fois-ci. Bon, allez. La semaine prochaine. À plus. Merci beaucoup. Salut.